Bonsoir les amis, on est reparti. En théorie, ça devrait marcher. Vous allez me dire tout de suite si vous m'entendez bien. Le cas échéant, si ça fonctionne, eh bien je ferai quelques partages. Je serai le plus rapide possible. Je n'écrirai même pas de, texte. Voilà. Donc, a priori, on a fait une formule plus simple qui devrait nous permettre de fonctionner. On a quasiment une heure de retard. Finalement, c'est pire que la dernière fois. Alors que je tenais vraiment à ce que ça fonctionne à fond, quoi. Donc voilà, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Je suis navré et je sais que c'est pénible parce qu'en plus, quand je donne une heure, vous préparez devant la télé, c'est votre petit programme. On essaye de s'améliorer à chaque fois en musclant un peu la technique et en ayant un très bon son. Bon, puis on teste des trucs et pour l'instant, ça fonctionne pas. Mais on va y arriver et la prochaine fois, je ferai un live 2 heures avant sur une chaîne où personne n'est abonné. Comme ça, je m'assurerai que ça fonctionne. Voilà, on va faire comme ça. Alors apparemment, clair, mais montez le son. C'est ce qu'on me dit, quoi. Ah oui, c'est sûr, je ne suis pas financé par Soros. Hein, sinon, ça fonctionnerait un tout petit peu mieux. En fait, on ne s'occuperait pas de la technique. Ah, on fait peut-être semblant. En fait, on est financé par Soros, mais on fait semblant. T'es un génie. J'avais même pas pensé, mais c'est comme ça, effectivement. Alors, je partage le lien. Tac. Et finalement, c'est très bien comme ça. On devait faire comme ça depuis le début. Eh oui. T'as pas de retour, c'est pas grave. Les gens nous diront si ça marche pas, t'inquiète pas, ils vont gueuler. Ouais, mais ne clique pas alors. N'utilise plus ton PC. Ouais, tu regardes le chat, c'est tout quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bon? Ça fonctionne. Juste monter le son et ce serait bien. C'est tout ce qu'on me dit. J'ai vu 3 fois cette remarque. Est-il possible d'augmenter le son? Oui. Et là, ça vous explose les oreilles. Oui, bien sûr, je vais laisser la rediff. Mais ne vous inquiétez pas, un peu après le live, pendant quelques heures, la vidéo est traitée par YouTube. Donc, si vous ne voyez pas la rediff dans la nuit, c'est normal. Vous la verrez demain matin ou demain à midi, quoi. Ça va, me dit-on. Alors, on me dit ça va, S-A-V-A. Non, ça va pas. Tu ne sais pas parler français. C'est 2 lettres. Ça, c'est A. T'es même pas obligé de mettre la cédille. Mais juste, t'écris pas S-A. C'est insupportable. J'avais prévu d'être de bonne humeur pour ce live, mais là, tu me chauffes. Là. Déjà, je suis en tour minute. Là, je suis très très haut. Là. Son parfait, nickel. Ok. C'est parti. Oui. Je me suis permis d'écouter un petit retour. Et on est bon a priori, mais oui. Voilà. Alors, on me dit technicien QI à 2 chiffres. Tu confirmes? C'est dans le live, hein. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Non, hein, mais voilà, pas de moyens, pas de matériel. Ah oui, alors on me dit un truc. Ah, il faut que j'enlève l'autre lien bidon. Tu as raison. Apparemment, tu t'en occupes? Ouais, je vais m'en occuper. Ok, enlève-le parce que t'as 180 ton live, personnes. Moi, je m'occupe du reste. Je banne les gens. J'insulte les. Très ça. Bien. Allez, c'est parti, les amis. À vous de partager le lien vers ce live qui, cette fois, est fonctionnel. Tous les amis susceptibles d'être intéressés par cela. Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, je pense pas qu'on aura beaucoup de gens, on aura entre 500 et 800 ou 900 vues en direct, c'est pas très grave, mais on est en plein été, je pense que c'est à peu près la pire date pour faire un live, fin juillet, mais comme j'ai pas encore la possibilité de le faire en Roumanie, c'est pénible à l'endroit où j'habite, et puis live aux heures où je peux le faire, en fait c'est simple, ma femme et ma fille dorment, donc là j'en profite d'être chez mon ami pour le faire maintenant, quoi. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait très chaud. Donc, si je suis ruisselant, je m'en excuse. Ce n'est pas très élégant. Mais, encore une fois, on fait ce qu'on peut l'été. Alors, un salut de l'Ardèche, Daniel. Eh bien, salut à toi. Salut à toi. Salut, les gars. Salut, Benoît Tracol. Ravi de te voir ici et merci pour ton aide. On est parti. Ça a l'air de fonctionner. Allez, 500 visionnages. Allez, ça fonctionne. Voilà. Je m'excuse une dernière fois, on est parti, on s'amuse, on rigole. Le micro, cette fois-ci, le micro de mon ami fonctionne. Donc, il va chercher parfois des. Enfin, quand je vais me taire, il cherchera des questions intéressantes. Il les posera et j'y répondrai. Alors. Juste un truc pour poser une question à Daniel. Il faut taper dans le chat @Danielito. Et ensuite, vous avez le choix du nom qui va s'afficher. Et vous cliquez sur le nom, comme ça, ça met en évidence le nom de Daniel. Comme ça, je peux voir mieux les questions. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris la consigne. Ça sera plus simple pour Robin pour sélectionner les questions. Alors, On est parti. Je voudrais commencer par une première information. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais la semaine prochaine, là je suis actuellement à Paris, mais je fais des Vive l'Europe. Et j'ai un programme, c'est-à-dire que je vais tourner en France pour faire un certain nombre de Vive l'Europe. Alors je vais vous dire les villes dans lesquelles je vais me trouver dans la semaine qui suit. Ça fait déjà 2 semaines que je suis en France. La première semaine, j'ai été au camp Edelweiss pendant 5 jours et c'était fabuleux. Franchement, c'était une belle réussite. On a vraiment grimpé en niveau depuis la dernière fois. Et je vois déjà que ça pose des questions. Voilà. Je vous répondrai aux questions plus tard. Là, j'ai un petit speech à faire. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais voilà quoi. Je pense que je me demande si je vais pas couper parce que j'ai l'impression que ça lag sur mon ordinateur. Alors attendez, on va couper ça. On voit que tout de suite, il y a beaucoup de questions. Ok. Alors oui, donc je disais, la première semaine que j'ai passée en France, j'étais au camp Edelweiss. C'était une réussite totale et ce sera un peu le fil rouge de l'émission, je vais y revenir. Mais je voudrais donner mes dates de passage dans les villes de France. Excusez-moi, je suis un peu perturbé un peu par la technique encore. Donc j'essaie simplement de voir si vous entendez toujours quand je suis en train de parler. Non mais tout va bien, continue. Voilà. N'hésitez pas à dire souvent si ça fonctionne pas, s'il y a un souci, vous le marquez dans le chat, comme ça mon ami pourra le vérifier, mais je vois qu'il ne regarde pas le chat, ce qui est anormal, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, non, mais tu peux le mettre sur ton portable. On te reçoit nickel, Daniel, très bien. L'image parfois, mais pas le son, c'est l'essentiel. Donc on me dit que ça lag, l'image lag un peu, mais pas le son. Bon, écoutez, on va essayer de fonctionner comme ça, et j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Oui, voilà. J'aurais dû faire sur mon PC portable, voilà. Ok, alors moi je quitte aussi les trucs qui peuvent éventuellement faire laguer le Wi-Fi, parce que c'est vrai que je suis sur le même Wi-Fi. Et comment je peux faire pour lire les questions alors? Ok. Oui, je sais, merci, ça marche. Allez, très bien. Alors, première chose, mes déplacements en France dans les 10 jours qui suivent. Là, je suis à Paris. Demain, je serai à Rennes, mais j'ai pas franchement le temps de rencontrer qui que ce soit. J'y vais pour en fait faire une émission. Lundi, en revanche, je serai à Brest et je ne crois pas être jamais passé à Brest. Donc, si vous êtes à Brest dans le Finistère lundi, on peut se croiser. J'y serai à peu près jusqu'en fin de journée. Voilà. Donc, les Bretons, c'est le moment de se réveiller. Hein. Ceux qui habitent pas loin, je sais que certains bons amis habitent pas loin. On peut éventuellement se rejoindre à Brest en milieu, fin d'après-midi, on se tient au courant. Vous pouvez écrire dans ce chat ou bien vous m'envoyez un mail, danielconversano@tutanota.com, tutanota.com, et on peut essayer de se trouver. Bon, je me fais pas d'illusions, le lundi en général les gens bossent, il y aura peut-être que 3 ou 4 personnes disponibles, mais enfin voilà. Et je suis désolé, c'est difficile pour moi de déterminer à l'avance quel jour tel invité sera disponible, donc je fais un peu comme je peux. Ensuite, mardi, je serai à Montpellier en fin d'après-midi, et vous vous dites, mais Daniel est incroyable. Le lundi, il est à Brest. Le mardi, il est à Montpellier. Et Daniel, il roule comme un enculé sur l'autoroute. Eh oui, voilà. À 250, j'écrase des enfants. C'est mon plaisir. Voilà. Donc, mardi, je serai à Montpellier pour faire 2 émissions. Et entre ces émissions, comme je suis un grand seigneur, je vais accorder du temps aux Montpelliérains qui veulent me voir pour me rencontrer. Alors, on va pas monter un truc hyper élaboré. On se rejoint quelque part pour boire un coup. On se rejoint dans un parc, on se rejoint dans un bar que vous connaissez. Resto, j'aurais pas trop le temps. Mais enfin, les Montpelliérains, je sais qu'un certain nombre de Montpelliérains me suivent. Avant une émission que je vais tourner le soir, je pense, à 20h, 20h30, on peut se voir entre 16h et 18h-19h. Hein. Alors bon, je sais que certains sont très prudents et mettent la prudence... et c'est tout à leur honneur, c'est très bien d'être prudent. Moi, je vous le dis, je ne suis pas encore une superstar. D'ailleurs, j'espère ne jamais l'être. Donc, on peut tout à fait boire un coup dans n'importe quel bar de Montpellier. Personne ne va nous reconnaître. Voilà. Hein. Et le temps qu'on nous reconnaisse, il faut vraiment qu'on tombe sur l'antifa de Montpellier qui nous reconnaisse. Ah, il est là, on ne savait pas. Mais si on va dans n'importe quel pub, on peut rester 1 heure, 2 heures. Si des gens nous repèrent, on sera déjà reparti. Voilà. Mais... je suis en dialogue avec la section Soleilos de Montpellier, donc on verra si on peut faire ça. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'au milieu de la journée, je suis à Grenoble, voilà, ma terre natale, pour voir mes parents. Et donc, si vous êtes sur Grenoble, on peut se voir à Grenoble plutôt jeudi, parce que mercredi, je vais faire le trajet, donc je vais être fatigué. Je vais arriver en milieu de journée mercredi. On peut se voir mercredi soir éventuellement. Non, pas mercredi soir, j'ai quelque chose à faire. Jeudi ou jeudi soir, ou bien vendredi matin pour boire un café. Oui, alors vous allez dire, c'est chiant, là, c'est une phase, on s'amuse pas, Daniel, on s'en fout de tout ça. Mais il y a des gens qui ne passent pas leur vie à discuter sur Internet et qui sont très contents de me rencontrer. Et j'aime prendre le temps de rencontrer les gens IRL, comme on dit, parce que bah, simplement, ça crée des relations plus fortes. Ça permet de voir tout de suite à qui on a affaire. Ensuite, et là, on arrive au truc intéressant. Donc là, nous sommes samedi prochain. Nous serons, je vérifie, je crois que c'est le 27. Oui, nous serons le 27 juillet. Je serai à Nantes, vous avez vu. Je fais trois fois le tour de la France en bagnole, ce qui coûte un fric fou d'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc samedi, je serai à Nantes en début d'après-midi pour une conférence dont je donnerai, parce que là, j'ai pas en tête les... Ah zut, il faut que je vérifie pour vous dire quelle adresse mail contacter pour assister à la conférence. Je vais vous dire ça tout de suite, il y en a pour 2 secondes. Donc le 27 juillet, je serai à Nantes, voilà, pour une conférence avec les Brigandes. Enfin, plus exactement, ce sont 2 interventions différentes. Elles font une intervention, j'en fais une, pour parler du communautarisme et du tribalisme. Voilà. Donc l'adresse mail à contacter pour plus d'informations, c'est-à-dire le lieu, l'heure exacte et s'inscrire, c'est francestudio-conf@protonmail.com. Franc, F-R-A-N-C, studio, tout attaché, France Studio, tiré, le tiré du 6, conf@protonmail.com. Protonmail, P-R-O-T-O-N-M-A-I-L.com. Voilà, ça c'est le 27. Le 28, je serai à Paris. Voilà, je reviens à Paris le 28 juillet pour une conférence qui est montée par l'équipe communautaire Paris, que j'avais interviewé dans Vive l'Europe. Il y a quelques mois, il me semble. Et donc, vous pouvez y assister et réserver en écrivant un mail à conference.ecp@protonmail.com. Ça sera le 28 juillet, je crois, en fin de journée à partir de 18h. Voilà. En tout cas, pour ceux qui veulent me voir sur Paris, essayez de mobiliser votre deuxième partie de journée et aussi un peu la soirée, parce qu'évidemment, après la conférence qui sera... je pense que je vais faire une conférence d'une heure, 1h15 maximum. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez, on pourra boire un verre et vous aurez l'honneur, l'immense honneur de me payer un coup et de me rendre ivre afin que je puisse révéler tous les secrets de la dissidence. Voilà, tout ce que vous avez toujours voulu savoir et tout ce que vous avez aussi jamais voulu savoir et que vous saurez quand même, parce que quand on est ivre, évidemment, on lâche tout. Alors, je tiens à dire que à Nantes comme à Paris, je serai muni, mais ça ce n'est pas une surprise, des 2 livres, on va dire, dont que j'ai édité. Alors le premier c'est le mien, que j'ai écrit, désolé Jean-Pierre, je l'ai quelque part ici, mais on va dire, comme j'ai peur que la technique ne marche pas, je ne veux même pas faire un déplacement de 2 mètres vers le hors-champ. Donc j'aurai quelques exemplaires de mon livre, désolé Jean-Pierre. J'aurai dans sa deuxième forme le bouquin donc de Guillaume Fay, de Feu Guillaume Fay, Guerre civile raciale. Voilà, avec cette deuxième couverture, tout aussi charmante. J'aurai aussi quelques exemplaires de la première couverture que certains préfèrent. Voilà, donc pour les personnes qui veulent plutôt acheter le livre en vrai et avoir par exemple une dédicace. Alors, je crois l'avoir déjà dit, mais je porte à information le fait suivant, c'est que bon, je peux bien sûr vous dédicacer mon livre que j'ai écrit moi, mon roman Désolé Jean-Pierre, mais théoriquement, on me l'a demandé et je l'ai fait, mais je ne peux pas signer et dédicacer à la place de Guillaume Fay. Voilà, l'auteur n'est plus là, il n'y a pas de dédicace. Bon, si vous voulez toutefois une dédicace dedans, je vous la fais, je ne suis pas chiant, mais ça ne se fait pas. Ça ne se demande pas. Voilà, je vous le dis, règle de bonne manière de fan. Bon, alors, autre chose aussi, il y aura à disposition une quinzaine d'exemplaires d'une maison d'édition qui vient de se lancer et dont j'apprécie les livres et que j'aimerais faire connaître, cette édition, ces éditions Némésis. Maurice Gendre en a parlé lorsqu'il est passé dans mon émission dans le Vive l'Europe, qui a beaucoup plu d'ailleurs, donc je réinviterai Maurice Gendre pour parler d'actualité quand il sera disponible. C'est un homme qui a une vie un peu chargée, donc dès qu'il sera disponible, peut-être en fin d'année, on refera un Vive l'Europe ou bien une émission d'une autre formule, ce n'est pas très important. Et il avait parlé d'une maison d'édition, Némésis. Depuis, j'ai lu un certain nombre de livres qu'ils ont édités. Et je vais commencer par celui qui me semble le plus important et que donc vous pourrez vous procurer lors de ma conférence à Nantes et à Paris. J'en aurai en version physique, là, comme je l'ai maintenant. Donc, le premier livre, c'est Casapound, tout se réapproprier. Voilà, ça a été traduit de l'italien. C'est un très beau... Ah oui, exactement. Donc là, je ne suis pas sûr. Voilà, voilà, et ça, c'est mieux comme ça. Casapound, avec le symbole de Casapound. Bon, on ne pourra pas échapper au reflet parce que, voilà, j'ai mis un néon en plein devant pour qu'on voit bien. C'est un excellent livre. Franchement, c'est un des livres les plus utiles que j'ai lu récemment dans la sphère nationaliste. Et cette traduction, qui était un gros boulot, était vraiment utile. Et puis en plus, c'est un livre qui est bien produit. C'est-à-dire, en fait, il y a une belle qualité de papier. Il y a des images de Casapound, évidemment, de la réussite de Casapound. Et vous imaginez bien que pour nous, pour ceux qui ont fait, enfin, pour les personnes qui sont en charge de Suavelos et qui font vivre le communautarisme, eh bien, c'est un exemple pour nous, Casapound, de réussite. Nous voudrions reproduire dans une mesure, dans un logiciel français, malgré tout, la réussite de Casapound. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que, en fait, ce n'est pas un livre de constat, c'est un livre pour avancer. C'est-à-dire, en fait, le sous-titre, c'est 40 concepts pour une révolution en marche. Et je trouve que c'est vraiment un livre utile quand on a les idées que nous avons. Alors, le deuxième livre, je ne l'ai pas encore lu, mais il sera disponible à l'achat. C'est Le Nouvel Ordre Mondial. Voilà. Voilà. Le Nouvel Ordre Mondial, je ne peux rien vous dire sur le livre parce que je ne l'ai pas encore lu, aux éditions Rubicon, qui étaient les ancêtres en fait des éditions Nemesis. Et puis vous aurez un livre de Varg Vikernes, Magie et Religion en ancienne Scandinavie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de païens qui recherchaient, d'ailleurs j'aime beaucoup la couverture, qui recherchaient ce livre, en tout cas qui sont intéressés par les livres de Varg. Et donc j'en aurai un petit stock. Donc j'ai insisté un peu là-dessus parce que certains vraiment sont un peu des flippés de la commande sur internet. Donc là vous pourrez l'avoir en direct, voilà, et le payer et le prendre tout de suite avec vous. J'en profite pour dire que je remercie encore toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont permis à Guerre Civile Raciale d'être un franc succès. On s'attendait à un succès comme ça, mais malgré tout, ça continue de bien se vendre et ça dépasse mes espérances. J'en suis très content. Je veux dire aussi que depuis 2 semaines, si des nouvelles personnes ont commandé le livre, parce qu'il y a beaucoup qui rachètent le livre pour avoir l'autre couverture, c'est très gentil, je vous en remercie, surtout si c'est pour offrir, c'est vraiment super de votre part. Je vois les prénoms, je m'en rappelle, j'ai une bonne mémoire des noms de famille, donc quand je vois les personnes acheter plusieurs fois, ça me touche, parce que ça m'est vraiment utile, et c'est une bonne façon d'aider la cause. Donc je voulais dire que les personnes qui ont commandé, je crois, depuis le 4 ou 5 juillet, si vous ne l'avez pas encore su, c'est normal, on est à nouveau en rupture. Voilà, à chaque fois, c'est toujours difficile de déterminer combien je dois en réimprimer parce que je me dis, bon, bah, les ventes vont diminuer, donc j'arrête d'en produire. Parce que voilà, le cauchemar pour un éditeur, c'est d'en imprimer 2000 et de se retrouver avec des exemplaires sous les bras. Mais je crois que finalement, j'aurais mieux fait d'en éditer beaucoup, d'en en imprimer beaucoup dès le début. Ça aurait été plus simple comme ça. Bref, donc en tout cas, les livres vont vous parvenir. On a reçu le stock hier ou avant-hier et donc on est en train de rattraper le retard. Je dis souvent ça, mais le livre est vraiment victime de son succès. Et c'est bien parce qu'il me permet, ce succès me permet d'éditer des livres dont je ne suis vraiment pas certain du potentiel commercial, mais que j'ai envie d'éditer. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que, ah super, Myrdine me dit le livre est génial, je l'ai dévoré. Eh ben, c'est très sympa, merci. Je vois ma gueule horrible et huileuse parce qu'il fait vraiment très chaud ici, surtout avec les néons. Donc je suis désolé, mon aspect est peut-être un peu repoussant. Mais enfin, fermez les yeux, l'important c'est le message, ce n'est pas le messager. Que disais-je ? Oui, alors aussi une information. Alors je vais faire une bande-annonce, je vais publier aussi un entretien que j'ai fait avec lui, inédit. Mais je vais, donc le livre d'Isara, que j'ai prévu depuis un certain temps, est prêt et il sera disponible à la vente dans une semaine. Dans un peu moins d'une semaine. Donc voilà, vous pourrez le commander via un lien que je vous donnerai sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, je referai une vidéo en ce sens pour l'annoncer plus officiellement. Mais je tiens à dire que les personnes qui veulent éventuellement précommander le livre via PayPal, voilà, eh bien, je vous fais un petit tarif de précommande, voilà, qui durera, on est samedi, on va dire jusqu'à samedi de la semaine prochaine. Le livre d'Isara sera à 17 € hors frais de port. Et en fait, pour les personnes qui veulent me le commander dès à présent via PayPal, eh bien, je le fais à 14 €. Je fais également ce tarif à toutes les personnes qui attendent mon journal Extime depuis des mois. Voilà, je sais que j'ai merdé, comme je merde souvent. C'est vraiment la dernière fois que je me laisse prendre à annoncer un truc qui n'est pas encore prêt, parce que ça met une pression considérable. Le livre va sortir, ne vous en faites pas. Une dizaine de personnes m'ont envoyé des mails. C'est peu par rapport au nombre de gens, d'ailleurs je les remercie, qui attendent le livre patiemment et qui pour l'instant ne s'inquiètent pas. Une dizaine de personnes s'en sont inquiétées. Je n'ai pas répondu pour l'instant, je le fais ce soir. Vous aurez le livre, je vous demande d'être patient. Et en attendant ce livre, eh bien, sur tous les livres que je vais sortir, là, enfin en tout cas les deux que je vais sortir cet été, eh bien, je vous ferai une réduction si vous êtes intéressé par ces livres, hein, bien sûr, quoi. Donc je le fais à 14€. Si vous avez un compte PayPal et que vous souhaitez payer par PayPal jusqu'à la semaine prochaine, vous m'envoyez un mail danielconversano@toutanota.com. Et bien sûr, quand j'aurai le livre en main, donc vendredi ou samedi prochain, et bien tout de suite, vous serez les premiers à qui je l'envoie. Et je fais le même tarif, et ça, on va dire, jusqu'à la sortie du journal Extime, je fais le même tarif aux personnes qui ont commandé le journal, voilà, de cette manière. Donc le journal, je ne veux pas donner une date officielle, mais je vais tout faire pour qu'il sorte en septembre, octobre. Je l'ai mis de côté parce que je me suis focalisé sur les autres livres que j'éditais qui n'étaient pas de moi. Et mon journal, en fait, c'était une erreur, non pas littéraire, parce que je suis très content d'avoir écrit ce journal, mais une erreur stratégique que d'annoncer le journal bien à l'avance. Et surtout, c'était très naïf de penser que je l'aurais fini en janvier-février, alors que je me suis répandu toutes les semaines sur des dizaines et dizaines de pages. Donc, j'ai beaucoup de brouillons à traiter et je m'en sors pas. Là, je suis à la moitié, mais je vais finir par y arriver. Et ne croyez surtout pas que ce que vous allez lire dedans est obsolète. Au contraire, même quand je détaille beaucoup le suivi de ma relation avec Guillaume Fay, ça aura un intérêt parce que ce sont des choses que vous aurez un petit peu oubliées et dont vous allez vous remémorer en lisant ces lignes. Je rappelle que, par exemple, Nab a sorti ses journaux intimes 10-15 ans après les dates d'écriture. Donc, ça a une valeur en soi parce qu'un journal, une fois publié, est une œuvre littéraire et n'est pas un carnet de bord, on va dire, simplement des jours qui passent, ce qui n'aurait pas vraiment d'intérêt. Alors, Jean-Robin manque. Non, il ne manque pas du tout. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à cet être humain depuis 3 mois. Et donc, bannissez la personne qui vient de me faire penser à nouveau à Jean-Robin. Bannissez-le vraiment. Après, vous le débannissez. Voilà. Donc, pour terminer, donc, ces livres seront, j'aurai ces livres avec moi aux conférences de Nantes et de Paris. Et le thème de la conférence de Paris sera « Le bonheur malgré l'horreur ». C'est le titre de la conférence que je vais donner. Ça fait un certain temps que je voulais faire un sujet de ce type parce que je pense que c'est important de remonter le moral des troupes, mais pas, on va dire, de manière artificielle. Ce n'est pas de la méthode Coué. Pourquoi j'ai voulu faire cette conférence? D'abord, la première chose, c'est que Laurent Ozon, avant qu'il s'éjecte en fait du milieu nationaliste sans trop qu'on comprenne pourquoi ni comment, eh bien avait prévu de faire une conférence sur la déprime, je crois, ou le désespoir, et je trouvais que c'était une très bonne idée d'aborder d'une manière natio ce thème majeur, on va dire, de l'actualité, de la vie en société française aujourd'hui. Donc je m'étais dit, tiens, il l'a pas fait lui, il faudrait que je fasse quelque chose en ce sens. Et la deuxième raison, c'est que, bah, tout simplement, je suis heureux malgré l'horreur. En fait, je me suis pris comme propre référent pour élaborer cette conférence. Je me suis dit, comment se fait-il que je vois des nations qui ne s'en sortent pas, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de taf, ils n'ont pas de meuf. Alors, ok, il y a cette situation tragique, il y a des crimes tous les jours, il y a les attentats. On a tendance à l'oublier parce que là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un attentat en France. Enfin, je dis ça, il y a eu... Non, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de raconter. À Strasbourg, il y a eu plusieurs morts en décembre, vous voyez. Donc, vous voyez, comme même moi, je m'habitue à l'horreur. C'était il y a 6 mois et je dis, oh là là, il n'y a pas eu d'attentat depuis longtemps. Bon, je retire ce que je viens de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au quotidien, il y a une souffrance quand on regarde l'état de la France, mais ce sont deux choses différentes. Et dans la conférence, je vais essayer de bien l'expliquer. D'ailleurs, je vais filmer la conférence et si je suis bon, on la rediffusera. Voilà, parce que parfois, pour roder une conférence, un peu comme les comiques qui font des sketchs, il faut la dicter très souvent. Il faut la faire 2, 3, 4 fois. Et puis la quatrième fois, on est rodé, on a dit tout ce qu'on voulait. Donc moi, je tiens à le faire parce que je crois que trop de nations, en fait, sont dans la léthargie et ne font rien parce que ils amalgament leur vie privée et la vie de la France, c'est-à-dire la vie du pays, son histoire, son destin. Même si la France décidait jusqu'au bout d'en finir avec elle-même, à travers son peuple, vous êtes des individus, vous avez une vie individuelle, vous pouvez ne pas faire ses choix. Il y a un déclin français, il y a une dégénérescence on va dire, de morale de beaucoup de gens, sans doute, mais vous n'êtes pas obligé de suivre cette dégénérescence. Vous voyez, il appartient à vous de réussir votre existence. Donc ce sera le sujet de la conférence que je vais donner à Paris et dont je suis assez content du contenu pour l'instant. Peut-être que je ferme un peu ma gueule et qu'on prend une ou deux questions, Robin. Il n'y a pas de... Non, apparemment, non. Donc, voilà. Non, mais Robin va sélectionner les questions et moi, je vais petit à petit poursuivre vers le reste. Donc, je vous ai dit, j'ai annoncé les conférences. Je le répète, la semaine prochaine, samedi 27 à Nantes, dimanche 28 à Paris. Dans la description de la vidéo, je redonnerai les adresses mail. Je le fais maintenant comme ça c'est fait. Pour vous inscrire à Nantes, c'est francestudio-conf@protonmail.com. Et pour vous inscrire à Paris, le 28 juillet, c'est conférence.ecp@protonmail.com. Naturellement, je sais que certains, par exemple à Nantes, je ne suis jamais passé. Donc si certains ne m'ont jamais rencontré, ils ne veulent pas seulement écouter des conversations, ils veulent aussi parler avec moi. Donc bien évidemment, je le signale si ça a besoin d'être fait. Je prendrai du temps après la conférence pour discuter avec vous. Voilà, on va boire un coup, on va peut-être dîner, je ne sais pas ce qui est organisé encore là-bas. Mais on peut prolonger le plaisir après la conférence, il n'y a aucun problème. Et au contraire, c'est avec plaisir. Voilà. Ben voilà. Est-ce qu'on a des petites questions ? Oui, on en a quelques-unes. Oui. Rivaldi qui demande depuis tout à l'heure s'il peut acheter le livre par PayPal. Je suppose que. Bien sûr. Oui. Oui. Oui, bah bien sûr, il te demande. Donc la confirmation est oui. Alors quelle est l'adresse PayPal et comment on procède ? Alors, l'adresse PayPal, mais je préfère que tu m'envoies un mail à l'adresse que je t'ai indiquée, danielconversano@toutanota.com, parce que dans le mail, tu me donnes ton adresse domiciliaire pour que je t'envoie le livre une fois qu'il est prêt, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc l'adresse PayPal, malgré tout, si tu la veux, c'est viveleurope2016@gmail.com. viveleurope2016@gmail.com. Les paiements par PayPal m'arrangent pour des raisons azouzesques que je n'ai pas envie de développer dans cette vidéo, mais voilà, que voilà. Beaucoup connaissent. Voilà. Gigi demande si tu connais précisément des endroits blancs et tranquilles. En France ? C'est une question générale, c'est pas précisé. Connais-tu des endroits blancs en France ? Moi, je vois ça, effectivement. Ouais, d'accord, je suis sur la même question aussi. Eh bien, écoute, bah, dis donc, le mec, il dit ta gueule, Conversano. Bah, bloquez-le, quoi. On ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça aux gens. En vrai, dans la vraie vie, si tu m'avais en face, tu ne dirais pas ça. Tu ne dirais pas ta gueule, Conversano. Donc, à partir de là, on va te bloquer. Voilà. Donc, ceux qui ont le pouvoir de bloquer, le bloquent. Et d'ailleurs, comme personne ne le bloque, je vais le bloquer moi, parce qu'apparemment, ce soir, je suis un peu... Voilà, je crois qu'en fait... Voilà, c'est bloqué, Chicnode, c'est bloqué. Déjà, tu avais un pseudo de merde, tu vois, c'était mal parti dans la vie, donc voilà. Est-ce que je connais des endroits blancs en France ? De moins en moins. Je dirais dans la France métropolitaine, qu'est-ce que tu entends par blanc ? Qu'est-ce qu'un blanc, finalement ? Non, je rigole. Mais oui, une conférence du docteur Finkelstein. Je vous en prie, entrez. Alors, un blanc, finalement ? Est-ce que ça existe ? Quelle est la limite ? Voilà, donc des endroits blancs, full white, personnellement en France je n'en connais pas. Hein. Vous allez dans le trou du cul de la diagonale du vide, vous allez en forêt, comme ça vous marchez 30 km, t'es là, c'est bon, je vais me faire un bouquin, je vais allumer un feu. Il n'a pas précisé France, il a dit, connais-tu des endroits blancs et tranquilles ? Mais est-ce qu'on a envie de tous les entier, partager ? Pas que ça a faute. Oui, voilà. On va faire du Google Maps, hein. On va chercher un endroit blanc dans le monde entier. Bah, évidemment, il y a plein de... Écoute, je parle très souvent de l'Europe de l'Est pour l'instant. L'Europe de l'Est est non pas intégralement, mais très majoritairement blanche, y compris dans les grandes villes. Voilà. Donc les personnes qui n'ont jamais quitté l'Europe de l'Ouest n'arrivent même pas à concevoir qu'il puisse exister des villes fonctionnel, avec internet, avec une infrastructure plutôt bonne, même si par exemple en Roumanie c'est légèrement moins bon qu'en Europe de l'Ouest, mais malgré tout, il y a des trams, il y a des trains, il y a des taxis, tout va bien, Quand il neige, les gens sont chauffés chez eux. Quand il fait chaud, il y a la climatisation. Donc ça, mais malgré tout, dans ces villes-là, vous pouvez vous balader pendant 2 semaines, 3 semaines, ne pas voir un nom blanc. Donc bien sûr que ça existe. En France, c'est de plus en plus difficile. Je dirais tout de même, à l'exception notable de la Corse, il y a 5-6 ans, je t'aurais dit la Bretagne, mais franchement, maintenant, chaque fois que je vais en Bretagne, je vois des Maghrébins ou des Noirs. Je suis désolé, à un moment on me dit la Bretagne est préservée en rapport à Paris, bien sûr, et ça reste sans doute un endroit plutôt agréable à vivre pour des familles notamment, surtout qu'il y a pas mal de coins tranquilles et planqués, mais dans les villes bretonnes, je suis désolé, maintenant on peut parler de multiculturalisme en Bretagne. Et encore, multiculturalisme est un mot trop joli pour exprimer la réalité du remplacement ethnique. Mais je trouve qu'en Corse, chaque fois que j'y vais, je me dis, mais franchement, on respire quand même. Donc vous allez me dire, c'est pas la France métropolitaine. Les Corses vous diraient, mais c'est pas la France, je vais te tuer. Mais enfin bon, on parle français. Voilà, administrativement, c'est la France. Quand on voit un timbre de Corse à France, c'est France à France. Donc à un moment donné, voilà quoi. Donc voilà, après, c'est une question trop générale. Ah, j'en ai une qui est pas mal, Yes. de Johanna Baranoff, Oui. qui me dit: Salut Daniel, je suis fonctionnaire et je me demandais si je ne risquerais pas de perdre mon travail si j'allais au camp d'Edelweiss l'année prochaine. Bah, c'est une question, je comprends, je peux comprendre ton inquiétude, mais elle est infondée. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, contrairement, alors je précise, voilà, quand je fais ça en mode peace, ça c'est l'expression de la paix. Ça veut dire je ne viens pas avec une intention violente, une intention clashesque. Mais je fais simplement, j'établis une comparaison avec d'autres groupes nationaux. Il y a des groupes nationaux qui communiquent énormément sur leur camp en disant: regardez, c'était super, on a fait des choses martiales, et ils prennent beaucoup de photos. Donc les photos qui sont prises et qui sont diffusées après sur Internet permettent de déterminer les lieux. Et parfois, quand les lieux où le camp s'est produit est déterminé, eh bien en fait, par capillarité, après, on arrive à trouver les gens qui étaient dedans. Voilà. Bon, je vous fais pas un dessin, mais c'est comme ça. Nous, on fait tout pour protéger enfin, que les gens qui viennent ne soient pas emmerdés ensuite dans leur vie de tous les jours. Parce que, bien sûr, même si je souhaiterais, à titre individuel, je souhaiterais qu'il y ait plus de gens qui fassent de vidéos comme moi et qui s'expriment pour le nationalisme blanc à visage découvert, eh bien, je comprends aussi que certains veulent soutenir, on va dire, en restant discrets, et surtout parce qu'ils ne le peuvent pas, ils ne peuvent pas faire autrement par rapport à leur travail. Donc, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, c'est le troisième camp que nous organisons. Aucune personne n'a vu sa vie être gâchée par le fait de l'appartenance à la communauté et même à la présence physique au camp, même si j'y étais moi, même si on a eu des invités peut-être prestigieux, tout simplement parce que on ne communique pas sur le lieu publiquement et on ne prend pas de vidéos sur nos activités, sur ce qu'on y fait. Donc, si tu veux voir comment ça se passe, il faut venir sur place et tu verras qu'on a vraiment une super ambiance. On est une famille. Voilà, c'est ça que je voulais dire et je le répéterai quand je serai à fond sur la question du communautarisme. Nous sommes devenus une famille. C'est vraiment comme ça que moi je le ressens. J'étais assez ému à la fin. Je vais vous dire, c'était la première fois que j'étais comme ça parce que la première fois, on n'était que 20. La deuxième année, quelques personnes quand même qui étaient là la première fois ne sont pas revenues. Donc voilà, le lien était encore un peu fragile. La deuxième année, on était 60. Mais on avait quelques problèmes d'organisation parce que justement le nombre de personnes a dépassé un peu nos attentes. Donc en fait, ça s'est bien passé, on a un très bon souvenir, mais c'était pas hyper bien organisé et c'est de notre faute complètement. Là, c'était à la fois très bien organisé, il y avait plus de monde et la plupart des gens qui étaient venus au deuxième camp sont revenus au troisième. Et ce sont des gens pour lesquels, via Telegram, en fait, j'ai continué à nouer une relation d'amitié, on va dire, tout au long de l'année. Et donc, j'ai vraiment ressenti une forte émotion parce que je me suis dit, mais non feinte et non exagérée, je me suis dit, mais ça marche vraiment. Parce que vous savez, il y a cette expression, fake it until you make it. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé de Nano faire. right, nano right. Nano right, fake it until you On make the it. good Donc, of the night. pour les non-anglophones, hein, parce que oui, moi je parle anglais couramment, bien sûr. Hein, l'anglais. Le Oui, je suis franglish, en bien tout cas, sûr, bien sûr, bien sûr. j'ai 10 sur 10 en franglish. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il m'arrive parfois de dire, ouais, c'est bon, on est prêt, alors qu'on n'est pas prêt. Parce que c'est toujours comme ça qu'on lance un projet. Mais là, ça marche. Vraiment, le communautarisme, ça marche. Les liens qui sont créés sont véridiques et sont puissants. Et je peux enfin, ce qui me libère du temps pour d'autres activités, parce que je suis avant tout un créatif et un porteur de voix sur Internet. Je peux me reposer intégralement sur d'autres personnes que moi-même. Et ça, ça me fait un bien fou. Je suis fier de ce que j'ai réussi à faire. Et je suis fier des gars qui ont pris le relais. C'est-à-dire que maintenant, pour l'organisation du camp 2020, je m'en occupe pas du tout. Voilà. Moi, je suis le communicant. Et en interne, on a des gens qui s'occupent de ça et qui veillent à la sécurité des personnes qui viendront en 2020 et à la réussite du séjour. Donc voilà. Alors, je tiens à dire que les inscriptions, et oui, et les demandes d'information et les inscriptions pour le camp 2020 sont déjà ouvertes. Et oui, elles sont déjà ouvertes parce que nous avons besoin. En fait, il est très difficile de réserver un lieu en France l'été. La France est un pays touristique et donc on a besoin de savoir bien à l'avance à peu près combien on sera. Même si à la marge, on peut toujours rajouter des gens au dernier moment. Mais l'organisation est facilitée pour nous si on sait à l'avance combien de personnes vont venir. Et moi, je vous le dis, pour l'an prochain, je vise un nombre de participants de l'ordre de 140, 150 à 200 personnes. On peut le faire, on doit le faire, on va le faire. Et là, tous les organisateurs qui sont en train de m'écouter en mode « Enculé !» Et on vient de finir, on a pas envie de se relancer. Non, c'est bon, les vacances ça a duré 2 jours, maintenant on est reparti. Et voilà, on se reposera quand on sera mort. Alors, en ce qui concerne donc les demandes d'information, donc là la question que tu m'as posée sur les camps, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des dangers pour ta vie, etc. Tu peux poser toutes ces questions à cette adresse mail parce que ce sont ces personnes-là qui s'en occupent. Il y a une personne qui m'a demandé comment on peut être sûr qu'il n'y a pas des infiltrés. On n'est jamais sûr. Mais de toute façon, attends, je vais répondre à ça un peu plus tard. Donc alors, l'adresse mail des organisateurs du camp Edelweiss 2020, c'est la même que pour 2019. C'est edelweiss.europe@protonmail.com. Edelweiss, edelweiss.europe@protonmail.com. Je tiens à préciser que je vous demande, pour toute question relative au camp, de contacter ces personnes. Ne m'écrivez pas moi un mail pour me parler du camp 2020. Je ne m'occupe pas de l'organisation et ces personnes-là, je les ai validées personnellement. Elles ont toute ma confiance, donc vous pouvez y aller et leur parler comme si vous me parliez à moi, évidemment. Voilà. Alors, en ce qui concerne la question, comment peut-on savoir s'il n'y a pas d'infiltrés ? S'il y a des infiltrés, ce seraient des infiltrés de la police. Ce ne serait pas des infiltrés du Mossad parce qu'ils ont autre chose à foutre. Le Mossad a autre chose à foutre qu'infiltrer un camp de sang raciste en France. Mais la police, oui, c'est possible. Il est possible même que dans les 100 personnes qu'il y a eu, il y ait un agent de police. C'est tout à fait possible. La vérité, c'est que je n'en sais rien. Mais un police va prendre des informations qui servent la police. C'est-à-dire qu'en fait, si au sein du camp, il y a l'organisation de quelque chose d'illégal, l'infiltré va en référer à son chef et ensuite on peut avoir des problèmes. Mais la police, à ma connaissance, n'en est pas au point où elle va contacter ton école parce que tu es prof de maths et que tu es venu au camp Edelweiss. Un policier a autre chose à faire qu'appeler la CPE, la directrice du lycée, et dire « Oui, vous avez un raciste dans votre équipe. » Voilà. Donc c'est pas comme ça que ça marche, mon ami. Donc ne t'inquiète pas, tout va bien. Et c'est le troisième camp qu'on organise. Combien en faudra-t-il pour que vous soyez rassurés ? Eh oui, encore une fois, sans vouloir faire mon Asselino et me féliciter chaque fois qu'il y a 20 inscrits de plus, c'est quand même un pas à franchir que de se rendre dans un séjour de 5 jours. C'est quasiment des vacances. Il y a des gens qui posent leurs vacances entières pour venir, parce qu'en plus, on est à cheval comme ça sur le vendredi, du vendredi au mercredi. Donc, des gens vraiment sacrifient de leur temps qu'autrefois, ils mettaient ailleurs pour aller dans des vacances individuelles ou en famille minuscule à la Côte d'Azur, et bien maintenant ils viennent avec nous. C'est quand même puissant, tout ça sur une ligne radicale que chacun connaît. Alors, encore une fois, je ne veux faire injure à aucun autre camp nationaliste, mais on est déjà parmi ceux qui font les meilleurs scores en nombre de personnes. Voilà. Donc quand des anti-conversano, anti-chavelos vous disent qu'on est au point mort, si vous voulez, moi j'entends ça depuis que je suis arrivé dans la dissidence. On m'a tué 7 fois depuis que je suis dans la dissidence. En 2014, Conversano c'était fini. En 2015, Conversano c'était fini. En 2016, après Soral, Conversano c'était fini. Hein. En 2017, bah, c'était fini. Tu vois. Bon, c'est des prophéties autoréalisatrices, mais qu'en fait ne se réalisent pas. Les gens qui disent ça sont finis elles-mêmes, voilà, et n'existent pas. Souvenez-vous, Jean Robin a fait une vidéo. Suavelo c'est mort en mars. Et qui est mort depuis ? Jean Robin. Il a fait prout. Il a fait prout, il a fait caca, comme dirait l'autre. Voilà. Mais Jean Robin, j'en profite pour te dire, bien sûr, en toute amitié, que tu n'es pas invité au camp Edelweiss 2020. De toute façon, radin comme tu es, je pense que tu ne paierais pas le billet depuis Honolulu pour te rendre en France métropolitaine. Et Jean-Robin est-il encore en vie? Je ne comprends pas, en fait. Ah, mais Jean-Robin, respect, enfin. Jean-Robin, c'est le De Gaulle moderne. Il fait de la résistance depuis Tahiti. Depuis la France. La voilà. France. Il est coucou, en coucou France. Coucou, vous souvenez du coq là pendant ces... Voilà, tout est là, tout est dans le cocorico. Allez, peut-être encore une ou deux questions. Et après, je... Oh là là, moi j'en ai... T'en as beaucoup? Waouh. Ah bah dis-moi. Un paquet, quoi. Allez, c'est parti. Allez, on est un peu sur les questions. Les mecs insistent, te les repostes toutes les deux minutes. Allez. Je vais commencer par les toutes simples. François Larrosse, ouais, qui n'arrête pas de me demander... Est-il toujours possible de commander ton journal? Oui. D'ailleurs, en fait, il y a des personnes qui m'ont demandé à plusieurs reprises, depuis 3 mois, de commander mon journal. Mais comme je n'avançais pas trop sur sa réalisation, sa production et sa mise en vente, je n'ai pas répondu à ces messages. Mais je vais le faire. Mais je vais faire une vidéo où je vais dicter un autre extrait du journal et je donnerai une adresse mail spéciale pour le journal. Alors, vous allez me dire, c'est le bordel, Daniel, tu as 15 adresses mail. En fait, c'est plus simple pour moi. Ça me permet de... Mon cerveau fonctionne comme ça. Ça me permet de sectoriser les trucs. Quand je veux répondre aux gens sur le journal... sur le journal intime, eh bien, je vais sur mon adresse mail journal intime. C'est comme ça que je fonctionne. C'est un peu dingue, mais il faut m'aimer comme je suis. Voilà. Bien sûr, tu peux encore acheter mon journal intime parce qu'on était arrivé à presque 300, je crois 290, mais évidemment, comme je ne l'ai pas sorti, bah, des gens se sont rétractés, m'ont demandé le remboursement ou bien simplement ont dit bah, je vais l'acheter. Et ils ne l'ont pas acheté. Donc, si tu veux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, absence d'argent, présence d'argent. Tu vois, même si je suis un artiste, tu vois, j'arrive quand même, les choses concrètes comme ça, j'arrive à voir un peu, quoi. Le mec qui a payé, le mec qui n'a pas payé. Bizarrement, tu arrives à faire encore la différence, quoi. Voilà, donc il y a encore, on peut encore commander des exemplaires, mais pas d'empressement. Quand je m'approcherai de la date de sortie, je referai une promo dessus. Là, pour l'instant, l'actu, c'est vraiment la sortie du bouquin d'Isara qui va s'appeler Été, comme la saison, voilà. Je suis un génie. Été, le mec le sort en été. Ouais. Ah, mais tu vois, c'est franchement la race supérieure. Oh. Voilà, parce que si j'avais appelé ça hiver, en été, c'est nul. Voilà, donc ça va s'appeler Été et ça sortira la semaine prochaine. J'aurai un lien de vente vers ce livre. Je suis en train de préparer un site où toutes mes éditions seront centralisées parce que c'est vrai que c'est le bordel. Et dans la description de cette vidéo, en commentaire épinglé, je vous mettrai les liens vers Désolé Jean-Pierre, vers Guerre civile raciale. Et dans quelques jours, vers le livre de Raphaël Zachary de Isara. Je sais que beaucoup, en général, les critiques qui viennent sur Isara sont toujours les mêmes. Il est très talentueux, mais il est fou. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc j'ai sélectionné, j'ai gardé le talent, j'ai gardé ce qui était de droite et j'ai mis de côté ce qui était de gauche ou qui était, on va dire, de fantaisie. Sans importance à mes yeux, bien sûr. Voilà. Donc, mais je suis très satisfait et vous verrez que ceux qui ne connaissent pas trop Isara, mais qui vont acheter le livre par soutien pour Conversano, parce que je sais que beaucoup de gens vont faire ça, déjà, je vous remercie d'avance. Et deuxièmement, vous verrez que je ne me suis pas foutu de votre gueule. C'est un vrai auteur. C'est quelqu'un qui écrit bien. Vous allez lire Isara, vous dire, mais putain, il est bizarre, mais putain, il écrit bien. Franchement, Isara, il écrit super bien. Et c'est à ce titre que je l'ai édité. Voilà. Une autre? Ouais, une ou deux questions. Allez, encore. Une ou deux? Allez, deux. Deux. Ok, bah, je vais essayer de les sélectionner, les bonnes, parce que j'en ai des très étranges. Allez. T'en veux une étrange? Oh, allez, une étrange. Tu veux une question X-Files? Une question X-Files. Allez, c'est parti. Je ne répondrai pas à la taille de mon sexe. Non, non, non. Un indice, c'est énorme. Genjo de Godless Monk, oui. Quelle est ta vision de la vie après la mort? Penses-tu qu'il peut y avoir une spiritualité nationaliste liée par exemple à l'esprit des ancêtres? Waouh. Tu sais... Je vais te dire, mon ami, d'abord, je vais te parler un petit peu. Je pense que tu souffres d'une forme de sociopathie. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, sociopathie n'est pas le mot exact, mais c'était un peu pour faire rigoler les amis. C'est que ce n'est pas le lieu de me poser une question comme ça. Tu comprends? On a un live, il faut des questions courtes qui invitent à des réponses courtes. Là, tu me poses une question philosophique. Il faudrait que je consacre une vidéo entière à cette réponse. C'est pourquoi je vais te faire une réponse sans doute décevante parce que très courte. Et qui va peut-être heurter la sensibilité de certains, et je m'en excuse, parce que la mort est un vrai sujet. Je pense qu'un certain nombre de choses que nous ne faisons pas, c'est par crainte de la mort. En gros, je pense qu'en Occident, la majeure partie des gens, et je fais partie de ces gens-là, ne croient pas en une vie après la mort. J'y ai cru à une époque, j'ai voulu m'y faire croire, mais la réalité, c'est que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose après la mort. Et le fait de ne pas croire une chose après la mort sépare pour moi, c'est fondamental et j'ai même commencé à écrire quelque chose dessus. Je ne sais pas trop ce que j'en ferai, un exposé, une vidéo ou peut-être un petit livre. Mais je crois qu'aujourd'hui, la bataille que se livrent les deux camps dans le monde, c'est la bataille entre ceux qui ne croient pas en une chose après la mort et ceux qui y croient, ou bien ceux qui s'en fichent. Donc, pour être très clair, ceux qui y croient très fort, ce sont les musulmans, et ceux qui s'en fichent, ce sont les noirs qui n'ont, bien souvent, qui ont très peu de choses à foutre de leur propre existence. Et ça, c'est une réalité. J'ai vu très peu de peuples comme ça, mais j'ai connu des... Voilà, au cours de ma vie, j'ai fréquenté des non-blancs, et je sais ce que c'est la mort, et par exemple la maladie dans une famille de noirs, et je sais qu'ils n'ont pas la même crainte de la mort. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique l'inconscience face au danger, face à la violence, face au crime. Et je crois que depuis que le monde occidental ne croit plus en une vie après la mort, eh bien, il a perdu en courage. La différence, c'est que moi, je ne suis pas un décadentiste. Je ne vais pas dire c'est la faute des gens, ils n'ont qu'à recroire. Je ne pense pas qu'on peut recroire. Je pense simplement que... Bon, la phrase de Nietzsche n'a aucun rapport avec ça, en fait, quand il dit « Dieu est mort ». Enfin, un rapport très, très faible avec ça, mais finalement, on pourrait l'utiliser à cette sauce-là. Une fois qu'on a tué Dieu, on ne peut pas le faire revivre, d'accord ? Une fois qu'on a Pasteur, une fois qu'on a les fusées dans l'espace, c'est dur de croire en une vie après la mort. Donc déjà, moi, personnellement, je n'y crois pas, mais je pourrais revenir un peu là-dessus. Je ne vois pas d'ici, désolé, j'ai mes lunettes. Ah oui, super, oui, 1000 vues, merci beaucoup le gars. L'été, 1000 vues, c'est pas mal du tout. Continue à partager le live, c'est vraiment super. Ta question, il y avait deux questions dans la question, mais je me souviens plus du reste. Merde, je me souviens plus. Le culte des ancêtres, oui. Par contre, oui. Alors, je suis pas païen, au sens où je ne crois pas aux dieux païens. Contrairement à certains païens, je crois que Thomas Ferrier avait dit dans mon émission qu'il croyait aux dieux païens. Personnellement, je n'y crois pas, même si je trouve que c'est une belle culture. Mais je crois que la forme de survie auquel il faut s'accrocher, parce que vous allez me dire, mais tu ne crois pas à la vie après la mort, c'est très triste, donc tu dois être quelqu'un de très sombre. Pas du tout. Moi, je crois à la vie avant la mort. Voilà, et je crois qu'il faut vraiment tout donner au cours de sa vie et que l'image que vous donnez à vos enfants, parce que c'est pour ça qu'il faut faire des enfants, c'est que puisqu'il n'y a rien après la mort, la survie, c'est à travers la génétique. Vous comprenez ça ? Quand j'ai compris ça, j'ai compris la puissance de l'enfantement. C'est qu'en fait, vous survivez à travers vos gènes. Qui porte vos gènes ? Vos enfants. Voilà. Et alors, donc ça, c'est la survie génétique de votre personnalité, de votre âme, qui ne va pas se retrouver entièrement dans votre enfant, mais qu'il transporte à travers sa génétique et dont il a toujours, il a toujours quelque chose de vous. Moi, je vois ma fille... Physiquement, son visage, elle ne me ressemble pas trop, quoique plus qu'il y a 6 mois ou 1 an, mais elle me ressemble beaucoup en termes de caractère. Et mes parents me le confirment, moi je le constate déjà, et mes parents me le confirment, ils me disent c'est marrant, mais voilà, et elle prend des positions, elle rit sur des trucs, c'était les mêmes choses que toi, et ça c'est vraiment fabuleux à ressentir, et c'est pour ça que je ne suis pas une personne négative, c'est que je crois vraiment, je vous dis moi, ma devise, c'est que je crois à la vie avant la mort. Voilà. La vie se suffit à elle-même, et transmettre la vie, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on accède à une forme d'éternité, en créant aussi le maximum de choses positives pour son peuple et pour sa famille de son vivant. Donc c'est pas du tout négatif, et des scientifiques de génie, des occidentaux travaillent, toujours les mêmes bien sûr, travaillent à allonger la durée de vie. C'est pas du tout une mauvaise chose, c'est pour ça que je suis pas un décadentiste. Voilà, des hurluberlus vont vous dire c'était mieux quand en fait on n'avait pas peur de la mort et qu'on mourait à 40 ans. Non, c'était pas mieux. Voilà, c'est juste que maintenant, on se doute qu'il n'y a probablement rien après. Donc, quand on sait qu'on va mourir, ça fait vraiment très chier. Et des scientifiques de génie qui fonctionnent selon la méthode rationnelle pour arriver à leur conclusion et non pas dans le mysticisme, eh bien, travaillent à ce qu'on vive le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Voilà, je ne dis pas qu'un jour on sera immortel, mais peut-être qu'on pourra vivre beaucoup plus longtemps dans de meilleures conditions. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et ça, on le doit à la science, à l'intelligence blanche occidentale. Voilà. Peut-être une dernière question donc, que tu avais sélectionnée ou tu en as pas en stock ? Sinon, c'était pas si, grave. Si, j'en ai plein en stock. Allez, encore une. Bah, en fait, les gens, j'en ai même une, deux en une. Si tu veux, les gens veulent ta réaction sur la victoire de l'Algérie. Puis, c'est une question qui revient. D'accord, ok. La femme qui a été égorgée par un incel, quoi. Ok. Oui, je vois une autre question. Il vaut mieux ne pas faire d'enfant que faire un métis. Tel est mon point de vue. Et surtout que quand on parle de métissage, on ne parle pas d'un métissage russe, asiatique, parce que ça n'existe quasiment pas en France. On parle du métissage qu'on connaît et qui est le plus abominable. Alors, sur la victoire de l'Algérie, plutôt, bah, moi je dirais, j'ai rien à en penser. Ce qui est fou, c'est de voir la différence entre ce que disent les médias, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment, ils se sentent tous très français, et puis évidemment, quand il s'agit d'une victoire, ils défilent, ils crient « Vive l'Algérie », et ils se définissent comme africains, parce qu'en plus, c'est une compétition, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi, en tant qu'Européen, je dis simplement, qu'est-ce qu'on en a à branler? Voilà, pourquoi on fête une victoire de n'importe quel pays, ça aurait été le Sénégal, c'est la même chose, d'un pays africain en France. Ça n'a pas lieu d'être. Et ça illustre encore une fois la réalité du remplacement ethnique, c'est que ils sont trop nombreux et lorsqu'ils décident de faire la fête, on ne peut rien faire. Alors nous, on ne peut rien faire, la police pourrait faire quelque chose, mais vous imaginez bien que la police ne veut pas enclencher la guerre civile raciale, hein. Bien sûr, ils travaillent bien sûr au contraire. C'est pour ça qu'en fait, j'ai fini par m'éloigner de la ligne d'Alain Soral, parce que je me suis rendu compte qu'Alain Soral et Manuel Valls disaient la même chose. Je dis ça parce que c'est à peu près à ce moment-là que je l'ai réalisé. Manuel Valls, suite à l'égorgement du père Hamel, avait dit, il faut tout faire pour éviter le conflit de civilisation et la guerre civile. Alors moi je dis, ouais, d'accord, mais c'est un enculé, Manuel Valls. Et je zappe sur ER, et Alain Soral dit, il faut tout faire pour éviter le conflit de civilisation et la guerre civile. Ah, vous avez le même projet, en fait. Mais va te faire enculer, quoi. Voilà. Donc ça a été la prise de conscience, évidemment. Donc les flics ne réagissent pas, parce que vous imaginez bien que ce qui est arrivé à Florina, Fiorina, pardon, et toutes les personnes qui ont perdu leur œil au moment des gilets jaunes, hein, plus d'une dizaine, hein, je crois 10 à 20 personnes, si c'est pas plus. Bon, imaginez si on commençait à éborgner un Rachid ou un Youssef. Oh là là, syndrome méditerranéen, quoi. Hein. On dit ça, syndrome méditerranéen, en fait, ça concerne le Maghreb, hein, en réalité. Hein. Donc là, ce serait une plainte de 6 mois qui ne s'arrêterait jamais. Donc bon, moi, ce que je trouve le plus déplorable, une fois encore, c'est la réaction des médias de gauche qui ne cessent de trahir les peuples européens. Je l'ai diffusé sur mon Telegram. Alors, je précise que ceux qui veulent me rejoindre sur Telegram, vous devez d'abord installer l'application Telegram. Et ensuite, comme c'est un Telegram privé, je vous enverrai le lien en message privé. La procédure peut paraître chiante, mais elle a son sens. Écrivez-moi un mail à danielconversano@toutanota.com et je vous enverrai un lien vers mon canal Telegram où je suis seul à m'exprimer. Alors, les journalistes de gauche, c'est des animaux formidables. Tiens, il pleut. Voilà, vous mettent en photo de leur article qui a se mettre là. Pardon. Bon, c'est un arabe. Ouais, voilà. C'est un arabe qui fait wesh comme ça. Voilà. Et eux, ils mettent en légende. Donc en fait, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Hein. Vos villes sont à feu et à sang. Des gens se font écraser par les bagnoles, des mecs ivres de joie. Après une victoire ou ivre de haine après une défaite, parce qu'ils réagissent de la même manière à chaque fois, eh bien, eux ils réagissent comme ça. Donc c'est l'observateur, le Nouvel Obs. C'est aussi paradoxalement une volonté d'affirmer leur pleine appartenance à la société française, une manière de dire nous sommes là, nous faisons partie de la nation. Donc en fait, en gros, le mec il défile avec des drapeaux algériens, il dit one two three, vive l'Algérie, nique la France, sa mère la pute. Je me sens purement africain. Il y a cette vidéo qui a tourné qui dit ouais, Nick Le Pen, nom des Africains, vas-y, nanani. Et en fait, selon le Nouvel Observateur, c'est une façon de marquer leur appartenance à la civilisation française. Voilà, c'est génial. A égale B, B égale V. Voilà, le noir c'est le blanc c'est le noir. Et le sous-titre de l'article, c'est les scènes de liesse des supporters algériens sont un pied de nez aux discriminations. Ouais, on peut-être fermer la. Tu veux que je ferme la porte? Ça va, si vous nous dites si vous entendez trop le bruit de la pluie, mais là, on Un déluge en cours et il y a un il va déluge. peut-être y avoir des appels d'air, donc on se prend une si bonne la sauce. Technique se passe, peut-être la gueule encore. Voilà. Donc ce sont des traits intégraux. Donc ça, je crois que je l'ai déjà lu. Voilà ce que m'inspire la victoire de l'Algérie. On voit la même rideaux chose. Qui s'énervent tout seul. Ouais, avec du vent, quoi. Alors concernant le. Après, je vais en revenir aux commentaristes parce que c'est quand même le sujet du jour. Concernant cette meuf dont j'ai oublié le nom qui a été égorgée par un incel, vous savez, Bianca, je vais. Bianca quelque chose. Moi, je suis un mec normal. Quelqu'un se fait égorger, c'est pas normal. C'est-à-dire, mais je veux dire, même un noir se fait égorger en France, je ne vais pas vous dire c'est normal. Je ne vais pas commencer à vous expliquer la raison philosophico, je ne sais pas quoi, de l'acte. D'accord ? Donc là, on parle d'un incel qui, d'après ce que j'ai compris, est peut-être un métis, mais appartient globalement à la civilisation occidentale, qui a cette idéologie incel, donc je ne comprends pas vraiment d'ailleurs. Donc incel, c'est involontairement célibataire, c'est ça que ça veut dire. Apparemment, ça, c'est un mouvement politique. Voilà. Donc la gay pride, c'est des mecs qui sont gays, ils défilent. Alors, t'es des incels, ils vont défiler parce qu'ils baissent pas. Voilà, il faut faire une incel pride maintenant, apparemment, quoi. Bon, et donc cette meuf, ce qu'il reprochait à cette nana, j'ai pas vraiment regardé en détail, mais en gros, c'est d'être ce qu'on appelle une attention whore sur Instagram. Instagram en est rempli, il y en a de tous les pays. Ce sont des nanas un peu jolies qui arrivent via les filtres à s'améliorer et à faire baver plein d'hommes, c'est-à-dire elles ont 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés, même plus, et alors qu'elles ne baissent pas. Voilà, elles ne baissent pas, c'est-à-dire que ce sont des allumeuses. Bon, moi, dans mon référentiel, même si je comprends la frustration des gens qui n'ont pas de relation sexuelle, je sais que c'est dur de ne pas avoir de relation sexuelle, dans mon référentiel, un meurtre, c'est un meurtre, d'accord ? Et ce que je disais sur mon Telegram, c'est que les personnes... Comment ? Ouais, les personnes qui en fait essaient de justifier ça, de le faire comprendre en mode « oui, il y a une explication rationnelle », me font penser aux sociologues de gauche qui excusent la violence meurtrière des migrants. C'est-à-dire, en fait, votre grand-mère s'est fait sodomiser par un migrant noir et ensuite tuer. Et vous avez un marxiste culturel de la télé qui vous dit que c'est social. C'est parce que le mec n'a pas assez d'argent, donc c'est une revanche parce que votre grand-mère est une vieille pute de blanche qui a plein d'argent. Ben, c'est la même chose. Les défenseurs des incels ou ceux qui essaient de relativiser. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué dans les articles que j'ai lus... Alors, les gens vont me dire, oui, l'article de DP, mais pas seulement. Plein de réactions sur Twitter. C'est le manque de compassion pour la femme qui est morte. Je veux dire, cette femme est morte dans des conditions épouvantables. Donc ça, c'est le premier point. Aucune compassion pour la défunte, pour la personne qui est morte. Et la deuxième, c'est ce relativisme absolu, cette philosophie de comptoir. C'est-à-dire, oui, alors attendez, il faut dépassionner le débat, il faut essayer de comprendre pourquoi un jeune blanc en arrive à égorger une femme. Alors, en première intention, on pourrait se dire que c'est absolument scandaleux. On pourrait pleurer, on pourrait crier, on pourrait avoir des réactions hystériques. Mais il faut dépassionner le débat, il faut essayer de comprendre. Et si on cherche à comprendre, on se rend compte qu'en fait, et là donc je sors en fait de mon rôle, quelle est la conclusion de tous ces analystes du dimanche ? C'est en gros, c'était une pute, elle l'a bien cherché. Donc voilà, finalement, tout ça pour en arriver à ce point-là. Ben moi, je suis pas d'accord. On peut être une allumeuse, on peut être la dernière des putes, on peut être une personne insignifiante qui se prend pour Jésus-Christ Superstar. Merci, Robin. Quand on est un homme avec de vraies couilles, eh bien, on ne se morfond pas sur son sort. On y arrive quand même à baiser, hein, parce qu'il faut arrêter les conneries. Je vais y revenir dans la deuxième partie. Et surtout, on a du mépris pour les personnes comme ça, et on les fuit, on en cherche d'autres. On n'assassine pas les gens comme ça, d'accord ? Donc moi, je suis ulcéré par les réactions que je lis dans le milieu dissident, et je condamne fermement les personnes qui psychopathologisent, ou plutôt, en fait, il y a une tentative de rendre les blancs, de les transformer en psychopathes. Je le vois vraiment, on n'a plus de solution. Les gens se disent, bon, bah, on va rendre les hommes blancs fous et après ils vont agir. Moi, j'y crois pas. D'accord ? Si c'est pour rendre les puceaux et les frustrés fous et leur faire tuer des femmes blanches qui font un dogface sur Internet, plutôt que de tourner cette haine contre en fait, les ennemis qu'on connaît et que je ne vais pas citer parce que c'est interdit par la loi, bah, je suis désolé, c'est de la faiblesse. D'accord ? Parce qu'on est des hommes et tuer une femme, eh ben, c'est facile. Voilà, c'est facile de jouer le timide. Parce que c'est comme ça que font les tueurs en série, hein, les Ted Bundy et autres. C'est pas des grands méchants loups. C'est qu'en fait, ils font les gentils avec les nanas, ils les ramènent dans leur bagnole. Et une fois que les nanas sont en confiance, ils les tuent en verrouillant la porte. Bah, je suis désolé, mais moi, je peux pas. Même si cet incel, oh le pauvre, il a pas fait zizi dans le chat, c'est normal, il a égorgé cette fille. Faut vous faire soigner. Hein. Et je terminerai là-dessus. Si. Moi, j'arrive avec mes troupes, en 3 ans d'existence seulement, à ramener 100 personnes sur une ligne racialiste à un camp, pendant que les personnes qui sont pro-incel sont en fait des trolls sous pseudo sur Internet, et bien en fait, ça a un sens, d'accord ? C'est-à-dire que si vous voulez être dans le réel, assumez votre ethno-différentialisme, vivre heureux, avoir une femme, un enfant et avoir une prise sur le monde, il faut peut-être écouter mes conseils. Et si vous voulez finir fou et vous-même à tuer des putes d'attention, eh bien, vous avez qu'à écouter les autres. Leurs analyses sont très fines et vous conduisent vraiment vers le droit chemin. C'est vraiment super. Vous baiserez toujours pas, mais en plus, vous aurez la haine. Et ce sera une haine inféconde qui fera que vous allez échouer dans la vie. Voilà ce que je pense de cet événement. Un petit trinc. Oui. J'ai vu un mec dire que c'était du vin Monop. Ouais. Alors montre la. Non, c'est pas du vin Monop. Non, c'est parce qu'il y a le truc vert, c'est un vin bio. Ouais, c'est Côte de Blaye biologique, s'il vous plaît. Bon, on l'a pas acheté 50 euros, je vais pas te mentir. Ouais. Mais c'est pas le dernier des, c'est pas le dernier des vins. Ouais. Alors juste pour terminer sur ce truc-là, un mec dit c'était deux malades. Non mais attendez les gars, oh on arrête. C'était deux malades peut-être, mais c'est pas la fille qui a tué le mec. C'est le mec qui a tué la fille. On va arrêter les conneries maintenant. Quand vous, avez, je veux dire, c'est vous relativisez un crime. Oh. On me suit là ou pas? Désabonnez-vous de cette chaîne si vous trouvez normal qu'un incel tue une femme blanche en l'égorgeant, quoi. Mais sans déconner, vous êtes complètement cinglé, quoi. Et après, ça s'étonne que les gens ne rejoignent pas, quoi. Mais je comprends pas, je parle de Pétain tout le temps, j'ai le crâne rasé, il y a marqué 88 sur mon bras, je suis pour que les femmes qui baissent pas se fassent égorger, et il n'y a pas de femmes dans mon groupe. Allez vous faire sodomiser. Bon, bref, alors. Je vais reprendre. Oui, saucisson. Eh oui, non, on se laisse pas abattre, on mange du saucisson. Je vais reprendre sur le communautarisme. Alors, le camp, c'était un rêve total. Ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait plusieurs mois que je n'étais pas en France. Et même si la vie est agréable pour les raisons que vous savez en Roumanie, la langue française, les Français, l'esprit français, ça vous manque quand même. Et dans le milieu natio, eh ben, on a des gens qui incarnent cette France qu'on aime tant. Donc, il y avait un tout petit peu moins de gens que ce que j'avais dit. Il n'y avait pas 96. J'ai compté au plus fort, je crois qu'on était 92. Il y a peut-être eu 2 ou 3 démissions au dernier moment. Ça reste quand même un tiers de plus que l'année précédente. Donc, on continue d'évoluer. Ce qu'on ne peut pas vous montrer, parce que justement, par rapport à la question que m'a posée la nana tout à l'heure, il y avait plusieurs activités par jour, le camp durait 5 jours, et il y avait 4 ou 5 activités par jour qu'on ne peut pas filmer parce que la plupart des gens ne veulent pas, en réalité la totalité des gens ne voulaient pas être filmés, donc on ne peut pas, ça me frustre un peu, on ne peut pas faire de promotion de ce, qu'on a, de ce dont on a parlé, mais il y a vraiment eu des ateliers qui m'ont beaucoup plu, même ceux auxquels je n'ai pas participé mais que j'ai vu, et notamment, franchement j'ai été très ému sur les ateliers de danse traditionnelle. Il y avait un atelier de danse folk et je me suis cru dans cette scène de Titanic, vous savez, où les Irlandais dansent à un moment donné, et c'est là que Kate Winslet se fait séduire par DiCaprio. Et vraiment, il y a ce moment-là où je me dis, putain, on a vraiment créé cet espace où des gens, même d'un certain âge, arrivent à se détendre assez pour ne pas avoir peur d'être ridicule et pour danser comme ça, faire la ronde. Et un professeur, va dire, quelqu'un qui connaît un peu ce type de danse, leur apprenait à le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément. Il y avait aussi des conférences, mais données non pas par des figures nationales, mais par des gens qui avaient une compétence particulière et qui voulaient la partager. Bon, voilà. Par exemple, il y a eu un atelier permaculture. Alors, ça a intéressé beaucoup de monde, vraiment. Et si vous avez un projet lié à la permaculture ou que vous voulez en savoir plus et que vous voulez savoir comment cette personne arrive à lier survivalisme, nationalisme et permaculture, eh bien, vous pouvez la contacter. Alors, pour l'instant, elle n'a pas d'adresse mail individuelle. Alors, je vous donne je pense pas que ça les dérangera parce qu'il n'y aura pas non plus. Je pense pas que ça soit massif, mais vous pouvez contacter l'adresse du camp. edelweiss.europe@protonmail.com et vous dites, pouvez-vous me mettre en contact avec le permacultureux? Voilà, vous pourrez parler avec lui parce que le projet qu'il a présenté était vraiment très intéressant. Et évidemment, notre projet à moyen terme, c'est de ne plus être dépendant de camping que nous réservons, même si on les privatise, mais d'avoir le nôtre, c'est-à-dire avoir un lieu qui est à nous, Donc là, il n'y aura plus aucune, je dirais, il y aura aucun problème de discrétion, aucune inquiétude. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'au dernier moment, on ne va pas se faire dégager parce que le proprio sait qu'on est des nationaux? Voilà, donc on essaie d'acquérir de l'autonomie. Et cette personne qui a proposé ce plan de permaculture, et finalement de village nationaux, hein, finalement c'est ce qu'avait lancé Cédric Rivaldi, mais appliqué, on va dire, dans le concret, eh bien ça a été un des trucs les plus intéressants. Alors on a fait un truc sympa aussi le dernier jour. J'en parle parce que c'est vraiment. Je vais vous dire un truc. Quand vous êtes. Quand vous sentez bien entre blancs, il y a un état d'esprit que j'appelle l'esprit kermesse. Est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, moi j'ai 33 ans, peut-être que la kermesse ça n'existe plus. Peut-être que c'est interdit par la République, j'en sais rien. Mais moi quand j'étais gosse, c'est peut-être raciste la kermesse, j'en sais rien. Parce que moi quand j'étais en primaire, à la kermesse il y avait que des blancs dans mon école. Désolé, j'ai peut-être manqué quelque chose, mais je me suis bien amusé au kermesse. Donc la kermesse était à la fin de l'année, et ben, il y avait des petits jeux. Les enfants s'entraînaient, je sais pas, par exemple, à la flûte à bec, ou bien à faire des trucs sportifs, enfin à faire plein de trucs, quoi. Et à la fin de l'année, eh ben, ils faisaient cette petite réunion, et les parents étaient conviés pour voir les progrès de leurs enfants. Moi, je me souviens que j'avais fait des ateliers de théâtre. Voilà, j'étais, commedia dell'arte, tu vois, j'étais déjà italien, donc moi, j'aimais jouer des rôles, et j'aimais toucher aussi les fesses des filles très tôt. Et ça, c'est ma mère qui me l'a rappelé, c'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un petit info sur moi. Quand j'avais 4 ans, je touchais déjà le cul des filles. Mais des filles de 4 ans, évidemment. Pas des filles dans la rue de 25 ans parce que je ne sortais pas tout seul à 4 ans. C'est logique. Mais à la kermesse, eh ben, dès que je voyais une petite fille en jupe, je lui touchais les fesses. Comme quoi, on n'est pas égaux en libido, quoi. Et certains commencent très très tôt. Donc, dans les endroits où vous êtes entre braves et que vous êtes heureux, il y a un esprit kermesse. Eh ben, j'ai vécu exactement la même chose en Roumanie cette année. À l'occasion d'une fête qui a eu lieu, je crois, en février. Mais je dis peut-être une bêtise, mais c'était au début de l'année, il faisait encore assez froid. Et il y a eu la fête des Lumières, un peu sur le modèle de ce qui se fait à Lyon. Et mon Dieu, je suis crasseux, je viens de me voir, mon image, c'est horrible, quoi. Je suis transpiré de partout, c'est les gènes Rital qui ressortent, quoi. Mais non, n'importe quoi. Non. Ouais, mais parce que toi, tu transpires encore plus, alors le référent n'est pas... Voilà, ça va pas. Non, moi, je suis trop beau pour être en cam. Et en fait, c'était fantastique. C'est-à-dire qu'en fait... C'était la fête des Lumières, il y avait tous les monuments de Bucarest étaient éclairés par des lumières multicolores et les gens étaient heureux quoi, ils étaient juste heureux et l'esprit kermesse se traduit par quoi? C'est qu'on a des gens qui ont 40, 50, 60 ans et qui rigolent et qui font des trucs de gamins. Je me souviens qu'il y avait une femme qui devait avoir 50 ans et qui sautait à, tu sais comme sautent les enfants là, un pied sur un pied comme ça. Elle faisait une sorte de marelle, il y avait comme une marelle imaginaire devant elle, elle sautait comme ça. Et il y avait ces gosses qui regardaient, qui applaudissaient. Enfin voilà quoi, et donc cet esprit en gros, il n'y a aucune insécurité, je peux me lâcher totalement et faire des choses enfantines mais belles. Et ben on a retrouvé ça, cet esprit je l'ai retrouvé à ce vélo cette année dans le camp Edelweiss et ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, un point plus complet sera fait sur le camp. Dans le Fréquence Occident que nous avons tourné sur place et qui sera diffusé dès demain sur la chaîne Fréquence Occident. Donc je crois voilà. En fin de journée. Merci à Julien de Lorraine de s'en occuper. Exact, merci à toi Julien, merci pour ton boulot, merci pour ta présence au camp. Et merci, parce que tu me fais une transition, super transition en mentionnant Julien, merci de t'être marié au camp. Waouh, félicitations, oui. Je savais pas que c'était lui. Eh oui, félicitations. Félicitations. Et j'étais le témoin et je suis très fier d'avoir été le témoin de ce mariage, le premier mariage communautaire. C'était un mariage qui était ni païen ni chrétien. C'était un mariage, une union entre deux personnes du même sang sous l'égide et sous la bienveillance de la communauté sur Vélos. Et franchement, c'est une chose qu'on va reconduire au fil des années parce que je ne doute pas qu'il y aura d'autres unions, d'autres mariages. D'ailleurs, au cours du camp, un autre couple s'est formé. Voilà, je tiens à le dire. Il y avait peu de femmes célibataires. Je vais pas vous mentir, je vais être très clair avec vous. Comment ? C'est Tim Vorgens. Tim Vorgens a trouvé une amoureuse. Bravo mon gars. Ah, mais doucement, doucement. Pour l'instant, c'est les débuts. On va voir si ça dure. Voilà, mariage mais... l'année prochaine. Timothée était célibataire. Je lui ai dit, écoute, tu peux pas te permettre d'avoir des responsabilités au camp et d'être célibataire à ton âge. Il m'a écouté au-delà de mes espérances, il a sauté dessus tout de suite, il a vu une femme qui lui plaisait, il a dit « toi, c'est toi ». Et la meuf a dit « c'est bien parce que c'est toi que je voulais ». Des fois, ça marche bien dans la vie. Donc il y avait, je crois, 4 ou 5 femmes célibataires, il y a eu beaucoup de discussions. Je vous dis, c'était de toute façon une ambiance très bon enfant. Donc même les femmes qui se sont fait draguer et qui ne souhaitaient pas aller, on va dire, plus avant, eh bien, elles n'ont pas été harcelées. Vous voyez, on n'a pas de... En fait, les incels ne s'inscrivent pas en fait au camp Suavelos. Souvent, ce sont des radins. Et donc, c'est dommage. Donc, ils ne vont pas payer 200 balles. Donc, en fait, il n'y avait pas d'incels. Donc, les mecs qui se sont fait refouler ont dit, bah, c'est pas grave, je ne lui plais pas, un autre lui plaira. Voilà, parce qu'on est des gens normaux. Donc, si vous êtes une femme célibataire, de toute façon, on aura des témoignages de femmes qui sont venues au camp et pour lesquelles c'est très bien passé. Vous êtes une femme célibataire, même si vous n'avez pas de réseau et que vous n'avez pas d'autres copines dans Suavelos, vous pouvez tout à fait venir au camp Edelweiss. Il ne vous arrivera rien. Et je dirais même plus, nous travaillons à ce qu'il ne vous arrive rien. Il est dans notre intérêt de communauté que, évidemment, les personnes qui nous ont rejoints et qui ont surtout participé au camp, qui est notre événement annuel, soient contentes de ce qui s'est passé pour qu'elles en parlent autour d'elles. C'est évident. Et on n'a pas eu à se forcer pour ça parce que nous sommes un gang de gentlemen. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'à la fin du camp, on a fait des olympiades, c'est-à-dire on a fait des épreuves sur le modèle de ce qu'on peut faire à la kermesse. La course en sac, vous savez que vous avez deux pieds joints dans un sac et que vous bondissez comme ça, vous avez l'air d'un lapin. C'est complètement con, mais c'est marrant. Je l'ai fait aussi sans tomber, je tiens à préciser. Il y avait aussi un lancer d'œufs, c'est-à-dire qu'on se lançait les œufs comme ça et après on s'éloignait les uns des autres. Et le premier qui cassait l'œuf était éliminé. Vous voyez des petits jeux comme ça qui se terminaient en course d'orientation, je crois. Et mon équipe a perdu et c'est pourquoi j'arrête tout. Mec qui déteste perdre. Je ne ferai plus jamais un seul camp parce qu'on n'a pas laissé gagner le chef et ça, c'est inacceptable. Non, mais il y avait vraiment une ambiance bon enfant et ça s'est concrétisé les derniers jours par cette Olympiade à laquelle tout le monde a participé. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté est aussi transgénérationnelle. Il y avait des personnes âgées. Et voir des gens qui ont 50, 60 ans sortir de la zone de confort pour faire des petites épreuves sportives avec des gars qui sont baraques, qui ont 25 ans et qui pourraient les tuer simplement en faisant ça avec leurs mains, eh ben, ça prouve le degré de confiance qu'il y a entre les gens. Ça prouve qu'il n'y a personne qui se moque de... Parce que beaucoup aussi de personnes âgées me disent « C'est très bien ce que tu fais, Daniel, mais moi, j'ai passé l'âge. » Moi, je vous dis, si vous sentez isolé, que vous avez peu de personnes qui pensent comme vous, même si vous avez 60, 65 ans, 70 ans, vous pouvez venir au camp. Bien sûr, on adaptera à vos aptitudes, à vos moyens, votre séjour. Vous n'allez pas faire une randonnée de 60 km si vous avez 60 ans. Mais en fait, vous verrez qu'il n'y a que de la bienveillance de notre côté. C'est-à-dire que vous ne serez pas mis sur le banc de touche. Vous n'aurez pas l'impression d'être, vous savez, cette expression, être en noir et blanc quand les gens sont en couleur. Eh bien, vous n'aurez pas du tout cette sensation-là, quoi. Donc, je suis très satisfait de ce... C'est une réussite totale. Je remercie les personnes qui ont organisé le camp. Et je vous dis, je veillerai chaque année à être au camp. Peut-être pas la totalité du séjour. Mais là, j'étais pour les 5 jours. Ce ne sera peut-être pas le cas toutes les années, mais je vais essayer en tout cas. Et ce qui est beau, c'est de voir la continuité, de voir que des gens qui sont venus reviennent, de voir des familles qui se créent, des enfants qu'on ne voyait pas qui tout à coup apparaissent. Je veux dire, je le disais l'autre fois sur mon canal Telegram, pourquoi je parle souvent de la nécessité d'avoir des enfants? C'est parce que le principe du communautarisme, c'est la transmission. C'est-à-dire déjà entre personnes d'un même âge, transmission de l'information, transmission de l'aide, soutien, réseau, bon ça, ok. Mais la finalité de la transmission, c'est la transmission d'une génération à l'autre. Ça n'a aucun intérêt qu'on crée une farandole de 100, 200, 500, 1000, 2000 nations si ces nations-là n'ont pas d'enfants. Aucun intérêt, on essaie de s'inscrire dans l'avenir. En fait, ce qu'on essaye de faire, moi je vais vous le dire très clairement, c'est plus qu'un groupe nationaliste. Aujourd'hui en Europe, avec le gauchisme tout puissant, on doit recréer un peuple européen. Je vous le dis, sous les cendres de l'Europe gauchiste, nous devons recréer un peuple européen. Voilà. Avec les éléments qui sont encore européens dans l'âme, de sang bien sûr, dans la culture, dans leur culture, eh bien avec eux, il faut rebâtir quelque chose. Et on va y arriver, parce que tout cela sera séduisant. Voilà. Toutes les personnes qui avaient des doutes et qui ensuite sont venues au camp et commencent à nous fréquenter, au-delà des ragots et des rumeurs sur Internet, sont très satisfaits de ce qu'elles voient. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir, surtout que, et je terminerai là-dessus, avant de prendre quelques questions, je commence à nouer des contacts avec des nationalistes d'autres pays qui sont sur cette ligne, non pas souverainistes, mais ethno-nationalistes de fraternité blanche, on va dire le mot comme ça. Et en fait, bon, j'ai commencé un peu à nouer ces liens-là lorsque je me suis rapproché de Jared Taylor suite à la préface qu'il a fait pour le livre de Guillaume Fay. Et maintenant, je connais un certain nombre de personnes qui tournent autour de lui. Et voilà, et partout en Europe, je commence à rencontrer des nationalistes. Mon anglais s'améliore de jour en jour, c'est pas encore ça. Mais maintenant, je peux arriver à tenir une conversation sans être ridicule, c'est déjà ça. Et j'ai rencontré des nationalistes anglais, allemands, essentiellement anglais, allemands et américains, en Hongrie, en République tchèque. En Roumanie aussi, et ça c'est très intéressant. Et je travaille à ce qu'en 2020 le camp sur vélo soit international, au sens on propose un autre vivre ensemble, un vivre européen. Et tiens, quid du camp d'hiver? Alors, le camp d'hiver, tu fais bien de rappeler cela. Moi j'étais assez chaud de faire un camp d'hiver, mais c'est la difficulté d'organisation d'un camp est déjà suffisante pour n'en organiser qu'un seul pour l'instant. Parce que il faudrait mobiliser une autre équipe pour préparer le camp de l'hiver. Surtout qu'il y a aussi qu'il est plus difficile. C'est vrai que moi, je veux dire, que ce soit quand je n'avais pas d'emploi ou maintenant que je suis auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est moi qui gère mon entreprise, ma boîte d'édition, j'ai tendance à oublier les contraintes qu'ont les gens. Et la plupart des gens n'ont pas de vacances en janvier ou février. S'ils ont des vacances, ils ont une semaine ou deux. Bon, ils vont les passer en famille, on va dire leur famille restreinte, et ou au ski, ou ce genre de choses. Donc, si vous voulez, pour l'instant, c'est trop périlleux de faire un camp d'hiver, alors que le camp d'été marche très bien. On est plutôt dans l'idée éventuellement de faire deux camps d'été. Ça, c'est envisageable. Un camp qui se passerait toujours en France, parce qu'on va maintenir la présence en France, ça c'est clair. Et un camp qu'on ferait à l'étranger, ce qui te permettrait d'aller à la rencontre d'autres nationalistes. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Casapande. Pourquoi ne pas faire un camp de jeunesse nationaux, un camp, une fraternité européenne, franco-italienne, en Italie? Pourquoi ne pas les rejoindre? Alors, bien sûr, il y aura moins de monde, parce qu'un pays étranger, c'est un pays étranger. Il y a toujours des gens qui vont être renfrognés à cette idée-là. D'autres n'auront pas l'argent suffisant pour se déplacer. D'autres se disent, tiens, je ne sais pas parler italien, je ne sais pas parler hongrois, je ne sais pas parler roumain, je ne veux pas y aller. Donc, on ne sera pas 100, 200, on sera peut-être 20 ou 30. Mais c'est pas grave, on veut le faire et c'est important pour que l'idéologie que nous portons soit considérée à l'étranger par les autres nations comme l'idéologie majoritaire. D'accord? Donc les années 2000, 2010, 2015, ça a été dominé par Soral, donc par une sorte de néo-antiracisme anti-sioniste. Là, nous, on est sur une ligne sionisto-rien-à-branlisme, c'est-à-dire en fait, on s'en bat les couilles de cette histoire, on fait de la fraternité blanche sur un modèle de ce qui se fait aux États-Unis depuis des décennies et qui fonctionne très bien là-bas. Et je crois qu'en France, comme la plupart des pays maintenant affrontent les mêmes, ont affaire aux mêmes problématiques, eh bien, c'est un discours qui passe très bien. Les gens qui critiquent le pan-européanisme sont toujours à vous dire, mais Daniel, ne sais-tu pas qu'un Espagnol, c'est pas un Slovaque? Mais je le sais, banane. Je le sais très bien, je vis en Roumanie, je vois très bien en quoi les Roumains sont différents des Français, des Italiens. Mais leurs différences ne sont pas infranchissables. C'est-à-dire la distance culturelle qui nous sépare de l'Europe de l'Est n'est pas infranchissable. Alors que la distance qui nous sépare du monde séfarade ou du monde noir, je veux dire, c'est deux galaxies différentes, vous comprenez? Donc quand tu as compris ça, tu es, vu la situation actuelle, pour la fraternité européenne. Surtout que, moi je ne vais pas vous mentir, je fais des trajets en voiture depuis maintenant 7 ou 8 ans, on va dire France-Roumanie, en traversant tous les pays qu'il y a entre la France et la Roumanie, parce qu'on peut dire que la Roumanie, c'est le bout de l'Europe. Si on considère que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, bon, moi je considère que la Russie occidentale, c'est l'Europe, mais disons, considérons que la Russie, c'est un continent en soi. Bon. Bah, c'est des blancs, quoi. Oui, c'est des blancs, mais les Russes eux-mêmes, parfois, se disent, je suis pas européen, je suis russe. Bon, bref, c'est une fierté liée à la grandeur de leur pays. Bon, ok. La Roumanie finit sur la mer Noire. D'ailleurs, c'est le bout du Danube. Le bout du Danube, voilà, c'est la Roumanie. De la France à la Roumanie, maintenant, vous voyez des noms blancs. Alors, bien évidemment, vous en voyez beaucoup moins en Roumanie, mais il y a un processus qui est en cours. Non, je dis pas du tout que c'est foutu. Je dis simplement que on ne rêve pas On via arrête tout, Schengen, c'est bon. via l'Union européenne, des gens que vous ne voyiez pas autrefois en Hongrie ou en République tchèque, qui pourtant sont des pays identitaires. Mais si vous voulez, la Hongrie est un pays identitaire qui ne pratique pas de politiques qui sont incitatives pour l'immigration. Donc, tant qu'ils seront comme ça, tant qu'il y aura Orban au pouvoir, il n'y aura jamais une masse critique de Noirs ou de Maghrébins, vous serez toujours bien avec vos idées en vous installant dans ces pays-là. C'est pour ça que je prône l'expatriation pour ceux qui souhaitent partir de France vers ces pays-là. Mais ce ne sont pas non plus des dictatures comme la Corée du Nord ou comme la Biélorussie l'était jusqu'à il y a encore peu de temps. Donc, si vous voulez, du moment, on ne peut pas n'y a aucun pays blanc qui peut interdire l'accès et le passage à des non-blancs dans leur pays, surtout avec Schengen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, là où je voulais en venir, c'est que maintenant, des pays... je vois par exemple en Roumanie, quand je parle à des nationalistes locaux, alors ce qui est pratique, c'est qu'en Roumanie, pas mal de nationalistes parlent le français, en tout cas le comprennent. Eh bien, ce discours de pan-européanisme, de fraternité européenne, il y a 5 ans, ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Pour eux, en fait, la priorité, c'était récupérer la Moldavie et envoyer les Hongrois se faire foutre parce qu'ils ont pris la... parce qu'ils sont encore présents dans la Transylvanie qui maintenant, administrativement, est roumaine. Donc, ils avaient des trucs, voilà, ils avaient des lubies que nous, on ne peut même pas comprendre. Alors que maintenant, quand on leur dit, écoutez, l'Occident, et j'inclus la Roumanie finalement maintenant dans l'Occident, cette espèce d'Occident mental, c'est-à-dire nous vivons comme des Blancs dans des sociétés industrialisées avec des villes modernes, voilà. Quand vous allez en Roumanie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont délabrés, la première impression que vous avez est mauvaise. Mais au fond, quand vous y vivez tous les jours, vous voyez qu'il y a des choses qui sont même mieux qu'en France. Par exemple, les centres commerciaux sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus récents. Et parfois, quand je me balade dans les centres commerciaux en Roumanie, ça me rappelle les 2 mois où j'avais bossé à Dubaï. Il y a des malls hyper... où il y a de la nouvelle technologie partout, tu peux tout faire, tu peux faire du patinage, tu peux faire jouer tes gosses dans des trucs qui sont des espèces de Disneyland en salle. Enfin, il y a des trucs incroyables. Donc, ces pays-là ont tout de même un pouvoir d'attraction auprès des gens qui vivent dans le tiers-monde et commencent à être, non pas une destination, mais un désir. Voilà. Ce qui n'était pas un désir il y a 15-20 ans est un désir. Maintenant, un noir qui voit sur YouTube une vidéo de Prague ou de Budapest, il veut y aller. Voilà. Donc les gens, maintenant, les nationalistes qui autrefois étaient très centrés sur leur pays, qui avaient cette peur du communisme, le retour du communisme, le retour de la Russie triomphaliste, maintenant sont en train de comprendre que tous les Blancs d'Europe vont avoir affaire au même problème. Et c'est très positif parce que je pense que ça va permettre de changer les lignes au sein des camps nationalistes de chaque pays. Et c'est essentiel parce que on a plus d'influence que ce que vous croyez, d'accord ? Je terminerai là-dessus, parce que là, j'ai fait un long speech. Lorsque vous avez le Front National qui, à un moment donné, fait la campagne banlieue patriote, bon, ben ça, c'est l'influence de Soral, d'accord ? On a beau dire ce qu'on veut, on dit oui, on est des pauvres cons sur YouTube, c'est pas tout à fait vrai, parce que les gens qui nous regardent sont des gens de notre milieu, ce sont des gens d'extrême droite qui, parfois, à défaut d'avoir un pouvoir décisionnaire parce que le Front National n'est pas au pouvoir, ce sont des gens qui s'expriment à la télé, d'accord ? Quand vous avez des gens du Front National qui parlent à la télé, potentiellement, ce sont des personnes qui ont vu des vidéos de Soral et maintenant qui ont vu des vidéos de Boris Solé ou de Conversano. C'est une réalité. Donc, l'important, c'est de faire triompher la ligne, fraternité blanche, pan-européanisme au sein de la dissidence et de dire maintenant la France, c'est ça. On arrête avec le chauvino-mondialisme, selon l'expression de Thomas Ferrier que j'aime bien. Et on passe à l'idée d'une fraternité, c'est-à-dire nous sommes des peuples différents, même si nous sommes tous blancs, mais nous avons affaire au même danger. Et donc, la solution, nous devons la trouver collectivement. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus, quoi. Je suis en train de mourir de chaud. C'est pas grave, il faut que tu tiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme question ? J'ai des questions détestables, je suis désolé. Hein, alors, ne me les pose pas. Ouais, tu vas me détester aussi. Comment expliques-tu que des filles roumaines ou grecques, une fois en France, sortent avec des noirs ? Mais où c'est que t'as vu ça, quoi ? Mais, comment dire ? Est-ce que c'est un phénomène massif ? Est-ce que... Viens. Ouais, ouais. Je sais même pas d'où il sort sa statistique. Non, mais peut-être, mais très certainement. Mais... Tu me parles de ça comme si c'était une masse critique, comme si tout à coup... déjà, comme s'il y avait énormément de femmes grecques en France, et que toutes les femmes grecques qui étaient arrivées en France, tiens, elles sortaient avec un noir. Je crois tout simplement que... J'avais jamais rencontré... Moi, j'ai jamais rencontré de femme grecque de ma vie. Mais je crois tout simplement qu'il y a beaucoup d'hommes noirs en France et que proportionnellement, quand tu es une fille et que tu sors, la possibilité que tu as d'en croiser est plus élevée que dans d'autres pays. Et donc, les personnes qui font des Erasmus, par exemple, de base sont... En fait, regardez, rien que dans le choix de l'Erasmus, vous êtes grec ou roumain, vous voulez faire un Erasmus en France en 2019. Déjà, c'est bizarre. Peut-être que ce n'est pas les femmes de meilleure qualité. Parce que si tu n'es pas au courant que la France, c'est devenu un shit-hole et qu'il y a des attentats, potentiellement, il peut y avoir des attentats dans n'importe quelle salle de concert ou n'importe quel bar, bah peut-être que tu es une petite conne cosmopolite aussi, tu vois. Alors, je ne dis pas que... Parce que je ne suis pas un fou, je ne dis pas qu'elle mérite tout ce qui peut lui arriver de grave en France, mais la suite logique, c'est accepter comme normal de se métisser, tu vois. Donc la meuf, elle est dans un white paradise. C'est pas trop le cas de la Grèce parce que déjà la Grèce a beaucoup d'immigration puis ils sont très pauvres. Mais voilà, la meuf qui est hongroise ou roumaine qui vit dans un white paradise et qui décide sciemment, tiens, je vais faire mes études à Marseille, ça a l'air d'être génial. Alors peut-être qu'il y a déjà un grain qui manque au départ, tu vois. Peut-être que les nanas roumaines, vraiment roumaines encore authentiquement dans leur esprit, soit en fait elles se trouvent un boulot en Roumanie, soit quand elles font un Erasmus, elles vont dans un autre pays normal. Elles vont dans les pays baltes, elles vont en Slovénie, éventuellement elles vont en Italie, mais pas plus loin que ça, ni en Angleterre, ni en France. Voilà. Une réponse à ta question. Alors, autre question détestable. C'était bien. Non, je vais essayer de trier. J'en ai beaucoup qui datent... Pardon. Renard X12 ouais. Qui demandait si la version française de Guerre civile raciale avec l'autre couverture était toujours disponible et comment se la procurer éventuellement. Ouais, mais il m'en reste plus beaucoup. Il faudrait que j'en réimprime, je crois qu'il m'en reste une dizaine. Donc puisque c'est toi qui en parles, si tu en veux une, tu m'envoies un mail. DanielConversano@toutanota.com. Ouais. C'est ça. Bien joué. DanielConversano@toutanota.com. N'oublie pas, mon cher Robin, des fois, de mettre un lien aussi vers ma cagnotte Tipeee. Donc voilà, ou alors ouais. Les personnes qui suivent ce live et qui veulent mettre un lien vers Tipeee, voilà, si vous voulez m'aider, deux moyens: acheter un des livres que j'édite, Guerre civile raciale de Guillaume Fay, ou bien Désolé Jean-Pierre, qui n'est plus disponible sur le site qu'on avait fait exprès pour, mais toujours disponible sur Amazon. Si dans Amazon vous tapez Désolé Jean-Pierre, vous allez le trouver. Ou bien pour ceux qui ont déjà acquis ces livres et qui veulent m'aider, n'oubliez jamais que vous pouvez m'aider via Tipeee. 1 euro par mois, je répète toujours, mais il y a 10 000, 15 000 personnes qui regardent sans arrêt ces émissions. Ce sont des émissions avec la ligne que vous savez. Peu de gens portent cette ligne. Je me bats pour convaincre les gens de passer dans l'émission, pour leur montrer qu'on est une grande, pour montrer à tout le monde qu'on est une grande famille, qu'il n'y a pas à craindre quoi que ce soit, qu'on peut se montrer avec nos idées. Voilà, quand je fais une émission à l'autre bout de l'Europe et que je vous présente des gens que vous n'avez jamais vus en vidéo, c'est un effort aussi que je fais. Vous comprenez, il y a un effort de relationnel. Je crée un relationnel, un climat de confiance pour que ces personnes ensuite intègrent le réseau et se présentent comme ça en vidéo. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps. Et vous pourriez changer la donne en ayant ce réflexe collectif. Encore une fois, je ne demande pas aux personnes qui donnent tout le temps, parce que ce sont tout le temps les mêmes. Il y a entre 80 et 110 tipeurs qui sont toujours les mêmes dans Vive l'Europe. Je dis aux autres, les spectateurs passifs, prenez 5-10 minutes pour vous inscrire. Une fois dans l'année sur Tipeee, vous pouvez donner mensuellement 1 euro. C'est 12 euros par an. Si vous êtes 1000 ou 2000 à faire ça, en plus de ceux qui le font déjà, ça va tout changer. Ouais, ça va tout changer. Je vais déléguer beaucoup plus. J'aurai plus de temps pour d'autres créations. Je vais acheter du meilleur matériel. Je vais pouvoir augmenter mon rythme de production de Vive l'Europe. Je pourrais en faire 3 ou 4 par mois. Je vais pouvoir... Un truc, c'est bête, hein, mais ça marche comme ça. D'ailleurs, j'en reparlerai dans... Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Ben, je vais pouvoir faire intervenir des femmes dans l'émission. Des speakerines. Eh oui, bien sûr. Moi, je serai concentré sur les questions techniques et artistiques avec l'invité. Et la femme qui présenterait ça avec moi serait sur des questions plus légères. Alors, pourquoi faire ça, Daniel? Eh ben, pour qu'il n'y ait pas 20 000 vues, mais pour qu'il y en ait 60 000. Eh oui, et comme ça, après, d'autres gens viennent au nationalisme. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, la propagande, les amis. Et encore une fois, je ne dis pas de casser vos tirelires. Je dis 1-2 euros par mois. Faites-le vraiment. Là, j'ai 100 tipeurs. Si j'avais 200 tipeurs aussi motivé, vous verriez la différence immédiatement. Puisque j'en suis à parler de Vive l'Europe, en juillet, j'ai eu un petit souci, c'est que un Vive l'Europe que je devais diffuser finalement, l'invité ne m'a pas autorisé à le diffuser pour des raisons qui lui appartiennent. Après, il y a eu mon déplacement en France, donc je suis en retard sur les Vive l'Europe, mais là, je vais enchaîner en août, je vais vous en diffuser 3 ou 4 à la suite, et je vais rattraper mon retard dès la semaine prochaine, donc rassurez-vous, j'ai encore fait des émissions en Roumanie et en Hongrie avec des expatriés francophones, et aujourd'hui même, Robin, mon ami Robin est témoin, on a fait une émission exceptionnelle. Une des meilleures. Franchement, on est dans le top 1, voilà. Top 1 de l'émission Vive l'Europe. Alors peut-être que certains le connaissent avec Jean-Paul Perlier. Alors Jean-Paul Perlier, peut-être connu dans le milieu dissident parce qu'il a rédigé un livre sur la méthode Beljanski, qui était un scientifique, un biologiste, un biochimiste, je crois, qui avait trouvé une thérapeutique alternative, ou plutôt un traitement qui, en complément, en addition, on va dire, de la chimiothérapie, permettait de réduire le pourcentage de décès, donc d'améliorer, on va dire, la condition des gens qui avaient le cancer. Donc Jean-Paul Perlier est connu pour ça parce qu'il a écrit un livre là-dessus, mais c'est pas pour ça que je l'ai invité dans l'émission. On a parlé de la guerre d'Algérie puisque Jean-Pierre Perlier était un membre de l'OAS. Dans une de ses 50 vies. Voilà, parce que c'est des mecs comme ça. C'est un peu comme Rudel, vous savez, l'aviateur du Troisième Reich dont j'avais parlé dans une vidéo. C'est des mecs, ils ont fait 50 trucs. Et en plus d'avoir eu 15 vies et d'avoir servi la nation et la race, il a fait 5 enfants. 5 enfants, ouais. Tu vois, le mec, il revient au port. Irréprochable, quoi. Bref. Bon, c'était aussi une époque où les femmes s'occupaient de des gosses intégralement. Voilà, et que tu pouvais revenir une fois par semaine en disant « Salut, je t'aime, c'est papa », et repartir. Hein. Maintenant, c'est quand même un peu plus difficile. Tu fais quoi ? Mais donc, cette émission, je pense que je la diffuserai début septembre, parce que je sais que l'été, les émissions ont tendance à bider, les gens sont les doigts de pied en éventail sur la plage. Ne la manquez pas avec Jean-Pierre Perlier. Je pense que je vais la titrer « Guerre d'Algérie, OAS, Jean-Pierre Perlier ». Tu as que des mots-clés dans le titre. C'est-à-dire, le mec... quand t'as un type qui te dit... Ça va être compliqué, parce qu'il lance tellement de scud... Il faut réfléchir au titre. Je pense qu'on est hors la loi au bout de 20 secondes dans cette émission. Voilà, faut que vous le sachiez, quoi. C'est-à-dire. C'est la première fois de ma vie. Elle sera en ligne pendant 2 minutes 30. Non, mais sérieusement, Robin, est-ce que t'as déjà vu un type ? Je crois pas avoir déjà vu un type dire j'ai tué des gens. Et j'en en mode. J'en ai pas tué assez, quoi. J'en ai pas tué assez. Et c'était génial. J'ai fait ce qu'il fallait, quoi. Bon, non, voilà, je pense que je vous ai mis assez l'eau à la bouche. J'ai jamais vu ça, quoi. On a atteint le zénith, là. Non, vraiment, j'aurais voulu ma gueule soit filmée. Tu sais, quand, quand il me disait. Alors, ouais, parce qu'il y a eu un événement traumatique au moment de la guerre. Et suite à ça, en fait, il a décidé de devenir un peu un mercenaire. Et quand il disait, oh, j'ai tué. Mais j'arrêtais plus de tuer. Je tuais. Vous voulez un peu de vin, monsieur Perlier, hein? On va y aller tout doucement, quand même. Hein. Bon, bref, non, mais c'était une émission géniale avec un homme. Comme on n'en fait plus, vraiment, ouais. J'étais ravi de le recevoir. Viril, hein, les gars. Ouais, un vrai viril. Ouais, c'est vraiment un homme complet, très intelligent en plus. Enfin, vous verrez, cette émission, elle était super, quoi. D'autres questions, peut-être? On me dit que je parle trop fort, excusez-moi. Ah bon, pourtant, j'ai pas l'impression. Non, ouais, je dois être trop près du micro. C'est ton micro, quoi. Ah, bah, je vais vous dire un truc. Moi qui connais Robin, IRL. C'est vrai que je parle pas fort du tout. C'est le mec qui parle le moins fort au monde. Donc là, je pense que c'est juste un problème de micro. Mais donnez sur Tipeee pour la technique, pour qu'elle s'améliore. Donnez-moi à moi, et puis après, je verrai ce que je donne au technicien. Voilà. Parce que je vis dans la cave. Le communautarisme racial... Ah, mais si tu veux des questions, demande-moi. Bah, moi, j'en ai une bien, mais vas-y. Toi, alors, juste très rapidement. Le communautarisme racial a-t-il un sens ? Le plus important n'est-il pas la civilisation ? Mais mon ami IE, je crois que t'es une femme... C'est quoi la civilisation? C'est pas une race, peut-être? C'est quoi la civilisation occidentale? C'est l'histoire du progrès historique, technique, scientifique des peuples blancs. D'accord? Donc c'est ta question qui n'a pas de sens. La civilisation occidentale sans occidentaux pour la faire n'aurait pas été et ne sera plus la civilisation occidentale. Donc il y a la civilisation, c'est l'expression concrète et historique de la génétique des peuples. D'accord ? C'est comme si tu disais, pourquoi on parle constamment d'arabe alors qu'il faut parler d'islam ? Mais les peuples arabes ont créé l'islam parce qu'ils sont arabes. Le scoop. Donc voilà ce que je pense de ta question. Elle est nulle et tu n'as pas compris le fondement de l'histoire, en fait. C'est... Voilà. Alors, ouais. Colvert qui te demandait il y a quand même pas mal de temps. J'espère qu'il s'est pas endormi depuis ou qu'il est encore avec nous. Colvert demandait élections législatives demain en Ukraine, dimanche. Le président veut mettre un métis rwandais au Parlement. Est-ce que tu as un avis ? Est-ce que tu as suivi, etc. Le président Zelensky ? Je pense que oui. Alors, j'étais pas du tout au courant. Mais ce que tu viens de dire vient de m'énerver, donc je vais taper ça sur Internet. Donc, il y a des quoi ? Député rwandais, c'est ça ? Élection législative, Le président veut mettre un métis rwandais au Parlement. Je vais taper ça. Ça me paraît assez fou, quoi. Mais c'est tout à fait possible. Il va changer l'Ukraine. Ukraine. Bon, là, je vais essayer. Ah, d'accord. Beleniuk, que... lutteur métis, est bientôt député malgré les préjugés en Ukraine. Déjà, j'aime pas le titre. Ah ouais, ah non, il est indubitablement nègre. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Quoi. J'ai dit le mot qui J'ai dit le venir. N-word. Ah, merde. Ouais. Lutteur métis, c'est bientôt député malgré les préjugés. Eh oui. Médaillé olympique, d'accord, je vois le genre. Il a fait c'est un coureur. Sur la liste du parti du peuple du président Volodymyr Zelensky. Ah là là là là là là là là. Ah, c'est. Oui. Sans commentaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Sandwich, jambon fromage, quoi. Oui, c'est catastrophique, évidemment, mais de toute façon, le processus. Nous allons boire le calice jusqu'à la lie. Je crois que faut bien comprendre ça. Toutefois, les processus qui ont fait que la France escalait aujourd'hui ont été très longs, et ça n'est pas parce que vous avez tout à coup un noir qui apparaît quelque part et à qui on donne de l'importance que les mentalités changent du tout au tout. Je vais vous donner un exemple. Il y a un présentateur en Roumanie télévision qui est métis, mais il est demi-noir, quoi, à moitié roumain, à moitié noir. Mais ce mec, ça fait des années qu'il est à la télévision. Ça fait plus de 10 ans, je crois. Il fait partie un petit peu du quotidien des Roumains. Pour autant, la société roumaine n'est pas devenue cosmopolite friendly. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des choses qui évoluent très lentement et différemment selon les pays. Ce n'est pas parce que ce métis va prendre une importance en Ukraine que tout à coup, les Ukrainiens vont dire oui à l'immigration massive. Ça va dans le mauvais sens, clairement, on va pas se mentir. Ça aura un impact sur la psychologie des femmes ukrainiennes, c'est-à-dire que ça pourrait baisser le taux de racisme et d'identitarisme des femmes ukrainiennes, ça c'est clair. Parce que dès que vous voyez des non-blancs qui réussissent, c'est plus difficile de dire, voilà, les discours qui consistent à dire, quand vous avez plein de noirs dans un pays, le pays chute et ça va moins bien, ça marche moins parce qu'on a toujours le noir à costard qui va démentir et qui lui va s'en sortir très bien parce qu'il est plus intelligent que les autres. Donc je vais pas te mentir, c'est très mauvais, ça me fait mal. C'est stupide et ridicule parce que ce n'est pas représentatif de la société ukrainienne. Parce que ce qui est fou, c'est que on a atteint un tel niveau de remplacement en France que même dans un pouvoir patriotique, qu'il y ait quelques Noirs et quelques Maghrébins de droite qui soient élus, ne me choquerait pas tant que ça. En tout cas, tant que la remigration n'est pas au goût du jour. Mais en Ukraine, ça n'a pas de sens. Parce que je veux dire, je suis allé en Ukraine encore il y a 3-4 ans. C'est blanc à 95, 97, 99%. Donc, voilà, j'ai pas d'autre réaction que celle que tu dois avoir, c'est-à-dire putain, fais chier. Et tout ça, bien sûr. Donc, alors, en plus, ce qui est dingue, c'est que. Donc, métis noir, évidemment, toujours le même métissage, quoi. Ça peut pas. Maintenant, quand tu mets métis, avant de cliquer, je sais à quoi on a affaire. C'est pas un mec qui est demi-chinois. Ouais, c'est forcément un mec qui est demi-noir, tu vois. Parce que ce qu'on appelle la diversité, c'est des noirs partout, quoi. Mais. En plus de ça, donc, il n'est pas représentatif de la société ukrainienne. Il est sportif. Donc déjà, il marre de cette mode de mettre des sportifs politiciens. Ils sont sportifs. T'es sportif, t'es pas politicien. C'est deux métiers différents. Et bien sûr, c'est M. Zelensky qui appartient à la communauté de lumière, qui a cette idée brillante de mettre Beleniuk, lutteur métis, député de l'Ukraine. C'est vrai que c'est une belle coïncidence. Une coïncidence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça, je te le répète. Le projet de destruction de la race blanche, elle concerne tous les pays blancs, y compris les pays les plus pauvres. Mais certains pays résistent mieux que d'autres. Et ça n'est pas parce qu'en France, on va dire, le peuple a cédé de cette manière, c'est-à-dire psychologiquement, que ça sera le cas dans d'autres pays. Et du reste, ce n'est pas parce que ce Beleniuk est élu les femmes ukrainiennes vont tout à coup se détourner de tous les hommes blancs qui pourraient vouloir d'elles. Ça, je le sais parce qu'en ce moment même, on a des membres de la communauté Sovelos qui sont en Ukraine et qui commencent à trouver des nanas. ou même pas dans d'autres, pays d'Europe de l'Est. Donc voilà quoi, c'est regrettable, mais il faut pas rester bloqué là-dessus parce que c'est le mouvement actuel de l'histoire, on n'y peut rien. Pour des raisons à la fois démographiques, de la manière qu'on trouve des Chinois partout, on va trouver des Africains partout. Mais que ça ne t'empêche pas de militer et de trouver ta femme à toi. Tu sais, il faut avoir cette réaction qui est, non pas celle de la positivité, parce qu'on ne peut pas être positif en toutes circonstances, mais qui est de dire simplement, tant pis pour elles. Voilà, les femmes qui vont être séduites par ça et qui vont se détourner de l'histoire de l'Europe en faisant le choix qu'elles vont faire, eh bien en fait, tant pis pour elles. Tant pis pour elles. Toi, tu ne feras pas ce choix-là. Et il y a encore des millions et des millions de femmes à travers. D'ailleurs, c'est ma deuxième partie, j'en parlerai plus tard. Il y a des millions de femmes blanches dans le monde qui n'ont qu'un rêve, c'est d'avoir une famille et de fonder une famille avec des blancs. Donc voilà, il faut s'accrocher à ça. Et se dire que. Justement, ça va être l'objet de ma conférence la semaine prochaine. On lutte vraiment contre les forces du mal. On lutte contre les forces du mal. Et moi, j'ai un caractère que j'aimerais transmettre à vous autres. C'est que même si je ne suis pas un soldat des tranchées, encore qu'il y aurait la guerre, une guerre déclarée, je pense que je pourrais m'engager et me museler et changer, on va dire, mon être pour me conformer à cette guerre-là. Par contre, j'ai toujours quelqu'un de combatif. Et moi, je trouve qu'il y a un enthousiasme à avoir à mener un combat comme ça, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe de l'Est, en ce moment, il y a un nœud dramatique qui se joue, quoi. Il y a beaucoup de nationalistes qui s'installent là-bas. Il y a beaucoup de fric injecté par l'alt-right dans ces pays-là pour que cette Europe encore blanche tienne. Et d'un autre côté, on a les forces de Soros et Tutti Quanti qui essayent de faire un combat inverse. C'est le combat des géants et ce combat, on doit le mener. On ne doit pas s'enfermer dans la coquille et se dire « Non, mais non, il y a un noir célèbre en Ukraine, c'est foutu ah !» Parce que eux ne vont pas s'arrêter, d'accord ? Ils en mettent un, ils vont essayer d'en mettre deux, ils vont essayer d'en mettre trois et ils vont essayer d'en mettre quatre. Je me souviens d'un truc qui maintenant me rebooste, c'est vraiment en 2015, quand je suis allé en Hongrie. En fait, je devais aller en Roumanie au mariage d'une amie de ma femme. Et quand le mariage s'est terminé, je suis allé rendre visite à Ferenc, que beaucoup connaissent dans le milieu, en Hongrie. Et en 2015, c'était quoi ? C'était Ferenc Almaty, merci Robin, c'était la vague des migrants, la première grosse vague de migrants. Et j'arrive à Budapest et qu'est-ce que je vois ? Le cauchemar ! À la gare Keleti, je vois mais des dizaines. Qu'est-ce que je raconte ? J'arrive pas à l'imaginer parce que j'ai vu un Budapest tellement pur. Et ouais, c'était un ou deux ans après et ça avait été cliné. Et c'est là où je veux en venir. C'est que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais la Hongrie est foutue, quoi. Ah ouais, c'est fou, mais il y en avait au moins 10 000. C'était une folie. C'était même, c'était tout à coup, c'était Gare du Nord. C'était Gare du Nord avec des peuples en plus auxquels vous n'avez jamais affaire. Parce que maintenant, on peut manger par terre, quoi. Ah bah oui. Au quotidien, tu vois pas des Afghans et tout. En France, t'en vois très peu. Là, c'était des Afghans, c'était des Irakiens. Enfin, tu vois, c'était des races auxquelles t'as pas affaire souvent. Et quand j'ai vu ça, je me souviens, une déprime que j'ai ressentie. Je me dis, mais c'est le cauchemar. Orban a fait le boulot. Alors, vous allez me dire, c'est une bonne partie de ces migrants-là ont été ventilés dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, donc c'est pas forcément très satisfaisant. Mais par la politique qu'a menée Orban, il a réussi à s'en sortir. Là, on va voir comment les Ukrainiens, le peuple ukrainien, réagit à cette infamie. Peut-être que leur action sera très violente, peut-être qu'il y aura un rejet et que ce qui s'est passé là, ce député ne le sera plus dans 5 ans. Donc voilà, calmos, calmos. Mais ce qui est clair, c'est que il y a un projet contre la race blanche. Les médias sont totalement complices de cela. Par exemple, là, je suis en train de. Tu m'as dit ça, j'ai tapé sur le point. Je vais essayer de montrer à l'écran ce que je vois. Donc le titre, c'est Beleniuk, lutteur mitis, et bientôt beaucoup à la technique, là. Député malgré les préjugés en Ukraine. Alors, je vous décris le truc parce qu'après, même si vous ne voyez pas bien, vous allez comprendre. Donc vous avez ce métis qui est là qui fait coucou dans la photo. Et dans le coin gauche de l'écran, vous avez une femme ukrainienne qui le regarde avec les yeux de l'amour. Et le choix de cette photo, rien que ça, c'est un truc d'enculé, quoi. Parce que le message qu'ils envoient, c'est en gros, il fait craquer tout le monde. Et ça, ce sont les journalistes qui créent ce storytelling. Parce qu'en réalité, moi, les pays de l'Est, j'y habite. Actuellement, à l'instant T, les femmes de l'Est, les Ukrainiennes, les Roumaines, les Polonaises, elles ne sont pas négrophiles. Elles ne sont pas du tout négrophiles. Mais là, quand tu vois cette photo, tu te dis, mais hé, putain, c'est de l'abus. Regardez ça. Alors, vous voyez ? On voit. Oh, attends. Merde. Attends. Ouais, c'est là. Regarde. Ah ouais, tu vois ? Bordel. Regarde la photo qu'ils ont prise, ces enculés, quoi. Il est irrésistible. Mais je suis irrésistible, non ? C'est-à-dire. Comment ? Rapide comme le léopard, raffiné comme De Vinci, quoi. Non, mais voilà, quoi. C'est. Je veux dire. Non, mais voilà. Ceux qu'on sait, ils vont aller jusqu'au bout. Et vous devez aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je veux plusieurs enfants. Voilà. Et que j'en aurai. Là, en ce moment, j'essaie avec ma femme. Ça va, on va bientôt faire un deuxième enfant. Voilà. Je vous dirai quand ce sera prêt. Ah, j'essaye. Ma femme, je la laisse pas respirer. Elle vient du travail. Je suis pas propre. Je dis, mais moi non plus. On s'en fiche. La race blanche. Voilà. Allez, une autre question peut-être. Que penses-tu des filles russes? Non, je déconne. Je te jure, c'était une question, quoi. Alors, j'ai un article sur une fille russe. On est beaucoup sur du que penses-tu. Hein. Vous savez, des fois, il y a des sujets, je ne pense rien. Mais Alain Gonzi nous demande un mot sur l'actuel porte-parole du gouvernement français. On est toujours sur le même. Le porte-parole du gouvernement français. Je crois que c'est une porte-parole. Ouais. C'est une porte-parole. Ah, oh là là, non, mais on s'en fiche, on s'en fout complètement. Oui, voilà, je vois tout à fait de qui on c'est. Pousse à la faute, c'est hein. De la médiocrité totale. Posez-moi plutôt des questions solides sur l'avenir, sur voilà ce que vous pensez de. Qu'est-ce que vous voudriez. Qu'est-ce qui serait utile pour vous dans le milieu nationaliste? Qu'est-ce que vous attendez du milieu? Posez-moi des questions comme ça. Des choses vraiment qui nous permettent d'aller de l'avant. Moi, en attendant, je regarde ce que j'avais, ce que je voulais dire aussi, quoi. Mais en fait, tu me parlais de la Hongrie. Oui. On attend que les questions débarquent là, et les questions intéressantes, hein, pas les questions people. Que penses-tu de machin ou de bidule? Oui. Ça n'a aucun intérêt. En fait, est-ce que tu, toi qui es italienne, non? Italiano. Parce que j'ai entendu ce mongol de Pierre Yves Rougeron dire que Salvini n'a rien changé. Bah attends, c'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. J'ai regardé une revue de presse avec Jovanovic dans laquelle il disait oui, enfin c'est foutu, Salvini n'a rien changé, il y a encore plein de débarquements en Italie. Mais non, mais attends, ça c'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire qu'avant Salvini, il y a des débarquements de bateaux. C'est-à-dire que en fait, l'Italie se fait complètement envahir. Non, c'est pas toi. Je vulgarise peut-être un petit peu son propos, mais c'était ça en gros. Oui, quoi. Oui, non, mais je sais, mais il est pas le seul à dire ça. Salvini fait ce qu'il peut en ayant les pieds et les poings liés par le droit de l'homisme. Mais ce qui est fou, c'est que des mecs. Non, mais effectivement, ce que tu dis est vrai. Rougeron a fait sa critique. Alors toujours, les mecs n'ont aucun pouvoir, mais en fait, il fait sa critique. De mecs comme ça qui est dans son canapé qui dit mais comment ça se fait, assez radicaux. Salvini est au pouvoir et la remigration n'a pas eu lieu, mais pauvre connard, je veux dire la remigration elle est à l'heure du jour nulle part, étape par étape. Avant Salvini, l'Italie se faisait envahir, il y avait des débarquements et il n'y avait aucune contestation des pouvoirs publics et du gouvernement, et en fait c'était la passoire totale. Salvini arrive et je crois que la moitié des bateaux qui étaient destinés, qui autrefois passaient par l'Italie, qui maintenant ont un autre trajet de migration. Donc concrètement, Salvini n'a pas encore organisé la remigration, mais depuis qu'il est au pouvoir, il est beaucoup plus difficile pour les bateaux remplis de migrants d'accoster en Italie, alors que l'Italie est le plus près de la Libye, qui est le chemin qui est parcouru par les migrants et par les ONG habituellement. Donc évidemment que et vous voyez pas justement, il y a une guerre qui se mène, et plutôt que de se mettre du côté de Salvini en disant putain il donne tout, il faut vraiment qu'on l'aide, faut qu'on fasse de la com, faut qu'il y ait un soutien logistique, faut limite envoyer des hommes, voilà, des mecs comme Rougeron ou autres qui critiquent absolument toutes les initiatives identitaires simples, devraient dire voilà, nous en tant que nationalistes, un porteur de voix vous dirait quoi? Moi ce que je vous dirais, si j'avais plus d'influence et si j'en avais la possibilité financière, c'est-à-dire si je pouvais financer ce voyage là moi je dirais aux des identitaires, vous devez aller à Lampedusa, vous devez vous installer sur place, vous devez empêcher physiquement et aider la police de Salvini à empêcher que les migrants rentrent et débarquent sur le sol italien, d'accord? Ça, ce serait un discours fort, ça, ce serait un discours d'aide réelle à Salvini qui met tout son poids pour faire que l'Italie ferme ses frontières. Il donne tout. Et les magistrats sont contre lui. Il a encore une fois, c'est comme on a parlé de Zelensky, il a affaire aux forces du mal. D'accord ? Les magistrats italiens n'écoutent pas les ordres de leur ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous voulez faire ? L'étape suivante, c'est devenir un dictateur. D'accord ? Et Salvini a conscience d'être dans le monde qu'il est. On est dans le monde post-Seconde Guerre mondiale. D'accord ? On serait dans le mode pré-Seconde... Moi, je vous le dis très clairement. On serait en 1935. Salvini aurait peut-être fait buter le magistrat. Il l'aurait fait buter. Voilà, je vous le dis. Et à mon avis, cette idée lui a traversé l'esprit. Sauf que tu fais ça aujourd'hui dans le monde occidental, tu as l'OTAN sur la gueule. tu as les États-Unis qui débarquent. Donc, c'est pas, je suis pas en train de faire un discours de déprime, genre rien n'est possible. C'est que on marche sur des œufs. Il faut être très très malin pour arriver à mener une politique identitaire sans être identifié toi-même comme un monstre sanguinaire, un dictateur. Et en ce sens, Salvini, Orban ou Poutine font tout ce qu'ils peuvent. C'est pourquoi vraiment les critiques de ce type. Enfin, je veux dire, en France, t'as Macron. Mais encore une fois, ça, c'est l'orgueil français, quoi. On est au fond des chiottes en France. On a Macron, c'est le pire dirigeant d'Europe. Et t'as Rougeron qui, dans son cercle Aristote de mes couilles, qui ose dire oui, mais Salvini, franchement, c'est un dilettant. Tu ne fais pas grand chose, quoi. Et toi, Rougeron, tu ferais quoi? Tu te marierais avec une Cambodgienne, c'est ça que tu ferais? Bon, bah alors ferme-la. Déjà, commence par la base, quoi. Incroyable, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. Le mec. Déjà, l'invasion, c'est dans son slip. Donc, je veux dire. PLS intersidéral. Bah oui, non, mais oui, PLS intersidéral, les mecs. Mais je veux dire, déjà, faites ce qu'il faut, faites la base dans vos vies, quoi. Après, on vous respectera. Après, vous pouvez ouvrir votre bouche. D'accord? Les Allemands, pas bien. Mais les Cambodgiens. Les Cambodgiens. Moi, j'ai envie de dire à Rougeron, qu'est-ce qu'il doit faire, Salvini, s'il y a des bot people et des Cambodgiens? Est-ce qu'il doit les accueillir? Ah, je sais pas, j'attends ton analyse, Pierre-Yves Rougeron. Peut-être qu'il faut les accueillir, je sais pas. Les Cambodges sont une chance pour l'Italie. Petite burrata, là, cuisinée par un Cambodgien. De mettre des insectes dedans, ça va être parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avant que je vous parle d'autre chose. Waouh, c'était violent. Alors, quelles options s'offrent à nous? Lorsqu'on a 20 ans en France, grand remplacé, sachant qu'on n'a pas l'argent nécessaire à l'expatriation, que demande Brian Herriot. Alors, j'ai une question complémentaire pour toi. Que fais-tu dans la vie? Quelles sont tes études, Brian? J'espère que c'est un pseudo. Ouais, mais il ne peut pas répondre, là. Pourquoi? Mais il répond dans le chat. Mais ça va prendre 15 minutes. Non, mais d'accord, mais là, je ne peux pas répondre à ces questions, parce qu'en fonction de ce qu'il fait, la réponse que je pourrais donner serait individuelle et dépend de ce que tu fais comme études. Voilà, si donc tu... réponds Brian. Réponds Brian, voilà. Si tu question. Fais des études de sciences humaines, c'est foutu. Je veux dire, tu seras. Personne te veut. Personne t'attend. En Slovaquie, personne veut d'un mec qui fait philo ou psychologie. Oh là là, j'en ai une qui va t'énerver. Qui Allez. M'énerve. Allez. Matteo Petracci. Oui. Donc, partons du postulat que tous les nations français partent à l'Est. Déjà, un postulat improbable. Mais bon, soit. Allez. Quel avenir pour la France? Ah, mon Dieu. Mais vous vous posez des questions, il n'y a que vous qui vous posez ces questions, vraiment, je veux dire... C'est un peu névrosé, je dois le dire. Non, mais je voudrais vraiment que vous écoutiez attentivement ce que je vais dire maintenant. Je prends un peu mes aises, c'est pas très élégant, mais je meurs de chaud et je suis très fatigué. Mais mon cerveau est intact. Cette négativité... Tu peux mettre le ventilo vers toi ou ouvrir les fenêtres, hein. Ouais, mais j'ai la flemme, j'arrive même pas à bouger jusque-là, quoi, si tu veux. Non, mais gars, laisse-le vers toi, va. Que voulais-je dire? Moi, j'aime pas trop le développement personnel. C'est très à la mode en ce moment. Ce que j'aime pas dans le développement, vous allez voir, c'est un rapport avec la question que tu viens de me poser. Ce que j'aime pas dans le développement personnel, c'est que ça finit par faire croire à tout le monde que tout est atteignable, que tout est possible. Or, et c'est pour ça que je suis d'extrême droite, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont des capacités, des aptitudes, et d'autres qui n'en ont pas. D'accord? Donc moi, les trucs de développement personnel qui vous font dire en gros, vous êtes un pauvre con, vous n'avez jamais rien fait de votre vie, et vous avez probablement moins de 100 de QI, vous allez pouvoir vivre en travaillant 4 heures par semaine. C'est le syndrome la semaine de 4 heures. Les mecs, ils lisent ce bouquin, ils ont l'impression qu'un jour, ils auront une vie super à gagner 5000 balles par mois à travailler 4 heures par semaine. Dans les faits, ça n'arrive jamais, à part quand on est génial, quand on a énormément d'intelligence, et quand on est comme ça, on n'a pas besoin d'un bouquin pour nous apprendre à l'être. Toutefois, il y a quelque chose qui est vrai dans les méthodes de développement personnel, que certains appellent de manière très triviale la méthode Coué. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais en fait, naturellement, c'est quelque chose que... En fait, ce qui m'a fait croire en la puissance de cette technique, c'est que naturellement, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, j'ai un truc, c'est que lorsqu'il m'arrive une merde, alors évidemment, il y a des niveaux. Quand j'ai une mort dans la famille, ça me détruit, ça m'anéantit. Et comme tout le monde, j'ai besoin d'une période de deuil d'un mois, deux mois, trois mois, six mois. Donc, je dis, on va dire les problèmes de second niveau. Ça peut aller de l'amende que vous vous chopez à, pour rester dans les comparaisons de bagnole, un accident de voiture bénin, ça peut être un examen raté, une femme qui se tire, voilà, vous étiez amoureuse d'elle, elle s'est barrée, votre voisine vous fantasmiez et puis finalement elle sort avec un type qui s'appelle Youssef. Ah merde, ça fait chier. Bon, moi face à toutes ces choses, j'ai toujours une réaction combative. C'est-à-dire que moi, vous voyez une frontière infranchissable, je vois un obstacle et j'ai l'impression d'être un coureur. Vous savez, les gens qui font du 100 mètres haie, quoi. D'ailleurs, moi, je vois une haie, je veux sauter. Et beaucoup de nations, vous voyez une haie, vous arrêtez, vous dites « Ah non, je ne vais pas y arriver. » Et un autre exemple. Là, par exemple, je viens d'apprendre l'existence de ce député demi-noir en Ukraine. Je suis persuadé... Alors, tu m'as mis devant le fait accompli, j'ai cliqué sur l'article. Bah, qu'est-ce que je te dise ? C'est en train de se passer, c'est en train de se passer, c'est la réalité, on en parle. Désolé, hein. Non, mais... Et il faut savoir aussi comment ça se passe. Ça se passerait peut-être pas en Chine, ça se passe en Ukraine. Ouais. Pourquoi ? Putain. Peut-être qu'une certaine communauté a de l'influence dans ce pays. Bon, bref. Mais ouais, voilà. C'est pas ça que je veux dire. C'est que là, tu m'envoies ça, et je suis persuadé qu'il y a une moitié des nations qui voient ça et qui se disent « Allez, j'y vais pas en Ukraine. » Vas-y, c'est fou. Allez, vas-y. Tu crois que je vais payer un billet pour aller à Kiev, vas-y, pour voir un député noir ? N'allez, comment ça nous nique sa mère ? Je reste à Toulon. Vas-y. Vas-y, je reste. Mais ouais, vas-y, je reste à Paris. Au moins là, il y a des députés noirs, mais on les connaît, ils parlent français, tu vois. Bon, et ça, c'est la négativité. Et vous êtes comme ça pour plein de trucs. Par exemple, là, moi, tous les nations que je rencontre en Europe de l'Est, pour la plupart, sont des gens qui sont épanouis, qui auraient réussi à trouver une gonzesse là-bas, qui maintenant arrivent à trouver des jobs parce que ce sont des pays moins pauvres. Alors, je ne parle pas de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est très pauvre. Mais je veux dire en Hongrie ou en Pologne, mais non. Vous allez voir, un des villes d'Europe que je vais proposer, on a un invité qui habite en Hongrie. Eh ben, il m'a dit maintenant le salaire moyen en Hongrie, mais c'est 1 000 euros. Et c'est combien en France ? Ah, c'est 1 002. C'est, ouais, 1 000 euros. Je crois que c'est même 1 100 en net. Avec des loyers ici à 800, voilà, et là-bas à 200, voilà. Quoi. Donc là, concrètement, actuellement, en Hongrie, le SMIC hongrois est quasiment... enfin, en tout cas, le niveau moyen de vie, c'est quasiment le même. Nous a incité à venir. Voilà. Ah, voilà là. Et le, on va dire, les produits courants sont moins chers, ainsi que l'immobilier, ce qui est le plus important pour construire une famille. Il faut pouvoir se projeter dans un achat immobilier. Donc voilà, tu me dis, qu'est-ce que deviendrait la France ? Moi, j'avais envie de te poser cette question-là. Qu'est-ce qu'est la France avec les nationalistes dedans ? À quoi on sert en France ? C'est la question que je te pose. Je veux dire, politiquement, bien sûr qu'on a une influence dont j'ai parlé, l'influence des médias dissidents. Mais ça, on est des médias. Tu peux, je veux dire, TV Liberté, ER, Conversano, ça peut être la même chose à l'étranger. Via Internet, maintenant, tout le monde a accès à cette information. Là, on ne parle pas de l'information, on parle de la politique. On va dire le milieu ethno-natio, pour moi, en France, c'est, allez, 20-30 000 personnes, grand max. Ces 30 000 personnes qui quittent la France, mais il ne se passe rien. Mais, je veux dire, la France ne va pas plus mal. Elle ne va pas plus mal, elle ne va pas mieux. C'est une quantité qui n'est pas suffisante. En revanche, il faut voir le truc dans le sens inverse. Ces nations qui vont s'installer dans des pays qui sont beaucoup moins peuplés que la France, parce que la France reste un des pays d'Europe les plus peuplés. Ouais, mettons, tu as 20 000 nations qui décident d'aller au même endroit, la Lituanie ou un des pays baltes. 30 000 Français qui décident de s'installer là-bas, qui ont une com, pas Gogol 88, une com en mode « Nous avons quitté le cauchemar multiculturaliste pour s'installer ici, pour vivre dans un pays sécurisé, même s'il est plus pauvre que la France. » Ça, c'est un poids. C'est le poids de la minorité qui arrive dans un nouveau pays et qui explique pourquoi elle est là et ce à quoi elle échappe, tu comprends ? Donc, en fait, moi, je veux que du positif à l'expatriation. Après, je ne dis pas que tous les nations doivent s'expatrier, et je vais te dire autre chose. Moi, je reviens du camp Edelweiss. Bah, c'est simple, il y a une moitié des jeunes qui veulent se barrer, il y a une moitié des jeunes qui ne vont jamais partir. Parce que les gens, mettons le mec, il est de l'Ardèche depuis 20 générations, le mec ne va jamais quitter l'Ardèche. Ou bien il a un super job et il ne trouve pas l'équivalent étranger. Ou bien il est trop attaché à ses parents. Donc, d'une part, ta question n'a pas de sens, et quand bien même cela arriverait, mais concrètement, ça ne changerait rien. Et je dirais même qu'on mettrait 30 000 nations en sécurité qui pourraient se permettre de penser comme ils veulent dans des pays qui, pour le moment, ne sont pas envahis. Et quand je parle d'invasion, il n'y a pas seulement l'invasion concrète, il y a l'invasion aussi, la colonisation mentale. Je crois que c'est Camus qui parlait de ça, ou Laurent Ozon, je ne sais plus. Peu importe. Mais vous savez, souvent, quand je vous parle de la Roumanie, je vous dis... intellectuel, Ozon. Oui. Ils confondent d'ailleurs souvent Ozon et Rougeron personnellement. Ouais, non, Ozon est quand même de bien meilleur cahier de qualité. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu mystique. Donc ce que je voulais dire, c'est que en Roumanie, évidemment, mes proches sont en sécurité, ma femme, ma fille sont en sécurité, et ça me fait plaisir. Mais au fond, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas d'immigrés, ou très peu, qui me satisfait. C'est le fait que les gens ne sont pas colonisés mentalement. par le gauchisme. Il y a une petite forme d'antiracisme mainstream, et surtout, c'est marrant quand ils parlent aux Occidentaux. Quand ils parlent aux Occidentaux, ils ont l'impression qu'ils doivent parler d'une certaine façon pour eux-mêmes ne pas parler pour des racistes. Donc parfois, ils en font des caisses. Et puis quand tu dis non, c'est bon, je suis nazi, quoi. Enfin, voilà, donc arrête de me bullshiter. La vérité, c'est que tu veux pas de noir en Roumanie. Et le mec dit, ouais, c'est vrai. Voilà, quoi, à la limite. Ils sont pas contre tous les immigrés. Ils ont une certaine, estime pour les Asiatiques, par exemple, mais ils veulent pas de Noirs en Roumanie. Voilà. Donc, ce qui est plaisant, c'est que les esprits ne sont pas colonisés. Vous avez affaire à quelqu'un qui est de gauche, là-bas, vous pouvez discuter. La personne ne va pas hurler quand vous dites n'importe quoi. Il y a un processus, il y a quelque chose, vous pouvez parler. Et ça, il y a que quand on est installé hors de France qu'on réalise à quel point on a les couilles dans un étau dans ce pays, quoi. On ne peut pas parler, on ne peut rien dire en France. Et voilà, quoi. Je crois avoir répondu à la question. Vous pouvez poser vraiment des questions de dingue, mais vraiment. Et Brian dit, je travaille à la poste aujourd'hui, donc je suis sans le sou, MDRRRR. J'ai arrêté les études d'anglais car entouré de turbo d'hygiénique. Ça répond pas vraiment à la question. Hein. Écoute, tu as dit que tu étais jeune. Je suppose que si tu as dit que tu étais jeune, c'est que tu es plus jeune que moi, donc tu dois être un vrai jeune. Pas moi qui suis dans un âge intermédiaire. Tu dois avoir entre 20 et 25 ans, 20 et 30 ans. La poste, c'est pas grand chose. Je suppose que t'as pas mis beaucoup d'argent de côté parce que tu viens de commencer. Soit tu continues. Je sais pas dans quelle région de France tu habites. Tu habites dans une région de France où l'air est encore respirable un minimum. Tu peux travailler encore quelques années pour mettre assez d'argent de côté afin de pouvoir acquérir un bien dans un pays étranger ou tout du moins d'avoir une petite. Un petit matelas qui te permet de prospecter. Voilà, mettons, tu as 15-20 000 euros. Bah, crois-moi, tu peux passer un an, deux ans à chercher en Europe de l'Est un coin qui te plaît et un travail surtout. Mais tu peux faire la même chose sans un rond, c'est ça la vérité. Moi, j'ai toujours été comme ça jusqu'à l'âge de 27-28 ans. Lorsque j'allais à l'étranger, soit je faisais du stop, soit en fait, j'avais pas un rond, donc sur place, bah, je bouffais pas. C'est-à-dire des fois je bouffais pas pendant 4-5 jours. C'est des choses que j'ai fait, ça. Et vous pouvez le faire aussi. Si vous avez vraiment le désir de vous expatrier, il y a un inconfort, c'est clair. Vous allez dans des hostels minables à 5 euros la nuit. Vous allez être avec toute la lie. C'est-à-dire même dans ces pays blancs-là, vous allez vous retrouver dans des quartiers qui sont la lie de ces pays blancs-là. D'accord, vous allez vous trouver, mettons vous allez en Hongrie, vous cherchez le truc le plus pauvre parce que vous n'avez pas d'argent. Bah, vous allez vous retrouver dans le seul quartier où il y a des gitans, quoi. Bon, donc ça va être dur, mais... Si ton désir est vraiment de partir parce que tu ne supportes pas la France, ne fais pas la chose à l'envers. D'abord, va à l'aventure. Après, quand tu as le coup de cœur, c'est comme avec les femmes. Ne te demande pas comment tu vas faire pour garder telle femme. Si tu la veux, essaye de la voir. Et après, tu réfléchis à comment la garder. C'est pareil pour tous les gars. Je m'aperçois que là, je suis en train de faire du développement personnel. Les gars qui disent, mais comment concevoir, comment préparer sa vie pour avoir 3 enfants ? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous faites 3 enfants parce que vous devez faire 3 enfants. Et après, vous réfléchissez à comment vous allez nourrir ces 3 enfants. D'accord ? On n'est pas des Africains. On vit quand même en Occident. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, si vous avez une force de travail et une motivation suffisante, vos enfants ne vont pas crever de faim. Il faut arrêter les bêtises. On ne crève plus de faim en Europe. D'accord ? Peut-être dans des pays comme la Moldavie, l'Ukraine, mais je veux dire, dans la plupart des pays européens, même d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, on ne meurt pas... On ne meurt pas parce qu'on a 3 ou 4 enfants. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas une réponse précise à te donner. Ce que je peux te dire, c'est que si tu n'es pas trop dépensier, si tu arrives à mettre de l'argent de côté et que tu supportes encore un peu la France, fais-toi un petit matelas, 10, 15, 20 000 euros. Je tiens à te dire que, par exemple, je te donne l'exemple de la Roumanie. Si tu as 15 ou 20 000 balles en Roumanie et que tu trouves un job sur place, donc à la limite, tant que tu es en France, bosse bien ton anglais. Ensuite, tu vas en Roumanie et tu cherches sur Google... job for English speaker, English and French speaker. Tu vas voir tous les jobs qui sont disponibles. Quand tu obtiens un job et que tu as un contrat, tu peux utiliser tes 15 ou 20 000 balles pour faire un prêt immobilier. Eh oui, parce qu'en Roumanie, un F2 actuellement, tu as un F2 pour entre 50 et 80 000 euros, tu as un F2 à Bucarest, qui est la capitale. Donc quand tu mets 15 ou 20 000 balles sur la table, tu peux déjà acheter une maison à crédit. D'accord ? Et là, c'est dans une logique d'installation où tu fais la chose proprement, comme une fourmi. Tu vois, la cigale et le fourmi, ben là, tu es en mode fourmi. Si tu es en mode cigale, tu es un jeune, tu y vas là-bas, à l'arrache. Si tu t'arranges bien, tu finiras par trouver une gonzesse là-bas sur place. Et l'une chose entraînera l'autre, tu vois. Ne te pose pas 50 000 questions, surtout qu'en plus, si, comme moi, plutôt si tu n'es pas comme moi et que tu n'as pas peur de l'avion, voilà quoi. Un aller-retour maintenant, c'est 100 balles pour aller à Prague ou pour aller à Ljubljana en Slovénie. Essaye. Et quand tu as le coup de cœur, après, tu feras la deuxième étape, quoi. Alors là, les gars, ça fait 2 heures qu'on fait le live. On dit qu'on fait encore une demi-heure, voilà, maximum. Que tu... Car demain, je pars à Rennes à 8h30. Waouh. Vaste projet, vaste programme, comme tu diras. L'énergie, tout, la clé, c'est l'énergie. Est-ce que tu comptes faire de l'édition d'ouvrage traduit de l'alt-right américaine suprémaciste? Demande Evan. Réponse courte. Ouais, d'ailleurs, tu comptes faire mieux que ça, mais bon. Oui. Voilà, on n'en dira pas plus. Pour te répondre, oui. Mais c'est toujours pareil, comme je suis un éditeur qui se lance, j'essaie d'avoir de la trésorerie d'avance. Ouais, il faut acheter les droits, c'est compliqué. Tant que j'ai pas 10 000 balles qui me servent juste à éventuellement perdre de l'argent pour des projets, enfin, je veux dire, pour la transmission d'un message, c'est-à-dire, mettons, je vais traduire un truc de l'anglais, je sais pas si j'en vends. Hop, je prends le risque en payant un traducteur, ça coûte une fortune, en achetant les droits du livre, je prends le risque d'éditer le truc, même si je perds 6 000 balles. Tant que j'ai pas comment dire, cette souplesse-là financière, j'essaye rien et je fais que des trucs sûrs. Voilà. Ouais, il y a du lourd en stock. Ouais. Il y a un mec qui dit, il est bon de rappeler que les loyers sont très bas en Europe de l'Est. On peut trouver des appartements convenables pour 250-300 euros. Complètement, ouais. C'est clair. Même un studio à 150, 200 balles. Ouais, bon. Non, non, mais Bref. c'est clair. Je sais que Bucarest, 200 balles, 35 mètres carrés, t'as la clim, le lave-linge et le balcon, quoi. Ouais, puis en plus, faut pas oublier qu'il y a la banlieue et la banlieue. C'est-à-dire, quand vous êtes à Paris, vous êtes pratiquement obligé d'habiter en périphérie. Bah là, ici, actuellement, on est dans un 18 mètres carrés. Alors qu'on n'est pas dans Paris. Voilà, Et tu le payes 700 combien? balles. 700 euros. 700 balles par mois, quoi. Tu te fais violer l'anus, tout simplement. Mais en Sans plus, lave-linge, sans clim. sans Enfin. parler, ouais, sans parler du fait que c'est cher, c'est loin. Et 30 minutes de RER à Paris, c'est 30 minutes de RER à Paris. C'est une souffrance, quoi. C'est sale, ça pue, il y a la population qu'on sait. Donc en fait, tous les matins, tu te rappelles à quel point tu as une vie de merde et c'est horrible. Alors que. Mettons, t'as pas le budget pour avoir un appartement au centre de Bucarest. C'est pas grave, tu vas habiter en banlieue, tu t'en fous. Alors ok, t'as toujours 30 minutes pour aller au taf, mais c'est 30 minutes de rêve. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de m'endormir dans le métro à Bucarest. M'endormir, je sais pas si vous réalisez. Sachant que je suis quelqu'un, je travaille beaucoup avec mon PC. J'aime bien travailler dans des cafés et tout. Donc quand j'ai des trucs à écrire ou des textes à relire, je vais dans un café au centre-ville, après je prends le métro pour rentrer. Je m'endors avec mon PC dans le métro. Non mais attends, la première fois que je l'ai fait, je me suis dit mais je suis fou quoi. On pourrait me faire n'importe quoi quoi. Mais en fait, il ne se passe rien parce que White Paradise. Ouais, t'oublies une affaire dans un resto, tu la récupères le lendemain. Ah oui. Une anecdote comme ça, quoi. Je me souviens plus. C'était, je crois, un biberon pour ta gosse que Ah t'avais ouais, bon, oublié ça, au à la McDo, limite, je ça crois. biberon. Oui, mais il m'arrivait mieux, il m'arrivait avec un portefeuille. Je laisse un portefeuille, mais je l'oublie quoi. Je l'oublie sur la table d'un resto. Je vais dans un petit centre commercial après, je ramène ma fille à la maison. Et en arrivant à la maison, je la laisse à ma femme. Je dis putain, j'ai laissé mon portefeuille. Et je reviens au resto, en terrasse, alors qu'il n'y avait personne, il y avait très peu de clients. Personne ne l'avait pris. Personne ne l'avait pris. Voilà, bon, c'est. Tout ça finit par se savoir même. C'est terrible quoi de savoir. Ce qui est terrible, c'est que les gens sur place n'ont pas conscience de ce qu'ils ont. Ça, c'est vrai que c'est dur. C'est-à-dire qu'ils peuvent être identitaires, mais malgré tout, ils n'ont pas cette crainte d'être envahis parce qu'ils ne le sont pas. Vous voyez, c'est vraiment un truc. Tant qu'on ne vit pas certaines situations, on ne peut même pas les concevoir. Quand j'explique parfois ce qui se passe en France à des Européens de l'Est, ils ne peuvent pas, ils ne réalisent pas. Parce que pour l'instant, les quelques étrangers, je vous dis parfois, je crois que j'ai compté le maximum. J'ai passé presque un mois sans voir un seul nom blanc. Pas d'Asiates, pas de Maghrébins, pas de Noirs, à Bucarest. Après, il y a des semaines, en fonction du hasard des rencontres, des fois j'en vois 3-4 dans la semaine. Mais imaginez, à Paris, pendant un mois, vous ne croisez pas de Noirs. C'est juste impossible. Bon, voilà. Bon, moi, un mois. On avait compté ensemble toutes les 30 secondes. Non, ça c'était à Grenoble. Ah, Toutes les ouais. 30 Rien qu'à secondes, Grenoble, tu vois. genre tu comptes jusqu'à 30 Ah ouais. T'en as un. Bah ouais, j'ai passé minimum, 3 jours à Grenoble. Parce que des fois, tu comptes jusqu'à 2. Ouais. Ouais, des fois, ça t'enchaîne. C'est quoi. Plutôt ici jusqu'à 2, jusqu'à 3. T'enchaînes. Et tant que t'as pas vécu une situation, tu peux pas la concevoir, donc tu peux pas être en alerte contre. Ça, c'est vraiment très, très emmerdant, quoi. Mais Daniel, pourquoi tu ne parles jamais des Roms en Europe de l'Est qui se reproduisent comme des lapins ? Demande Quasid. Quelle est la démographie des Roms en Europe de l'Est ? Je connais pas ce chiffre. C'est une bonne question. T'en as vu ? Moi, j'y vis en Europe de l'Est. Mais si, il y en a, mais je veux dire... C'est comme les aborigènes en Australie, quoi. Mais non, mais faut arrêter. C'est... Quand on focalise sur les Noirs, c'est parce que la démographie des Noirs, elle est vraiment inquiétante. Je veux dire, en Europe centrale, je commence à avoir plus de Noirs que de Roms. C'est une réalité, quoi. Je vous le dis, les gars. Souvent, quand je traverse la Hongrie, je vois pas de Roms. J'en vois pas un seul. Alors que maintenant, je vois au moins une fois un ou deux Noirs qui passent. Alors, vous allez me dire, les mecs qui sont jamais sortis de France m'ont dit, mais c'est rien, deux Noirs. Oui, mais je les voyais pas il y a 5 ans. Et ça, c'est parce qu'il y a quand même une déferlante de la part de ce peuple. L'Europe, l'Afrique étant plus proche géographiquement de l'Europe, c'est un vrai problème. Mais il n'y a pas de problème Zigane. Faut arrêter les conneries. Il n'y a pas de problème Zigane, surtout que l'idéologie dominante, nos adversaires, quoi, le pouvoir, ne les utilise pas en réalité comme force reproductive. Et il n'y a pas de métissage zigano-européen, c'est très très rare, quoi. Donc c'est un problème qui est mineur, en fait. Je sais, c'est un peuple détestable, hein, je n'aime pas du tout les Roms, hein, mais je veux dire, c'est un épiphénomène, quoi. Est-ce que tu penses que les USA sont un bon projet d'avenir pour migrer en alternative à l'Europe de l'Est ? Demande Astral Movie. Alors, on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Moi, je ne connais pas les États-Unis. À un pur niveau d'analyse politique, je ne suis pas hyper confiant pour les États-Unis parce que ce qui s'est passé avec Trump, par miracle, s'il est réélu, c'est très bien. Mais je pense que, de la même manière qu'en France, par rapport aux dynamiques démographiques, je pense que dans 10-15 ans, les républicains ne pourront plus gagner aux États-Unis. Donc, ça, tu veux dire quelque chose ? Ouais, non, en fait, moi, je voulais avoir ton avis sur pourquoi tu as un doute sur la réélection de Trump, vu la situation actuelle avec les démocrates qui se mettent un peu tous sur la gueule, si vous suivez un petit ouais, peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Depuis 2-3 mois. Et surtout, la deuxième question que j'aurais, c'est qu'est-ce que tu verrais pour l'après-Trump ? Bah, tu veux dire, qu'est-ce que je voudrais ? Qu'est-ce que tu imagines, en fait ? On peut difficilement faire plus que ouais, Trump. Ouais, c'est dur de... Qu'aux États-Unis. Non, mais c'est vrai que depuis quelques mois, il y a le bordel, il y a eu pas mal de shitstorm. Donc, c'est vrai que je reprends espoir pour une réélection de Trump. Mais là, je pense, comme on sait que la démographie à court et moyen terme est quand même une... À long terme, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si en 2100, les Européens auront réagi contre l'immigration noire ou pas. Mais, non, mais à, je parle de... à court moyen terme, on va dire sur 10-30 ans, 2030, ouais. c'est-à-dire notre vie humaine à nous, on a 30 balais dans 30 ans, quoi. Les dynamiques démographiques ne vont pas changer du tout au tout. Et donc, le nombre de latinos et de noirs sera suffisant aux États-Unis pour que les républicains ne soient plus élus. Donc, peut-être que Trump sera réélu et je le souhaite. Mais là, tu me dis, un projet d'installation, donc un truc sérieux et long aux États-Unis, je n'ai pas ouais, énormément confiance. Ça peut durer 54 ans de plus, pardon. Et après... C'est ça. La seule chose que je peux dire, c'est que les États-Unis, c'est comme quand on parle de Russie, on parle d'un continent en réalité. Donc si le problème des États-Unis, il est avant tout lié à ton activité économique. Si tu arrives à développer une activité économique où tu pourras avoir l'indépendance financière, tu pourras palper 10-15 000 $ par mois aux États-Unis. J'ai envie de te dire oui, les États-Unis c'est un projet. Tu y vas, tu t'installes dans les États qui sont blancs. Et il y en a des tas. Il y en a environ un tiers. Il y a un tiers des États des États-Unis. Moi j'ai un pote qui habite dans l'État de New York, donc pas la ville, l'État. C'est ça. Hein, ouais, c'est où. Ouais. Non, de Washington. Attends, qu'est-ce que je raconte ? C'est l'État qui est juste en dessous du Canada, c'est ça ? Je vais vérifier. Parce que là, je voudrais ouais, pas dire ouais, de conneries. Je l'ai sur le bout de la langue. En tout cas, va pas en Californie, c'est sûr. Ouais, ni ou Floride. En Floride. Floride, Californie, oubliez tout de suite. Texas, Ouais, Texas, mais il y a beaucoup. Non, mais il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de noms au Texas. Là, il y a du redneck, quoi, en général. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, il y a une politique très à droite au Texas, donc c'est peut-être agréable à vivre, quoi. Alors, attends voir. Attends, parce que je... Où est-ce qu'il habite mon pote? Où est ce connard là? Non, je rigole. Non, non, c'est l'État de Washington. C'est l'État de Washington. Il habite dans une ville qui est à 300 bornes de Seattle. Et donc, alors Seattle, ok, c'est un peu, c'est assez cosmopolite Ah parce que ouais, c'est une grande ville, bien sûr. Mais dans l'État de New York, il y a de Washington, pardon, il y a pour la plus, enfin, il me dit voilà, parfois je passe 3 semaines, je vois que des blancs quoi. Donc tu auras des safe spaces blancs aux États-Unis. Mais le truc, c'est que dans le quotidien, dans le way of life quotidien, les États-Unis, c'est un autre monde. ouais, faut aimer les Américains. Déjà, il y a la mentalité, il y a aussi le truc que, putain, tu te casses une jambe, t'es dans la merde, quoi. C'est 5 000 balles à sortir. T'as le cancer, t'es dans la merde, tu vois. Enfin, c'est des trucs. Je veux dire, moi, je dirais aux gars, si vraiment vous avez des fonds, si vous savez comment développer votre économie là-bas pour être blindé de thunes, alors les États-Unis sont une option parce qu'il y a plus de liberté, il y a plus de. Je pense qu'il y a aussi plus, il y a aussi plus de bonheur. Parce que tout simplement, le communautarisme là-bas n'est pas un combat, c'est-à-dire c'est déjà communautaire. Il y a des blancs qui vivent entre blancs. Voilà, les WASP, c'est aux États-Unis, hein. C'est pas à Meudon qu'on fait des WASP. Ben nous, à Swavelos, moi le Il n'y modèle, a sur les pas gens me disent, Melun? c'est quoi ton modèle? Ben moi, c'est les WASP. Je voudrais qu'en fait, pourtant je suis pas chrétien, je suis pas chrétien, et à plus forte raison, je suis pas protestant. Mais ce communautarisme qui est WASP, il est beau, il est simple, il est fonctionnel. Pas C'est un soldat du réseau. Christ. C'est un réseau et en fait c'est on va dire c'est fucking white male qui fait des barbecues les samedis et les dimanches. Bah c'est ça sur Velos. On est des fucking white male qui en fait en réalité sont super sympas. Et moi c'est pour moi c'est une référence. Donc je comprends que c'est un pays qui puisse te séduire. Mais quitte à parler d'Amérique, moi je conseillerais aux nations qui ont une petite bourse plutôt l'Amérique du Sud. Canada, non? Alors c'est pas même problème au Canada, faut de la thune quoi. Faut de la thune quand même. Et puis il fait froid hein, au Canada, attention. Hein. Non, je suis né à Grenoble, hein, mais je veux dire, moins 30, faut aimer. Hein. C'est quand même un autre monde, quoi. Mais l'Amérique du Sud, moi j'en ai très bon retour. L'Amérique du Sud, blanche, hein, attention, hein, je parle pas de la Colombie. Hein. Ben Merci. oui, non, mais Ah, parce qu'il merci de faut la préciser, précision, quoi. ouais. Tu vas pas aller. L'idée, c'est pas de quitter des bananias pour rejoindre des pépitos, ça n'a pas de sens, Pas au quoi. Mexique. Voilà. Ouais, le Quoique, Mexique, c'est génial. non mais il y a des communautés d'Allemands au Mexique. J'ai vu Oui, ça. non mais bien sûr, mais si on cherche le petit lieu, n'importe où on peut trouver Non mais tu un sais, safe comme à space. Hein. Orania en Sud-Afrique, il y a Je vois vraiment. ce que tu veux dire. Ouais. Bref. Non, mais d'accord. D'accord, mais Mais lui, on on n'est pas parlait les de bienvenus non l'arc plus. Chili, Argentine, Uruguay, quoi. Et Brésil du Sud, voilà. C'est déjà plus abordable. Après, voilà. Donc, s'il n'y a pas. Après, il y a peut-être une question passionnante, sinon je voudrais enchaîner sur autre chose. Non? Vas-y, fais comme chez toi. Hein. D'accord. Non, par Non, contre, je. les silences, là, on va perdre des gens. Eh, on est Oh. 1100 en live à Oh, minuit, c'est super, quand à même 7 assez heures-ci, c'est génial, exceptionnel quoi. pour un 21 juillet. Ah oui, Merci à vous de nous suivre. oui, non, je voulais simplement vous faire un peu rigoler pour détendre l'atmosphère, qui n'est toutefois pas tendue du tout, mais je veux quand même la détendre. Un type m'a clashé en vidéo, là, l'observateur. Un micto minable, je crois. Donc ce type, en fait, a fait une vidéo contre l'idée des QI. Comme quoi, alors c'est incroyable parce que. Tiens, un moustique est en train de me piquer. C'est incroyable, ce mec, il Ah dit en mais gros. pourtant j'ai mis de l'anti-moustique, Ouais, ils sont résistants mais ils comme sont-tu des Africains résistants à quoi. tout? C'est vraiment. Ils me font penser à certains peuples. Et donc, en fait, ce type a fait une vidéo pour dire en gros, ouais, converse à nous les QI, nanani, comme si toi t'étais QI, troisième Dan. Donc, une vidéo de rageux, sans argument. Où il a été très discourtois envers moi, envers ma femme, etc. Avec ce forfait d'ailleurs qui est très. Il y a que les. Parce que je voulais dire un truc à propos de l'observateur, parce que, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, parce qu'il y a eu 100 commentaires suite à un commentaire que j'ai mis moi. Ce mec a fait une vidéo contre moi, et moi je lui ai proposé un débat. J'ai dit, écoute, t'as l'air de t'y connaître vachement sur la question des QI. Évidemment, j'étais ironique, mais peu importe. Par contre, là où j'étais pas ironique, c'est que je lui ai proposé un débat, et je lui propose toujours un débat à l'observateur sur Discord. Ou bien en physique, face to face, je suis prêt à débattre avec toi de la question des quotients intellectuels et de l'inégalité des peuples, Ok, sans donc, problème, ouais, parce que donc. c'est toujours un plaisir de démasquer les types comme toi qui, par exemple, ne disent pas à leur public qu'ils sont métis guadeloupéens. Ah oui. Parce que quand on sait ça après, on comprend pourquoi on est choqué quand Conversano parle de QI. Parce que dans son petit cœur de métis guadeloupéen, on est triste. on est triste parce que Conversano, il a relayé une info scientifique qui est de dire qu'en moyenne, les Africains, ils ont un QI de merde. Ouais, tu vois, en Guadeloupe, la moyenne. Bah ouais. Donc, alors, le gros rageux, l'observateur, mais je te dirais les mêmes choses en débat de manière beaucoup plus courtoise. C'est juste là, je suis sur mon espace, tu vois. Mais je sais, tu sais quoi, je suis plus intelligent que ce qu'on croit. Et même beaucoup plus que ce que les gens pensent que je suis intelligent que je suis, tu vois. Donc je peux tout à fait m'adapter à un niveau de langage, c'est-à-dire je peux tout à fait ne pas être grossier et parler avec toi sur le modèle des politiciens qui pratiquent la langue de bois, il n'y a aucun problème. Mais là je suis sur mon espace donc je me lâche un peu. Tu vois, quand j'ai vu cette vidéo, je ne savais pas que tu étais métis guadeloupéen. Et maintenant quelqu'un qui connaît très bien et qui m'aime bien aussi m'a dit que tu étais un métis guadeloupéen. Et tout c'est clair. Combien de fois dans le milieu nation j'ai connu de types qui en fait étaient des non-blancs sous pseudo qui utilisent leur voix, parce que c'est la grande mode maintenant. Les gens, il y a des gens qui sont l'objet d'un culte, parce qu'on n'a jamais vu leur tronche. Regardez le raptor. Bah, il existait avant qu'il monte sa gueule. Et puis il a montré sa gueule, et 3 mois après, il a disparu. Les gens ont dit, mais... J'avoue que quand je l'ai vu, je fais, mais il a le charret. C'est un arabe, tu vois. Bon, et bah, l'observateur, si tu montrais ta gueule, on dirait, mais il est noir. Et donc, en fait, ton discours qui paraît comme ça très... pseudo-neutre, en fait, tout à coup, il serait éclairé. C'est-à-dire qu'on dirait « Ah, mais ok, c'est un demi-noir qui a la mort parce que à travers la carte des QI qui est validée par l'entièreté de la communauté scientifique. » C'est pas, d'ailleurs, Laurent Alexandre a trollé là-dessus. C'est pas Conversano Magazine. C'est pas Nazi Magazine. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas Nazi Magazine qui a dit que, en fait, les Noirs avaient un QI 30 ou 40 points de moins que les blancs, tu vois, c'est des scientifiques, c'est un consensus international, tu vois. Donc, j'ai tout de suite compris en voyant ta vidéo de rageux qu'en réalité, toi-même, t'étais pas blanc. Parce que c'est toujours les mêmes arguments de merde. Genre, ouais, tu dis ça, mais toi, t'as pas fait Polytechnique, alors qu'il y a des noirs intelligents. Cette remarque prouve que tu es un con, l'ami. Parce que, évidemment, un QI, c'est une moyenne, d'accord. Il existe des noirs qui ont un QI plus élevé que le mien. Il existe des Chinois avec des énormes pénis, mais c'est pas la majorité, tu comprends, mec? Autant de choses que je te dirais de manière plus courtoise dans un débat en t'enfonçant ta tête dans ton cul. Mais là où j'ai vraiment compris, c'est pas que j'ai cherché l'information, là où j'ai compris que tu étais un non-blanc, c'est quand tu as joué la carte de l'antiracisme viriliste, genre oui, Conversano, qu'il apprenne à se battre avant de faire la hiérarchie entre les races, suivi de parce que un, avec sa roumaine. 3 petits points. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça, roumaine ? Donc alors, si je t'écoute bien, alors il faudrait avoir une énorme estime pour l'inintelligence des Noirs, d'accord ? Mais par contre, ça roumaine, hein ? Bon, eh ben, ma roumaine, elle a un QI à 3 chiffres, d'accord ? Ma roumaine habite dans un pays que les tiens veulent rejoindre. Parce que même si c'est un pays de merde à l'échelle de l'Europe, c'est un pays de rêve à l'échelle de l'Afrique, d'accord ? Parce que les peuples africains sont cons en moyenne, d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils veulent rejoindre l'Europe. Parce que l'Europe a construit des choses et a rendu le quotidien confortable. Parce que les Européens sont plus intelligents en moyenne. Et c'est ça le discours sur les QI. Alors il me semble, je dis peut-être une bêtise parce que j'ai lu les 40 ou 50 premiers commentaires où je proposais un débat et l'observateur n'est pas intervenu. Donc depuis, il a peut-être accepté le débat. Si c'est oui... Ok, on va faire ce débat. Si c'est non, je te repropose à nouveau. Il y a 1000 personnes en direct. Je pense que ce live finira, comme souvent chez moi, entre 20 et 40 000 vues. Donc 40 000 personnes vont savoir que tu as refusé le débat parce que tu es une petite bite et que tu n'as pas répondu à cette question fondamentale que je te poserai si on débat. Tu es un non-blanc. Et donc, en fait, tu es métisse, tu n'es pas objectif lorsque tu parles des QI et que tu caches... bien difficilement qu'en réalité tu as la mort parce que j'ai touché ton petit cœur. Voilà, c'est juste encore de l'orgueil racial, finalement. Ça se la joue antiraciste, mais c'est de l'orgueil racial. Tu sais, c'est comme si moi, je pétais un câble face aux Goy du Nord parce que les mecs se moquent du fait que l'Italie était nulle pendant la guerre mondiale. Et c'est le cas. Moi, je suis italien, je te le dis. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie a été ridicule comparée à l'Allemagne, mais même dans l'absolu. Tu vois ? Et moi, je suis un mec normal. Tu vois ? Si on prouve par A plus B que les Allemands sont plus travailleurs et ont globalement... Bah, quoi que non, il paraît que le quotient intellectuel des Italiens est plus élevé. Je ne sais pas. Franchement, les chiffres diffèrent un peu. On est, pour l'Italie, entre 97 et 102. Donc peut-être les Allemands sont plus intelligents, plus réservés, plus appliqués dans l'effort. Voilà. Mais moi, je suis prêt à accepter toutes ces réalités-là. D'accord ? Si je suis un obsédé sexuel, c'est parce que je suis un rital. Il y a aussi ça, quoi. Il y a une part de caractère, il y a une part de génétique, c'est aussi racial. Moi, j'accepte. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que tu utilises le fait que tu as une voix off. C'est-à-dire que finalement, tu es une voix off hein, pour les gens. Les gens construisent un mythe sur l'absence de visage, d'accord. Donc maintenant, je veux que les gens qui écoutent l'Observateur imaginent une gueule, comment dire, imaginez Laurent Voulzy, vous voyez. Et ben voilà, c'est l'Observateur, quoi. C'est ça, un peu. Bah après, tu peux me faire démentir, monte ta tronche, quoi. On pourrait rigoler, quoi. Marie Galant. Voilà, après, les gens sont prêts à beaucoup de mensonges. Peut-être tu vas montrer la tronche de quelqu'un d'autre, tu vas dire c'est moi. Mais je le sais. Je sais, l'ami qui m'a dit ça, j'ai... Donc voilà, Laurent Voulzy, si tu veux un débat... Voilà, si tu veux débattre, eh ben, il n'y a pas de souci. Alors, non, je n'ai pas un lien, mais pour voir sa tronche, parce qu'il se garde bien de la montrer, mais en fait, j'ai un très bon ami qui le connaît très bien. Oui, je ne suis pas le seul. Mais tout le monde a des spies, d'accord ? Sur mes groupes Telegram, il y a des spies. Il y a des mecs, en fait, qui s'inscrivent, qui ne parlent jamais et qui prennent, on va dire, des screens pour dire « Ah, regarde ce qu'il a dit Conversano sur mon groupe. » Bon, bah, il y a des conversaniens qui sont sur vos groupes aussi. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, quoi. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, métis ou pas, et même, je suis même prêt à faire un débat, tu sais, les mains dans le dos. C'est parfois certains mecs qui font l'escrime, ils mettent une main dans le dos pour humilier encore plus leurs adversaires. Je n'utiliserai même pas cet argument, l'argument de du fait que tu sois métis. Et je te battrai quand même, tu vois. Parce que j'ai raison et tu as tort sur les QI. Et il n'y a pas de conversano rageux, il n'y a pas de conversano ressemble à un Pakistanais. Ça va de plus en plus loin. Mais pourquoi pas un aborigène ? Je ressemble à un aborigène. Un on me le dit moi, tout je le temps. Un peu malaisien. On me dit en Roumanie, on me dit on dirait un chinois, quoi. On dirait un chinois aborigène. C'est dégueulasse. Vous pouvez le dire 200 000 fois que je ressemble à un paquis, ça m'affecte pas en fait. Ils sont dans Antarctique là. Oui, les Inuits. Ouais, voilà. Les Inuits, ouais. Non, moi en Roumanie, j'ai plutôt une autre anecdote. J'ai des serveuses qui viennent m'aborder qui me disent You look like an artist. Are you an artist? C'est ma vie en Roumanie. Oui, parce que... Et moi, ouais, peut-être, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Tout ce qui est art, tout ce qui est création. Ouais. Oui, on a oublié ce petit détail-là. En Europe de l'Est, tu te fais aborder, quoi. C'est pas souvent. En Roumanie, je vais pas vous mentir, c'est assez rare parce que c'est un pays latin où ce sont plutôt aux hommes de bouger. Il n'y a pas la culture comme on peut avoir dans les pays scandinaves. J'ai un ami qui est en Islande, je suis jamais allé en Islande. Il m'a appelé, il me dit c'est fabuleux, les femmes elles viennent, j'ai rien fait, elles viennent. Bon, il n'y a pas cette culture là en Roumanie. Cependant, tu vas vivre des trucs que t'as jamais vécu nulle part. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens un coup, j'étais quoi, je prenais un café au McDo, j'attendais que ma fille sorte de la crèche. La serveuse tourne autour de moi. Et puis en plus, c'est drôle parce que elle tournait autour, mais pour rien faire. C'est-à-dire, genre, il y avait 3 miettes, elle venait chercher 3 miettes. Après, elle venait chercher 3 miettes à côté, quoi. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait, quoi. Et la meuf, en fait, souhaitait tout simplement parler. Et j'ai discuté avec une nana qui est serveuse au McDo pendant une demi-heure. Donc, la meuf a oublié son service. Et évidemment, moi, je suis maqué. La meuf avait 20 ans, ça n'avait aucun sens. Je ne suis pas allé de l'avant, mais il y avait une ouverture, hein, très claire. Hein. C'était. Voilà. Donc, à part s'il y a une autre question, je voudrais ouvrir sur le dernier. Et c'est souvent des Arabes qui te traitent d'Arabe, j'ai remarqué. Oui, bien sûr, ou des rageux, des gens qui m'aiment pas dans le milieu national et qui vont dire « il ressemble à un Arabe ». Mais je veux dire, c'est bien sûr, si vous comparez les phénotypes, vous prenez une gueule de Turc, vous prenez la mienne, vous prenez un Suédois, je ressemble plus à un Turc qu'un Suédois. Je dis d'accord, mais n'empêche que les Italiens et les Espagnols, c'est toujours la même chose. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans là-dessus, j'avais appelé les Africains italiens. On dirait que le phénotype italien-espagnol n'existe pas. Il n'y a pas de juste milieu entre Jean-Michel, habitant de Picardie, et Oussama Ben Laden. Bah si, quoi. Il y a un truc intermédiaire qui s'appelle l'Europe du Sud, quoi. En effet, faut arrêter les conneries. Chaque fois que je me balade dans des musées, je vois des modèles de la Renaissance, de 17e, qui ont ma gueule. Ils ont exactement ma gueule, quoi. J'ai juste une gueule d'Italien, quoi. Vous allez chercher des trucs de dingue, quoi. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est qu'en Italie... Le truc débile. Docteur Obvious, il y a beaucoup d'Italiens en Italie. En Roumanie, il y a... Ouais, encore. Il y a encore des Italiens en Italie. Que font les mondialistes? Ah ouais, c'est scandaleux. Il y a quand même pas mal d'Italiens en Roumanie parce que la langue est assez proche. Donc on va dire les Italiens, lorsqu'ils se disent qu'ils vont faire un Erasmus ou bien lorsqu'ils veulent trouver une entreprise ailleurs qu'en Italie, eh bien, beaucoup vont en Roumanie. Donc souvent, il y a des Italiens en Roumanie. Alors c'est simple, les Italiens en Roumanie, ils viennent me parler, ils se posent même pas la question, ils viennent me parler en italien. Ils me disent, hey, tu, et dove si trova la strada, je sais pas, Stefan Celmare, parce qu'il y a un héros roumain qui s'appelle Stefan Celmare. Donc les mecs, ils viennent me voir, j'ai tellement une gueule d'italien, ils disent pas, are you from Italy? We can speak in Italian. Ils me parlent directement en italien, quoi. La question se pose même pas, quoi. Donc bon, tout ça, c'est. Vous voulez vous faire croire à vous-même que. Je sais pas trop quelle est la source de ça. C'est encore de la soumission, en fait. C'est, en fait, tous les Italiens auraient des gueules d'arabes, quoi. Mais d'où? Dire les Arabes n'ont pas colonisé l'entièreté de l'Italie, quoi. Faut arrêter les conneries. De plus, moi, j'ai fait mon montage génétique. Je ferai une vidéo là-dessus. Je suis à 99,4% européen. On est sur un taux. Il y a quand même 0,6%. Mais oui, mais qui n'est pas du Maghreb. J'ai rien du Maghreb. Non, mais bon, voilà quoi. C'est. Encore une fois, je dis à mes adversaires, trouvez autre chose. J'ai des failles, vous savez. J'ai un petit cœur aussi qui Attends, peut être touché. Ayahus, Bassem est plus blanc que toi, par exemple. C'est un constat. Mais blanc dans quel sens? Tu parles de la couleur de peau. Zidane, il est plus blanc que moi de peau. C'est un kabyle. Mais il a une gueule de kabyle. Je veux dire, moi, quand je bronze. Je suis pas blanc comme une table blanche, quoi. Mais je suis blanc, ça veut dire européen, d'accord? Putain, mais les Italiens. Alors Nadal, il est quoi? Nadal, il est où? Il est quoi? Il est irakien parce qu'il est très bronzé. Mais on arrête les conneries 5 minutes, quoi. Non, je vous dis. Les Italiens du Sud sont issus des Arabes, surtout la Sicile et la Calabrie. Non, mais déjà, c'est ce mythe. Totalement faux. Dans ma vidéo, je te renvoie à cette vidéo les Africains italiens que tu trouveras sur BitChute. Le pourcentage de gènes non européens en Sicile, qui est l'endroit le plus envahi d'Italie, est de moins de 4%. D'accord ? Il y a moins de 4% qui a survécu de gènes non blancs. Et je ne suis pas sicilien. Et je viens de te dire, parce que tu n'écoutes pas, que j'ai fait mon test génétique. J'ai pas une seule goutte de sang maghrébin. Donc on arrête les conneries. Ma mère est française de génération en génération, d'ascendance espagnole du Nord. Avec, on a trouvé un truc assez bizarre, mais qui explique pourquoi ma mère a une peau très blanche, peut-être. Des origines scandinaves dans le 17-18e siècle. Mais ça remonte quand même à un certain temps. Et du côté de mon père, c'est italien et grec. Voilà. C'est pour ça que souvent en Roumanie, d'ailleurs, il y a aussi des Grecs qui me prennent pour un Grec. Quand j'ai une vraie barbe, les gens me disent, tiens, t'as une gueule de Grec. Donc voilà, les seuls endroits où... en fait, plus vous montez dans le nord de l'Europe, plus ils ont du mal à distinguer... Un Européen du Sud d'un Turc. Alors parfois ça m'est arrivé une fois en Lituanie et deux trois fois en Russie qu'on me demande si j'étais Turc. Et d'ailleurs j'avais je te souviens pas Robin, je t'avais dit ça, il y avait une meuf à Moscou qui m'avait parlé sur un site de rencontre et elle m'avait dit Are you from Turkey? Et j'avais dit no, et elle m'a répondu So we can talk. Énorme. Voilà quoi. C'est ça la vie, c'est ça la vie en Europe de l'Est et surtout en Russie. Où les... Je suis vraiment curieux, je vais suivre cette affaire du métis, du député métis en Ukraine parce que, tu vois, en Europe de l'Est, à partir de la Pologne-Hongrie, les gens qui habitent en Europe de l'Est pourront vous le dire, ce sont des pays à forte majorité blanche pour ne pas dire uniquement. Mais par exemple, je ne peux pas te dire qu'il y a du racisme en Roumanie. Au quotidien, tu n'as pas affaire au racisme. Quand tu parles aux gens, ils ne sont pas allés à dire putain les Noirs, les Arabes, non. C'est juste que les immigrés non blancs n'ont pas d'intérêt à vivre en Roumanie et les Roumains ne pratiquent pas des politiques incitatives. Donc, par la force des choses, il n'y a pas beaucoup de non blancs en Roumanie. Mais fondamentalement, ce n'est pas un peuple hyper méchant, on va dire, quoi. Par contre, franchement, j'ai vraiment constaté et vu du racisme en Ukraine et en Russie. Et donc, le mec qui sera député sera intouchable. Mais si, suite à ça, des Noirs, des touristes Noirs, parce qu'en réalité, des Ukrainiens Noirs, il n'y en a pas, quoi. Zelensky a mis le seul métis ukraino-noir qu'il ait trouvé dans sa génération, quoi. Je veux dire, moi, j'ai fait 4 ou 5 villes d'Ukraine, j'en ai jamais vu. Les seuls Noirs que tu vas voir en Ukraine, ce sont des Occidentaux qui viennent pour... Donc, des Noirs, des noirs de chez nous, quoi, des Français, des noirs français, des noirs anglais, des noirs américains, qui viennent essayer de se vider les couilles en Ukraine. Et qui arrivent plus ou moins, pas forcément beaucoup. Donc là, quand tu vois les mecs, souvent tu vois, et d'ailleurs souvent des mecs qui suivent les préceptes de Rouche, tous ces connards de pick-up artistes de merde, qui en fait aident des non-blancs à aller draguer en Europe de l'Est par haine de la femme. C'est vrai que je déteste les trucs comme Rouche. En fait, les mecs comme Rouge sont des connards. Misogyne au sens. C'est un pick-up artiste pour ceux qui connaissent pas un artiste de la drague qui vend des guides sur comment baiser des femmes de l'Est, quoi. Voilà. Le problème, c'est que il le dit clairement qu'il vise un public divers, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. J'attendais que tu finisses, mais. J'ai fini. J'ai lu d'ailleurs un petit peu ces guides. C'est un américain, irano-américain, qui va un petit peu faire son marché aux femmes en Europe de l'Est, tout en exigeant une qualité américaine, quoi. Oui. Alors déjà, le mec fait des bouquins de drague. En Europe de l'Est, il fait ça depuis 10-15 ans, quoi. Donc le mec va nous faire croire qu'il a une compétence particulière, genre waouh, il arrive à baiser en Biélorussie, quoi. Waouh, trop fort, mec. C'est pas comme si tout le monde y arrivait, en fait, quoi. Donc un vrai pick-up artiste a une compétence parce qu'il arrive à le faire dans des pays où c'est très difficile de draguer. Voilà. Rouche a arrêté, il s'est converti, nous dit-on. Non, mais oui, attendez, oui, j'ai entendu ça. Bah oui, parce que maintenant le fric vient d'ailleurs. Il vient des chrétiens. Donc si tu veux, ces gens-là vont où est le fric, hein. Croyez-moi, ils continuent de baiser, hein. Un mec qui est baiseur jusqu'à 35 ans, le reste, hein. Mais il a fait bien assez de mal comme ça parce que les blancs qui sont séduits par le côté pick-up artiste, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Europe de l'Est. Ils vont mentir parce que c'est le principe du pick-up artiste. Ils vont se faire passer pour je sais pas quoi. Ils vont réussir, ils vont arriver à leur fin et ils vont faire ça avec des dizaines et dizaines de femmes. Bon, et qu'est-ce qui se passe? C'est que les meufs là-bas qui sont très naïves et qui pour l'instant sont des femmes bonnes et qui ont bon cœur, et ben au bout du 10e américain, au bout du 15e allemand, au bout du 10e anglais qui les a niqués en leur promettant monts et merveilles et qui ensuite repartent dans leur pays, ben qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles baissent plus. Et ça, on le doit, elles baissent plus. Et en plus, elles élèvent leur niveau de sécurité, elles mettent un bouclier. Et donc, en fait, dans le mauvais sens du terme, l'occidentalisation de certaines femmes de l'Est, elle est liée au fait, elle est moins liée à la culture Instagram qu'au fait qu'elles se sont fait rouler par des dizaines de mecs qui auraient eu la possibilité de se mettre avec elles et de bâtir des foyers hétérosexuels tradis. Qu'on soit croyant ou pas, mais on va dire des familles, et qui en fait les ont pinés et sont partis comme des voleurs. Quand ils ne les ont pas laissés avec des enfants, parce qu'il n'y a pas que les noirs, hein, qui abandonnent leurs enfants, hein. Il y a aussi les pick-up artistes, hein, d'accord. Les mecs, ils baissent sans capote, ils font un môme en Ukraine, et comme ils ont en fait ils ont un mépris ethnique, au fond, pour ces gens qui sont pauvres, parce qu'il y a eu le communisme essentiellement. Ensuite, ils retournent aux États-Unis et ils essayent à nouveau de baiser et de faire une famille avec des nanas, des Rachel, des Estelle, des Christina, you know, américaines, d'accord? Parce que c'est le problème de tous ces mecs. Moi, les pick-up artistes que j'ai rencontrés, pour la plupart, étaient des connards. Et au fond, le ressentiment qu'ils ont contre les femmes occidentale, ils le gardent toute leur vie. Plutôt que de se dire ailleurs il y a des femmes agréables et je peux changer de vie, je peux me rebooter, je peux enfin accéder au bonheur, ils vont là-bas pour se vider les couilles et pour, réemmagasiner de la force, et ils reviennent rager en Occident parce que leur but c'est toujours de se maquer avec une Française ou une Américaine. Ils ne changent jamais de but. Parce qu'au fond, les pick-up artistes sont moins des gens qui aiment les femmes et le sexe que des gens qui veulent la réussite sociale. C'est-à-dire en gros, j'ai réussi à baiser une américaine, à la faire mienne, à la posséder grâce à mon fric, grâce à ma faconde, grâce à ma position sociale dans le pays. Donc c'est tous des petits cons comme Rouge qui souvent, bien souvent, sont des métis, tous des Stéphane Edouard en herbe, des modèles humains que je déteste en tout. Donc ça, c'est encore les pick-up artistes qui, on va dire, ça c'est ce que Rouge peut faire de mal au monde blanc, aux hommes blancs. Mais alors, le pire, c'est que moi, j'ai regardé ces putains de forums, ils donnent des conseils aux non-blancs pour réussir à passer sous le filtre du racisme qui existe encore en Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent aux noirs et aux Iraniens, enfin bref, toutes les races non blanches qui habitent les pays occidentaux comme les États-Unis et qui sont anglophones, comment faire croire à une nana ukrainienne, par exemple, qu'on se comporte comme un blanc? J'ai vu ça sur les forums. Quand il dit, par exemple, essayez de ne pas faire trop de bruit. Même si vous êtes un mec qui parle fort, bah essayez de parler moins fort. C'est des trucs comme ça. Faites-lui croire que vous avez des goûts raffinés. Mais t'imagines le vice, quoi. Donc en fait, le mec, il est aux États-Unis, c'est un connard de demi-noir qui écoute du rap tout le temps. Il va arriver en Ukraine, il va dire, ouais, moi j'adore Debussy, quoi. Donc on a des meufs. Non mais on rigole, mais c'est tragique. On a des meufs qui en fait jamais de leur vie ont rêvé d'aller avec un noir ou même un métis, mais simplement elles sont pauvres. Elles ont un mec qui la joue canard, super gentil, qui semble avoir des références culturelles européennes, bien qu'il soit non blanc. Et les mecs qui viennent des États-Unis, voilà, le mec qui vient des États-Unis, donc, vous dire, même s'il est brancardier à Boston, le mec il gagne, je dis n'importe quoi, 4 000 $ par mois, alors qu'elle, elle gagne 300 euros, et ben elle se dit, mais vas-y, il n'y a aucun Français, il n'y a aucun Allemand qui est venu me faire vivre le rêve, donc bah, je vais y aller, quoi. Donc de temps en temps, vous en voyez une, c'est rare, mais quand même. Mais comparé à l'intensité qu'ils mettent, parce qu'il y a vraiment, chaque fois que vous voyez, j'insiste, chaque fois que vous voyez un noir à Bucarest ou à Kiev, c'est toujours un noir d'Occident qui essaye de tirer son coup là-bas, tu vois. Et bah, comparé au nombre qui essayent, il n'y en a franchement pas beaucoup qui réussissent. Et ça, on le doit quand même à une société à l'Est qui tient encore debout. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais moi, j'y suis sur place. Si c'était nul, je vous le dirais. À certains aspects, c'est pas bon l'Europe de l'Est, mais pas au niveau des rapports hommes-femmes. Pour l'instant, c'est le lieu dans le monde où je trouvais que les rapports hommes-femmes étaient les plus sains et agréables. Voilà ce que je peux vous dire. Et ça m'amène à une troisième partie, mais je vais en parler peut-être. Peut-être qu'il y a encore deux ou trois questions que tu as repérées ou non. J'ai vu marquer Hitler noir quelque part. Non, est-ce que tu es plutôt Federer, Nadal ou Djokovic? Ah, Mirkostin demande. Détendons-nous un peu avec cette question. Alors, on va pas non plus faire une aparté sur le tennis. Moi, j'adore le tennis. Je connais très bien l'histoire du tennis. Mais depuis 5-6 ans, je suis moins parce que je trouve qu'il y a une répétitivité. C'est toujours les mêmes, on va dire, qui arrivent tout en haut. Et le jeu est toujours le même. C'est-à-dire, même un Federer Djokovic que 2019, c'est à peu près le même que j'ai vu en finale en 2014 et 2015. Donc, alors, je dirais que dans les déclarations et dans ce qu'ils incarnent, Djokovic est un Serbe et il pense comme un Serbe. Il est Serbe, il a longtemps, il a souvent, par exemple dans la Coupe du Monde, il a supporté la Croatie face à la France. Alors qu'il est Serbe et en théorie, les Serbes et les Croates, ça ne s'aiment pas trop. Ça, ça a un sens, quoi. Ça a un sens. Politiquement, j'aime le fait qu'il mette en avant sa foi orthodoxe. Donc en tant qu'humain, j'aime assez Djokovic, mais je trouve qu'il a un jeu hyper chiant. Il met hyper longtemps à servir, il fait rebondir la balle 25 fois avant de servir, c'est inregardable. T'as vu Robin, c'est pénible quoi. Ouais, tu m'as montré, moi j'ai été élevé, moi mais mon enfance c'est Sampras et Agassi, il tapait la balle une fois puis hop il commençait à servir, t'étais tout de suite dans le jeu. Tu m'as montré, il joue avec le temps limite. Oui oui oui, il fait voilà, et puis en plus quand il se prend un avertissement il gueule. Bon, alors Federer à côté de ça est plutôt un gauchiste. Il manque jamais une occasion de se prendre en photo avec un noir, mais ça a donné proportion. Même dans voilà, de toute façon maintenant c'est on va manger du noir dans tous les pays quoi. Le mec est à Shanghai, il va se prendre en photo avec un noir qui habite Shanghai. Pourquoi un noir est à Shanghai quoi? Bon bref, mais par contre au niveau du jeu, Federer c'est un prince. Et moi le vrai truc que je vais dire c'est que le jour où Federer arrête le tennis, ben moi j'arrête de regarder parce qu'il y a plus de joueurs de tennis quoi. Federer c'est le dernier joueur de tennis complet. Qui maîtrise tous les coups du tennis, la volée, le fond de court, le slice, le lift, un créatif quoi, un vrai créatif. Donc quand alors il y a quelques mecs un peu à la Santoro, je dirais, qui ont ce côté, qui sont un peu des filous du tennis. Kyrgios a une façon de jouer qui est assez amusante, mais c'est pas un champion, c'est pas un génie. C'est un Australien non? Oui, enfin c'est un Australien, il n'est pas que Australien quoi. Il semble qu'il est détesté il est, en Australie. D'ailleurs. Ouais parce qu'il est demi malaisien, demi un pays d'Amérique du Sud quoi, tu vois. Et bien sûr, il a percé où? En Australie, où il y a des infrastructures, c'est toujours pareil. Voilà quoi, l'Occident est le podium sur lequel on permet à des non-blancs de briller, alors que chez eux, on n'aurait même pas eu connaissance de leur existence. Et ils nous le rendent comment? En nous haïssant, en voulant nous détruire, c'est quand même formidable. Donc voilà, donc moi, Federer Forever, je suis stupéfait d'un truc, c'est que Federer est vieux, il a presque 40 ans. Et il est encore dans le top, il est encore dans les 3-4 meilleurs joueurs mondiaux. Alors que je me souviens quand Agassi, moi j'étais un fan d'Agassi, ce que j'aimais dans Agassi, sa combativité, même si maintenant s'emprunte à un jeu plus élégant. Et bien quand Agassi arrivait en finale de l'US Open en 2005, à 36 ans, on trouvait ça incroyable. On disait mais c'est un champion, il est génial. Alors que Federer gagne des grands chelems à plus de 36-37 ans, se retrouve en finale de Wimbledon, il manque de la gagner. À ça, il la gagne à 38 ans, c'est un phénomène. Donc voilà, Federer... Federer, c'est le tennis, et quand Federer va arrêter, bah, ce sera bien triste. Mais voilà, faut jamais désespérer, c'est comme la situation politique, il y aura peut-être un nouveau Federer qui va naître dans 15-20 ans. T'aimes pas les Espagnols, toi, t'as pas dit un seul mot sur Nadal. Non, Nadal a un mental de fer, il est remarquable de combativité. Après, je trouve que... En fait, Nadal, je ferai le même reproche à Nadal que... Tu sais, les mecs qui ont gagné le Tour de France, comme Miguel Indurain... Où l'ancien trombe était carrément dopé. Mais on va dire, les mecs qui en fait ne font que le Tour de France et le gagnent. Nadal, depuis 7 ou 8 saisons, il oriente tout sur Roland Garros. Donc en fait, il concentre 3 mois dans l'année, il se concentre pour gagner Roland Garros, sachant qu'il a déjà des aptitudes sur terre battue. Je trouve que c'est pas très fair play. C'est un peu le Gianni Longo du tennis sur terre battue. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Voilà quoi, c'est pas un jeu qui est agréable à regarder. Mais évidemment, ce sont des gens. Il faut bien comprendre, c'est que des sportifs comme ça. Ce sont des ubermensch. Alors, c'est pas des ubermensch au sens intellectuel du terme, mais c'est des ubermensch. Les mecs, ils ont des millions, ils continuent de rester motivés pour nourrir leur palmarès. Ces gens sont quand même des exemples de combativité, et à ce titre, je pense qu'ils méritent le respect, quoi. Alors, il y a un mec qui pose des questions, j'ai vu. Les... qui dit Dominic Thiem. Ah, Dominic Thiem, ouais, il jouait super bien, Dominic Thiem, mais bon, ça n'a pas suffi face à Nadal. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que... En même temps, il n'a pas eu de repos. Ouais. Nadal, il y a toujours le soupçon de dopage. Est-il dopé? Comment se fait-il qu'il arrive autant à récupérer après des matchs énormes alors qu'il a mon âge, et que mon âge, c'est quand même vieux pour un sportif de haut niveau? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que si un jour on apprend que Nadal était dopé, ce serait une immense déception, parce que ça aura vraiment été un trust pendant des décennies. Voilà, un mec qui domine le tennis comme ça, c'est... Non, je vous dis, voilà, c'est tout... L'intérêt que je porte au tennis est lié à la présence de Federer ou non. Quoi. Maintenant, il n'y a pas Federer dans le tournoi, je ne regarde pas. Federer Nadal, je vais regarder, parce que même si Federer part, il va y avoir des jolis coups. Federer Djokovic, je vais regarder. Nadal Djokovic, je ne vais pas regarder. Ça va être une bataille de fond de cours avec des lifts de dingue, des mecs qui font la gueule tout le long, et Nadal qui va sortir du Vamos à 2-1 au premier set. Quoi. Genre, le mec, il est déjà en sueur. C'est comme le sexe, quoi. Si ce n'était que jouissance, le sexe, ce serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, tu vois, le haut, le bas, monter, arriver. Et c'est ça que t'as avec Federer, t'as tout pour arriver comme ça à la volupté suprême. Alors que Nadal, c'est une figure de style. Bah oui, mais Nadal, c'est un bœuf, quoi. Voilà, c'est pas. Bon, enfin bref, là, on fait l'esthétique. Hein. Oui, salut Thomas Ferrier et bonne nuit. Il y a un mec qui vient de me faire rire, O'Brien76, tout en majuscule, tu sens que le mec. En sueur et bourré. Salut Daniel, je débarque après m'être fait recaler de boîte. Ouais. Ah bah c'est génial. C'est tout. Ouais, le mec est là. Oh, le live. Tu sais, le mec surpris donc le live existe encore, quoi. Waouh, je pensais que j'avais raté le live. Waouh, truc de fou. Eh bah, tu tombes très bien parce qu'on va parler de gonzesses. Nanana, Thomas Ferrier est parti, donc on peut commencer à parler de gonzesses. Alors. Cachez vos enfants. Hop là. Ouais. Non, mais en fait, c'est très simple. Moi, depuis 2014-2015, j'ai un aspect horrible. J'ai envie de me... T'as vu comme mais, je suis... Mais pas du tout, en mais fait. Si, c'est regarde, mais c'est juste les reflets. Tout, c'est juste les reflets du gros nez. Je suis moche. Bon, c'est vrai, mais... Bon, dans l'absolu, oui, mais... en 2014-2015, j'ai commencé à faire des vidéos. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. J'en reparlerai dans d'autres vidéos parce que là, c'est à l'état d'ébauche dans mon cerveau. Mais justement, j'en parle un peu pour faire comme une étude de marché. En 2014-2015, j'ai commencé à dire, écoutez, moi, j'ai découvert un monde qui s'appelle l'Europe de l'Est, qui est multiforme. L'Europe de l'Est, ça veut tout rien dire. Entre la Bulgarie et la Lituanie, vous avez un monde d'écart. Mais enfin, il y a des caractéristiques communes à ces pays. Et la principale caractéristique, c'est la facilité du rapport homme-femme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne veut pas dire... que vous allez baiser très vite en Europe de l'Est, d'accord? Encore une fois, l'âge d'or de l'Europe de l'Est dont nous parlent des mecs, je sais pas, un mec comme Pierre Woodman, mais lui, ça compte même pas parce que c'est un pornocrate, donc il paye les nanas pour baiser. Mais on va dire, moi, je sais que j'avais un pote qui avait 15-20 ans de plus que moi, Et il me racontait avec des étoiles dans les yeux qu'est-ce que c'était Prague en 1998 ou en 2003, où tu étais français, juste tu parlais français dans la rue, une nana était là, bonjour, je suis disponible. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais connu ça, je vous le dis direct. Mais, donc, t'imagines? Bonjour, viens coucher. Ah ouais, bah le rêve des incels, quoi. Tu sais, t'arrives dans un coin, salut! Et la meuf arrive, ouais, salut, intéressant. Bon, moi, j'ai jamais connu ça. Alors, pareil, c'est comme ça encore maintenant en Nord-Amérique du Sud. Étant maqué, premièrement, et effrayé de l'avion, je n'irai pas pour tester. Ceux qui veulent y aller, qu'ils s'y amusent. Quand je dis facilité, c'est que vous allez pas avoir de bizarreries dans les échanges. Et tous les mecs qui m'écoutent et qui sont français et qui ont essayé de draguer sur des sites de rencontres comme Mythique, Adopte un mec, peu importe, tous, mais Tinder, j'en parle même pas. Enfin, encore, en France, il faut encore avoir accès à la meuf, faut encore qu'elle accepte pour que tu lui parles sur Tinder. On a tous les mêmes, comment dire, les mêmes rapports, c'est-à-dire quand on en parle entre nous, on se dit, mais putain, mais cette fille est dingue. On essaie de lui parler, ça a l'air d'être plutôt bien, puis d'un coup, elle arrête de répondre. Enfin voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus qui est toujours disponible sur Internet, c'est Mission impossible, deux points, rencontrer une Française. Daniel Conversano, vous tapez ça sur Google, vous allez trouver cette vidéo que j'ai faite en 2015, qui existe toujours et qui a 60 ou 70 000 vues. Dès qu'on parle de gonzesse, forcément, les gens sont au rendez-vous. Bon, et ça, c'est vrai que dès que je suis allé en Europe d'Est, je me suis rendu compte, excusez-moi, que le rapport homme-femme était dépassionné, au sens, voilà, une femme, vous lui plaisez, elle accepte que d'aller chez vous, quoi. Il n'y a pas de... Elle va pas se branler le cerveau disant est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que t'as dit un truc de la façon que tu me l'as dit, j'ai pas aimé, etc. Bon, bref. Quand j'ai donné ces conseils sur les femmes de l'Est, sachant que moi-même j'étais maqué avec une femme de l'Est, quand j'ai donné ces conseils, j'étais persuadé que. En plus, j'avais donné, je me souviens très bien dans cette vidéo, j'avais fait des screens. C'est-à-dire, j'avais montré. J'avais dit aux gens, mais regardez! Je dis trois mots, j'ai un rendez-vous, j'obtiens un rendez-vous, c'est quand même incroyable. J'étais persuadé que tous les nations célibataires allaient aller là-bas pour mettre fin à leur célibat, quoi. Ça, j'en étais sûr et certain. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. On est 4 ans, 5 ans plus tard, et on a encore une bonne partie du milieu nationaliste qui ne s'est pas bougé. Attendez, je réponds à un type. Oui, mais je suis en live. C'est l'invité de demain. Bah vas-y, passe un coup de fil. Je suis en live là. T'écris plus tard. Arrêtez avec vos questions lourdingues. Comment tu gagnes ta vie? Est-ce que ça paye d'être un nation? Bah non, en fait. Non, mais je gagne ma vie chichement. Et je gagne ma vie parce que j'ai fait un truc que tu n'as pas fait toi. Je dis ça sans injure, c'est que moi j'ai fait le grand saut. Je suis un nation à visage découvert. Et ça comporte son lot de problèmes. D'accord? Donc, c'est vraiment malsain cette façon de poser au moins 50 fois la question. Là, je vois le Quasid. Ça fait 500 fois que tu poses. Daniel, ça paye d'être un white natio. Putain, mais t'as pas honte de poser cette question, quoi. Bah, deviens un white natio comme moi, fais une chaîne YouTube, écris des bouquins, essaye d'en éditer d'autres et puis tu verras si ça paye. Tu me diras combien toi tu touches. Voilà. Donc. Moi, j'ai envie d'aider mes frères blancs à fonder des familles. À Sevelos, on commence à faire ça. Naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un site de rencontre Sevelos, mais par la force des choses, comme les sections se rencontrent entre elles, que dans certaines sections, il y a des femmes célibataires et des hommes célibataires, ça, il y en a, c'est pas un problème. Des couples se forment comme ça. Mais malgré tout, il y a toujours un excès d'hommes par rapport au nombre de femmes dans le milieu. Pendant des années, j'ai laissé pisser. Je me suis dit, les vidéos que j'ai faites suffisent. Les mecs vont y arriver tout seuls, ils vont y aller sur place, ça va bien se passer. Et voilà, ils n'ont plus besoin de moi. J'ai subi énormément de colibets. Évidemment, il y a des clichés sur les femmes de l'Est. Donc tous les gens qui étaient mes ennemis ont dit « Oui, Daniel, il encourage les nations à aller là-bas. Il est proxénète, je serai proxénète en Europe de l'Est. » Comme si on était proxénète comme ça, quoi. Les proxénètes sont des gangsters. Je veux dire, quand même le voudrais-je, pour monter un réseau de proxénétisme. Enfin, c'est délirant, mais il y a quand même des gens qui le croient. Que je suis en mode mafieux comme ça à Bucarest pour distribuer les nanas aux nations français qui viennent. Enfin bref. Donc j'ai subi énormément de colibés alors que finalement, des vidéos sur les femmes de l'Est, je crois que j'en ai fait deux ou trois. Mais elles ont tellement marqué l'inconscient collectif nation qu'on m'en fait encore le reproche. Mais vous savez quoi? Maintenant que je viens d'Europe de l'Est, je me rends compte que le monde blanc entier... occidental, donc Espagne, France, Angleterre... États-Unis, donc tous les pays où il est difficile de créer une relation saine avec une femme ou avec un homme d'ailleurs, eh bien, les mecs qui ont un projet de vie simple, eh bien, ils vont en Europe de l'Est pour trouver une femme et pour gagner du temps. Voilà, c'est comme ça. Et eux, ils ne se posent pas 50 questions. Ils ne se disent pas, est-ce qu'on leur vole des femmes? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, des questions débiles. Donc moi, je vois tous ces... Et ces mecs ne sont pas des nations. Hein. Ce n'est pas forcément des nations. C'est des mecs qui sont apolitisés ou gauchistes même. Et tout gauchiste qu'ils soient, ils mettent leur bulletin Macron une fois tous les 5 ans. Mais ils voudraient quand même bien avoir une femme sympa, qui s'occupe un peu d'eux, qui les aime un minimum et qui accepte qu'on leur fasse 2 ou 3 mômes. Quoi. Et donc, en fait, vous avez ces mecs-là qui viennent en Roumanie ou en Ukraine. Et bah, des nations, je vois des nations qui mènent dans leur jus. Vous savez, tous ces débats sur... les incels, les mictos, mais vous vous rendez compte qu'il y a des mictos qui ont 45 vidéos sur les rapports hommes-femmes. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les femmes sont matérialistes et aiment l'argent. Waouh! T'as trouvé ça en 2018 En fait, toutes ces questions-là, tu te les poserais pas si tu baisais, mec. Les mecs qui baisent ne se posent pas ces questions-là. Les mecs qui régulièrement ont des relations sexuelles parce qu'ils sont bons, confiant en eux des contrats ou simplement parce qu'ils ont une régulière, une femme, une compagne, une épouse. L'incélisme, le mictoïsme, c'est absurde en fait. En fait, c'est la même chose que le féminisme, c'est-à-dire vous transformer en idéologie politique ce qui à un moment donné relève du manque. Alors vous n'avez pas de gonzesse et vous en faites une théorie politique, alors qu'en fait, on est des nations, on est de droite, on doit être des pragmatiques. Vous êtes incel, vous m'écoutez. Vous ne devez pas faire des analyses sur pourquoi vous êtes incel. Et qu'est-ce que ça veut dire sur la société? Qu'est-ce que ça veut dire sur les femmes qui sont des putes? Vous devez sortir de votre incélisme. Vous devez baiser. Voilà. Et comment on fait pour accéder à la chatte? On imite les hommes qui accèdent à la chatte. D'accord? C'est pour ça qu'il existe des coachs en séduction. Alors, j'arrive au point où je veux arriver. Moi, je ne suis pas un coach en séduction. Déjà, ça me fait chier. Deuxièmement, je ne pense pas être un excellent dragueur. Je suis à mi-chemin entre... Ce que je dis tout le temps, c'est que je suis à mi-chemin entre Tanguy et Casanova. Ni Casanova, ni Tanguy non plus. Le mec de 33 ans à la maison avec ses parents. Je suis un peu entre les deux. Je suis pas timide, mais je suis pas non plus quelqu'un qui va aller draguer une femme qui connaît ni Dave ni Nadan sur un banc. C'est pas mon truc. Donc moi, je dis au mec, le coaching en séduction a ses limites parce que, évidemment, les coachs en séduction veulent gagner leur vie uniquement comme ça. Et donc, en fait, ils veulent vous faire croire que vous avez le potentiel de devenir Brad Pitt. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on n'a pas le potentiel pour devenir Brad Pitt. Et quand même on l'aurait, il y a une part de hasard qui fait qu'on ne le sera pas forcément. Moi, je dis qu'encore aujourd'hui, même s'il y a une forme, une petite forme d'occidentalisation des esprits femmes en Europe de l'Est, eh bien, il est encore possible là-bas de trouver une compagne. Moi, ce qui m'a donné envie de faire ça, et ce que je veux dire tout de suite, c'est que j'ai aidé 2 amis à se maquer en Europe de l'Est. Un en Roumanie et l'autre en Russie. Je l'ai aidé à distance en plus. Alors, je ne suis même pas allé sur place, je l'ai aidé à distance. Ah bah, c'était pas moi. Oui, merci. Mais oui, non, mais enfin bon, bref, on n'en parle. Et tu ne m'as pas demandé que je t'aide. je te troll. Oui. Bah, toi, tu vas y arriver tout seul en plus. Ouais, parce que notre ami Robin qui nous écoute est en train d'apprendre le russe. Alors, c'est tout à son honneur. Alors, qu'est-ce qui le motive? Et le roumain. Oui, le roumain. Mais il s'est rendu compte qu'en parlant russe, les Russes, elles aimaient bien, quoi. Hein, comme quoi, hein. Ah, ça change tout. Hein. Tu parles russe à une russe, ça change tout. C'est la carotte, tu vois. Les ânes ont besoin d'une carotte. Surtout si elles parlent pas anglais. On a besoin de visualiser attention. Une chatte. Tu vois, lui, il imagine une chatte, il apprend le russe. Quoi. Ça avait 3 heures par jour, quoi. Bon, bref, ce mec avait des gros problèmes de communication, ce qui est pas ton cas. Et donc, en fait, c'est simple. Il m'avait laissé son compte Badoo et j'avais dragué à sa place sur Badoo. Et il avait fini par obtenir la rencontre alors qu'il était sur place. À distance, en fait, j'ai dragué à sa place. J'ai été un peu son Cyrano. Et après, il a rencontré la meuf. Je lui ai donné 2-3 tuyaux par rapport à ce que j'avais compris de la psychologie de la meuf. Il a réussi les premiers rencarts et finalement, comme c'est un mec tout à fait normal qui est juste un mec ultra timide, bah, la meuf s'est rendue compte que le mec c'était une crème et depuis ils sont mariés, ils ont eu un enfant. Le mec que j'ai aidé en Roumanie, c'est récent, ça fait 6 mois, mais il a trouvé une meuf. Bref, et ces 2 mecs, je leur avais dit, si tu me laisses t'aider et si tu me fais confiance, t'es maqué en un an. C'est devenu, et en fait finalement, c'est devenu un peu une blague et c'est un concept que j'ai. Donc là pour l'instant, je ne vends rien, j'ai pas un site. C'est juste, je voulais vous en parler parce que l'idée est montée à moi cette semaine et je veux absolument le faire parce que je veux aider Nanasio et je sais que je peux le faire. Je veux lancer ce projet. Je veux lancer ce projet qui a comme nom de code « Maqué en un an ». Je prétends que sous ma direction. Et si, parce que je sais que beaucoup sont timides, c'est-à-dire que il y a plein de mecs, ils iront jamais en Ukraine. Ils vont rêver, ils vont baver du pays, ils vont baver de la Russie pendant 20 ans, mais ils vont jamais y aller. Alors que si moi je suis sur place et que je les accueille, ils vont venir. Voilà. Ah, excellent comme projet. Ben oui, je t'en ai pas parlé, mais voilà, et j'ai ce projet-là. Donc, j'ai créé une adresse mail aujourd'hui même qui s'appelle comment ça s'appelle, tiens? Petit cachotier. Non, c'est trouvermafemme@toutamail.com. Trouvermafemme@toutamail.com. Donc, trouver ER, hein, le ouais, verbe. Pas AY. Voilà. Trouvaille. Trouvermafemme@toutamail.com. L'autre n'était pas disponible, je crois. Toutamail, TUTAMAILE. N'importe quoi. MAIL.com. Toutamail.com. Les mecs qui en ont marre d'être célibataires et qui ont un vrai désir de se maquer. Alors, attention, je ne dis pas baiser. D'accord? Parce que d'une, je ne suis pas un dragueur, au sens pick-up artist du terme. Et deuxièmement, vous n'avez pas besoin de moi pour baiser en Europe de l'Est. D'accord? Vous allez en Europe de l'Est, vous allez dans un bordel, vous appelez une escorte. Vous n'avez pas besoin de Conversano pour vous dire c'est quoi le meilleur site d'escorting. J'ai pas assez de sous pour tester, si mais, vous voulez quoi. Non, j'ai pas. Mais, mais en tout cas, donc c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de moi. On est des nations et mon objectif, c'est que au sein de la communauté, les mecs qui réussissent à trouver des Françaises nations, tant mieux. Et d'ailleurs, il y en a dans la communauté. Là, au camp Edelweiss, je ferai le point, mais je crois qu'il y avait une dizaine de nanas quand même. Ah, c'est quand même un bon taux pour un milieu nationaliste. 80 mecs pour 10 nanas, dont 5 qui ont formé des familles, qui ont des enfants, qui sont mères de famille, c'est quand même très intéressant. Plus de 10, en réalité, plus de 10. Je vous dirai le taux exact le nombre exact quand je recevrai le. Comment dirais-je ? Les deux personnes qui organisent le camp sont en train de préparer un compte rendu. Donc je vous dirai combien il y avait d'enfants, combien il y avait de femmes, combien il y avait d'hommes. Bon, mais les hommes célibataires. Le mec, il dit matez-moi ce commerçant, mais il a pas parlé de thunes. Non, mais d'accord, mais je vous demande de m'envoyer un mail. Attends, j'ai pas fini. C'est que je veux, en fait, que vous me disiez quels sont vos besoins. Donc, dans un premier temps. S'il y en a beaucoup qui m'envoient des mails, je ne vais pas répondre à tous, mais je vais tous les lire attentivement. D'abord, je suis dans le fait d'identifier le besoin. C'est pas normal que je vous ai indiqué les solutions depuis des années, et beaucoup de gens qui m'écoutent dans ce live me suivent depuis des années. Depuis des années, je vous ai indiqué une direction. C'est comme si votre but, c'était d'être riche. Je vous ai montré où il y avait un lingot d'or, vous n'y allez pas, quoi. Donc là, à mon avis, il y a un blocage psychologique. Si ce blocage psychologique, il est lié au fait que vous avez peur d'y aller parce que vous êtes des putains timides, alors, parlons-en et je vous aiderai, d'accord? Donc, dites-moi, les mecs qui me contactent, je veux que ça soit pour fonder des familles, d'accord? C'est le principe de la communauté. On est là pour fonder des familles. On n'est pas là pour se branler la nouille. On n'est pas là pour faire croire monts et merveilles à ces jeunes femmes-là. On n'est pas là pour... Je suis pas dans le bullshit de développement personnel, genre je vais t'apprendre à devenir un homme. Je m'en fous. Même si t'es un binoclard à lunettes qui sait pas comment draguer une nana, tu me contactes, tu me dis « Daniel, regarde ma photo, je suis un putain de geek ». Voilà, même moi, j'ai pas envie de me baiser, mais pourtant, je veux fonder une famille, est-ce possible? Et ma réponse sera oui, d'accord? Et c'est possible encore dans ces pays-là, je le sais, je le vois. Je vois des mecs geeks qui, en France, les gueules de ces... En Roumanie, je vois des mecs qui ont des gueules. En France, ils sont immaquables. En Roumanie, c'est le petit intello qui trouve sa petite intello, quoi. Donc, je sais que ça existe, je le vois au quotidien. Alexandra me demande « Et pour les femmes ?» Bah écoute, Alexandra, tu me contactes et on voit ça ensemble. Ah ouais, mais je répondrai un peu à cette question après. Cela dit, tu peux. Mais je connais, Alexandra Lane, je connais ta situation. Oh, d'ailleurs, il faudra que je te contacte tout à l'heure. C'est quoi? Je t'enverrai un message sur Facebook tout à l'heure. Non, mais rien de mystérieux. C'est que... En gros, j'étais censé passer dans ton coin demain. Et finalement, je peux pas, mais je vais t'écrire tout à l'heure. Voilà. Les mecs vont se branler le cerveau, ils vont commencer à faire tout un historique dans leur tête. Quoi ? Il va avoir une meuf demain, mais l'enculé ! Oui, donc je devais boire un coup avec Alexandra Lane, mais finalement, je passe pas dans son coin et j'irai boire un café avec elle à un autre moment. Bon, bref, pour te répondre, Alexandra, très vite, c'est qu'il y a un choix de mecs qui est quasiment infini dans le milieu national. Donc avant de te faire découvrir ce que sont les hommes roumains, je te propose de te faire rencontrer des nations en France. C'est-à-dire, si t'es très sérieuse, on en parlera quand on se verra. Si tu veux vraiment te maquer à nouveau, je sais pas si ta question était vraiment sérieuse. Mais si elle est sérieuse, il y a des dizaines et dizaines de candidats qui seront très contents d'essayer de construire quelque chose avec toi. Donc voilà, en France, on a un manque de nanas dans notre milieu et tout court. Il y a des mecs qui, même en cherchant hors du milieu nationaux, n'y parviennent pas. Donc moi, là maintenant, j'en ai marre de voir des nationaux célibataires. C'est la dernière étape. L'idée communautaire, elle fonctionne. Le camp Edelweiss, ça marche. Les gens ont tout à fait compris ce qu'on veut faire avec ça. Mais pour vraiment enculer le game, excusez-moi de la vulgarité de cette expression, il faut que dans 2 ou 3 ans, tous les mecs du camp Edelweiss aient une nana. Et moi, je vous aiderai à y parvenir. Voilà ce que je dis. Donc, ne me faites pas perdre du temps. Ne me contactez pas pour me poser des questions genre « Si un jour je vais en Roumanie, comment je dois m'habiller pour draguer et dans quel bar je dois aller ?» J'ai pas le temps pour ce niveau de détail. C'est-à-dire, je suis pas votre guide, comment on appelle ça là. Je suis pas TripAdvisor, d'accord ? Je veux juste que vous m'exprimiez votre désir. C'est-à-dire, salut Daniel, je te suis depuis un petit moment. J'ai vraiment envie d'une meuf. Et ce dont j'ai besoin, c'est... Alors, ce sera toujours sur place. Je ne vous aiderai jamais depuis la France. C'est-à-dire, je veux pas que ce soit un rêve. Je veux pas que vous me disiez, dans un an, je vais peut-être en Europe de l'Est. Je veux qu'il y ait une profession concrète. Genre, je passe en Roumanie à tel moment. Est-ce que tu peux m'aider de telle date à telle date ? D'accord ? Je veux fonder une famille. J'ai une échéance. C'est-à-dire, voilà, j'ai 36 ans. Avant 40 ans, je vais être maqué. Je veux que vous me donniez des données concrètes. C'est-à-dire, bien que j'ai un travail, je peux 2 ou 3 fois dans l'année me rendre en Europe de l'Est pour essayer de trouver ma moitié. D'accord ? Donc, expliquez-moi vos besoins. Expliquez-moi ce qui, dans votre vie, pour l'instant, a bloqué. C'est-à-dire, selon vous, voilà, votre auto-diagnostic, pourquoi ça a foiré ? Pourquoi vous n'arrivez pas tout seul à aller en Europe de l'Est ? Parce que ceux qui arrivent tout seuls, ils ne me contactent pas. Ils n'ont pas besoin de me contacter à cette adresse mail. Donc, il y en a certains qui vont tout seuls, qui arrivent à se démerder. D'autres n'y arrivent pas. Alors, c'est quoi le problème ? Vous êtes timide ? C'est quoi l'adresse mail ? Trouvez ma femme@toutamail.com. Trouvez ma femme@toutamail.com. Trouver, T-R-O-U-V-E-R, le verbe. Tout attaché, trouvez ma femme@toutamail.com. Ah, les gens sont déjà intéressés. Et donc, voilà. Alexandra me dit qu'elle t'avait acheté une bière à la pêche. Mais je suis désolé. La pêcheresse, triste. Putain, elle est super. Garde-la moi au frigo, s'il te plaît. Mais je vais te recontacter. C'est juste que je peux pas passer dimanche, ça sera lundi, quoi. Parce que je vois une autre meuf demain. Non, je rigole. Il faut que les mecs se suicident, quoi. Je vais le tuer. J'en vois 3 demain. Le matin, le midi, le soir. C'est comme des gélules. Bam, bam, bam. Les meufs me contactent. Ça n'arrête plus. Regardez, il n'y a que des meufs qui me contactent. Évidemment, je plaisante. Et oui, parce qu'en France, c'est dur. Ça pourrait être crédible en Europe de l'Est, mais en France, c'est quand même difficile. Personne ne veut d'un leader nation en réalité en France. Très peu de nanas. Que disais-je ? Donc, vous me contactez à cette adresse. Trouvez ma femme à toutamail.com. Et je répète, je ne veux pas de mecs qui veulent que je les aide à être moins timides. Genre, aide-moi à trouver le secret de la femme. Je veux des mecs qui me disent, je suis un mec bien, mais j'y arrive pas, alors que je veux vraiment fonder un foyer. J'ai vraiment compris que l'important pour un nation, si t'es pas Tarente ou Breivik, faut faire des gosses, quoi. Voilà, c'est ça en gros, on a tous compris ça. Donc, vous avez 30 ans, vous avez 25-30 ans, vous avez un début de situation, ou simplement vous voulez changer de vie, mais vous n'êtes pas certain que vous y arriverez et que vous trouverez une nana. Et je sais très bien que malgré tous les colibés, parce que c'est toujours les plus connards qui commentent en général, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont... Là, on est encore à 1000... Merci encore, on est encore 1000 spectateurs à minuit, ouais, et demi, une heure. Ça ne désemplit pas. Il y a des gens qui ont l'estime pour moi et pour le simple fait, en fait, de passer une semaine ou deux avec moi et d'écouter mes conseils en matière de meuf, ça sera très précieux pour eux. Et il y en a beaucoup qui attendaient ça. En fait, ce qui m'a donné l'idée, c'est que beaucoup m'ont demandé si je ne le faisais pas déjà. Du coup, ça m'a donné l'envie de le faire parce que je pense que moi, je suis très motivé par l'adversité. Et si dans un an ou deux, j'ai réussi à aider 20, 30, 40 mecs à se maquer en Europe de l'Est et à se trouver une compagne solide et à faire des enfants, à fonder un foyer heureux comme le mien l'est, je pense que là, le milieu nation sera dans un taux de haine envers moi qui dépassera l'entendement, mais je m'en fous parce qu'on aura gagné. Et j'aurai enfin mis en application ce qui, pour moi, devrait se passer naturellement, mais il y a un blocage. Et vous savez, au fond, peut-être que si je ne comprends pas, c'est que je ne suis pas 100% français. Je suis franco-italien. Alors peut-être que comme je suis, ma part italienne fait que, sans être encore une fois un Casanova, je me démerde peut-être un tout petit peu plus mieux que vous, quoi. J'ai moins d'inhibition, j'ai moins été touché par l'ethnomasochisme. C'est peut-être pour ça. J'ai eu des parents de droite aussi, ça joue, ça. Moi, j'ai eu des parents qui... mon père était contre les Arabes, quoi. Mon père, j'avais 5 ans, il me disait que les Arabes, c'était violent, quoi. Il me disait, fais gaffe aux Arabes. Je disais, papa, laisse-moi jouer à Zelda, quoi. Mais au fond, 10 ans après, je dis, mais en fait, il a raison, ils sont violents, quoi. Bon, mais je vais encore jouer à Zelda. Et 10 ans après, je dis, mais putain, mais en fait, je suis encore plus nazi que mon père. Voilà, quoi. Non, fini, c'est mon père qui me limite, quoi. T'as fini Zelda, du coup ? Toujours pas. Zelda 2 sur NES, il est dur. Franchement, si. Hein, qui a fini Zelda 2 sur NES ? Eh ben, moi, j'ai réussi, mais j'ai mis des années, quoi. J'ai essuyé des larmes. Parce que quand tu te bats contre Dark Link à la fin, c'est vachement dur. Bon, bref, donc voilà. Le mec fait pas semblant d'avoir joué à Zelda. Ah ouais, non, Zelda 2, attention. Mais en plus, il est super. Il est très particulier, mais il est super, il est très difficile. Donc, trouvermafemme@toutamail.com, c'est dans la continuation de ce que je faisais avec ce Vélos. Le concret, rien que du concret, que du concret. Et en fonction de ça, en fonction de cette petite étude de marché que je vais faire, je vous demande de prendre du temps pour écrire ce mail. En réalité, j'ai bâché un peu en disant je veux pas ci, je veux pas ça. Écris-moi vos mails. Aucun mail ne va me déranger en fait. Et ça va me permettre de voir quels sont les besoins et combien d'hommes seraient en mesure, veulent en tout cas, sacrifier de leur temps pour cet objectif. Parce qu'en réalité, quand vous avez l'objectif de vous mettre avec une nana et de faire des gosses, vous y parvenez. Mais si vous mettez pas ça en étape 1, eh bien vous allez laisser passer la vie, vous allez vous réveiller à 40 ans. En France, c'est difficile d'avoir des rapports sexuels. Donc, on a des mecs qui ont 35-40 ans, ils n'ont pas baisé depuis 6 ans. Et maintenant, ils ne se voient même plus comme un produit susceptible d'être voulu par une femme quelque part dans le monde, qu'elle soit blanche ou pas. Et je connais cette désespérance. Donc, le fait de recevoir ces mails, de connaître, on va dire, le nombre de gens qui seraient motivés, me permettra ensuite de voir ce que je peux faire. C'est-à-dire, si c'est un ou deux, eh ben, je vais faire un truc un peu à la papa, quoi, en mode ami. Si c'est 10, 15, 20, je vais faire des espèces d'équipes. Voilà quoi. Et on va faire ça. Et on va y arriver sur un modèle. Alors, je vais recevoir. Encore une fois, je suis prêt. Déjà, dès maintenant, ça commence à rager, quoi. J'en suis sûr. Mais je suis prêt à subir le courroux et les attaques minables de ceux qui ne savent pas qui je suis en réalité et qui vont me faire passer pour un proxénète, pour un mec qui veut prostituer des femmes de l'Est, etc. Dans le chat, oui, mais sûrement que là, ça va jaser dans le milieu nation. Enfin, Daniel Conversano se réveille et montre sa vraie nature. Moi, je vous dis simplement que, au-delà des rumeurs qu'il y a autour de moi, en réalité, je suis juste un mec bien. J'ai une famille hétérosexuelle assez tradie, en fait, même si moi, je ne suis pas croyant. Ma femme est croyante, moi, je ne le suis pas. Au moment où je vous parle, je suis en France, ma femme s'occupe de ma fille. Eh oui, parce qu'on se moque souvent de moi, on me dit « Oh, cet artiste, il a un look de gauche, le féminisme blanc, le féminisme de droite, etc. » Bon, au moment où je vous parle, ça fait 3 semaines que ma femme, elle s'occupe du gosse toute seule. D'accord ? Ok. Donc moi, je sais ce que c'est une famille traditionnelle. Parce que l'inverse, ça n'existe pas. D'accord ? Moi, pour faire mes trucs nationaux, pour faire mes Vive l'Europe, je parle 3 semaines. Et comme ma femme, c'est une femme de l'Est non casse-couille, des fois, pendant 2 jours, on s'envoie pas de message. Et elle chiale pas. D'accord ? Donc moi, ce truc de vie, je l'ai créé. Je sais comment je l'ai créé. Et je sais que c'est ce dont vous avez envie. D'accord ? Et la raison pour laquelle, parce que beaucoup de gens qui m'apprécient, qui sont conversanistes, j'insiste là-dessus parce que c'est le nœud du milieu. Le milieu ne baisse pas. Et s'il y a des rageux, s'il y a des trolls, s'il y a des incels casse-couilles, quand ils ne sont pas meurtriers, c'est parce qu'ils ne baissent pas, d'accord ? Donc quand les gens me voient, ils voient que je suis décontracté, ils surestiment considérablement mon côté tombeur. En réalité, je ne suis pas spécialement tombeur, c'est juste que je n'ai pas peur des femmes. Quand une femme me plaît, j'y vais, ça c'est vrai. Mais j'ai un équilibre qui, dans le milieu national, est très difficile à trouver. C'est que j'assume mes idées à visage découvert. Pourtant, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un enfant blanc, voilà, je le dis parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde dans le milieu nation, hein. Il y en a certains qui ne respectent pas cette étape 1. J'ai un enfant blanc que j'aime, j'ai une certaine latitude, c'est-à-dire qu'en fait, je suis un rital. Quand je vois une femme dans la rue et qu'elle me plaît, que je la regarde, ma nana me met pas une claque, d'accord ? Parce qu'on est un couple tradi, je suis un peu macho, elle l'accepte. Je vous dis encore, je pars en France. Ce soir, elle sait même pas où je suis. Je pourrais être à Grenoble, je pourrais être à Paris. Elle ne me fait pas chier, d'accord ? C'est à la fois parce que je sais conduire une relation, une chose que je pourrais vous enseigner, et c'est aussi parce que rationnellement, j'ai choisi une femme de l'Est parce que les femmes de l'Est, pour l'instant, sont comme ça et cherchent des hommes comme ça. Ce sont des femmes indépendantes qui, lorsqu'elles ont un enfant, en sont satisfaites et en réalité pourraient s'en occuper sans le mec. Voilà. Alors, je suis très investi. On voit beaucoup de vidéos où je suis avec ma fille. J'adore ma fille et je suis un papa poule. Quand ma femme a repris le travail, comme je trouvais que ma petite était trop petite pour la mener à la crèche, je m'en suis occupé. Donc, je sais aussi être papa ramollo, tout doux. Mais voilà, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont des canards parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la liberté dont je jouis en France, lorsque je me déplace, même partout en Europe, je veux dire, c'est la vérité, c'est que beaucoup jalousent ma situation. Mais je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs. Je dis que j'ai trouvé des solutions dans ma vie pour y parvenir. Et il y a beaucoup de nations qui sont comme des hamsters qui tournent dans une roue. Moi, j'ai juste envie de les extraire de cette roue et de les aider. Voilà, c'est tout. C'est tout. Encore une fois, j'aurais préféré, parce que j'ai pas que ça à faire, que vous y parveniez tout seul. Et comme je vois que vous n'y parvenez pas, et je commence à voir, voilà, quand je vais en Ukraine, franchement, des fois je vois des Turcs qui essayent et même qui arrivent à se maquer avec des nanas, mais ça fout en l'air. Parce que les nanas, là, c'est par dépit qu'elles y vont. Voilà, elles veulent pas leur mec ukrainien parce qu'ils sont alcooliques et qu'ils sont au chômage. Et juste parce que le Turc a un pouvoir d'achat un peu plus élevé et qu'il faut dire ce qui est. Les Turcs, même ceux qui sont laïcisés, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas un islam féroce, ils ont quand même ce modèle tradi. Et donc, en fait, quand un Turc il chope une Ukrainienne, il veut qu'elle reste à la maison, lui faire trois gosses, et lui, il va bosser pour amener de l'argent à la maison, quoi. Donc, quand vous proposez un modèle comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de nations qui sont capables de l'offrir à des femmes de l'Est, notamment à des Slaves, eh bien, je sais que vous passez à côté d'un bonheur, et c'est pour ça que vous êtes malheureux. Voilà. J'en parlerai aussi dans ma conférence que je vais faire à Paris la semaine prochaine. Donc pour l'instant, c'est l'étape 1. Je vais voir combien de mails je reçois en ce sens. Si je vois que ça bide, vous allez vous faire cuire un œuf. Ce sera des Turcs qui iront avec des Ukrainiens. Je ne peux pas être partout, je n'ai pas non plus 15 bits. Et si je vois que c'est un succès retentissant, je reviendrai avec une vidéo pour proposer quelque chose de concret. Voilà, on verra la formule. Peut-être que ce sera juste des conseils sur Skype. Peut-être que ce sera sur place, aider les mecs à se mettre en couple. Parce que je prétends que quand on y met toute son âme et qu'on fait ce qu'il faut, dans un pays comme la Bulgarie, l'Ukraine, ou les pays baltes, ou même la Russie, on peut être maqué en un an. Pour être tout à fait franc, je pense qu'on peut être maqué en deux mois. C'est des choses que j'ai vécues. Donc voilà quoi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, parce que c'est très important. Le communautarisme sans enfants va échouer dans le temps. C'est une idée qui va séduire les esprits, mais le communautarisme, c'est la transmission. C'est pour transmettre à qui ? C'est pour transmettre aux enfants. Si ça s'arrête à maintenant, ça sert à rien. On sera juste un club, un groupe d'amis, d'accord ? Et on finira à 50-60 ans comme des cons à ressasser toujours les mêmes histoires. Hein, tu te souviens le débat avec Soral en 2016 ? Voilà, c'est pas ça la vie. On est des nations communautaristes, on a la grille de lecture raciale, on sait que c'est la bonne. Maintenant, l'étape suivante, c'est fonder des foyers. Parce que si on fonde des foyers, ça va vraiment être la preuve, ça marche. C'est nous qui avions raison. On a ramené la femme chez nous. Ça veut dire que si la femme est venue dans notre dissidence à nous et pas dans la dissidence pro-arabe, je sais pas quoi, c'est parce qu'on était la bonne et qu'on était rassurant. Et en plus, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Et c'est ce que j'ai ressenti fortement au camp Edelweiss. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de nanas et surtout de familles, de mères au foyer qui nous rejoignent parce qu'elles se sentent en sécurité avec nous. Elles se disent, en fait, c'est juste un groupe fort de frères, de pensée, quoi. Ils sont vraiment amis. Et s'il m'arrive un problème au sein de la communauté, et ça, je vous le dis, Les 100 ou 150 personnes qui sont dans le noyau dur, donc il y a des milliers d'inscrits, je crois qu'il y a 3 ou 4 000 inscrits sur le forum, peut-être même 5 000, mais des gens qui se rencontrent régulièrement, c'est plutôt 500 ou 1000, et des gens qui viennent au camp chaque année et qui participent à l'organisation des camps, qui ont des responsabilités, c'est 100 ou 200, mais c'est comme ça, c'est toujours les minorités qui font avancer les causes. Bon, moi, dans ces gens-là, et ils le savent, si ces mecs-là ont un problème dans le noyau dur, ils ont toujours un frère pour être à côté d'eux. Moi, je sais que si j'ai un problème, et c'est pas parce que je suis une star, c'est parce que je suis conseiller Conversano. Si j'ai un problème, la communauté sera à mes côtés. Et si vous êtes un membre de la communauté, même un nobody que personne n'a vu, mais que simplement qui est venu au camp et avec lesquels on a noué des vrais liens d'amitié, vous savez au fond de vous-même que si vous avez un problème, la communauté, elle sera là pour vous. Et vous aurez des preuves de tout ça tout au long de ces années et du développement du communautarisme. On a également on a eu des frères qui étaient, alors quand je dis frères, c'est pas forcément des membres de la communauté Suavelos, mais ce sont des gens que j'identifie comme des frères parce que ce sont des blancs nationaux qui sont sur les lignes identitaires, qui sont en prison, je pense beaucoup à eux, et la communauté les aidera. Voilà. Quand vous reviendrez à la vie normale, on vous aidera à vous réintégrer à la société, et je travaille à cela d'arrache-pied, on vous abandonnera pas, parce que vous êtes aussi, vous êtes des héros. Et même si on ne peut pas sur YouTube toujours faire votre éloge, on pense bien à vous et vous avez bien du courage d'avoir fait certaines choses. Voilà. Donc, Et je parle même pas de ceux qui sont en prison pour rien, hein, parce qu'il y en a plein, qui sont pour soupçons, qui simplement étaient des militants de terrain, des colleurs d'affiches, et qui ont fini en tôle. Donc ces gens-là, en plus, comme on est du mauvais côté de la barrière, il arrive qu'avant leur procès, ils passent 6 mois, 1 an, 2 ans derrière les barreaux, avant leur procès, ce qui est un scandale. Vous imaginez, quand vous avez 23 ans et que vous passez 3 ans en prison pour rien, c'est insupportable. Bon, ben, ces gens-là, la communauté, elle travaille aussi à ce que quand ils sortent, ils ne soient pas à poil. Parce que c'est ça une vraie communauté. Voilà. Pourquoi les Arabes, et les Arabes surtout, font ce qu'ils veulent en France? C'est qu'ils savent qu'ils ont la communauté derrière eux. Ben, nous, on est en train d'essayer de créer ça. C'est long. On part du néant parce que pour l'instant, le logiciel des Blancs, en majorité, c'est l'individualisme. Mais moi, je vous le dis à travers cette aide que je vous ai apportée pour trouver une compagne. Il y a la volonté de partager le bonheur que j'ai eu moi et de faire que tous mes frères aient cette chance incroyable d'avoir une famille et de fonder une famille. Donc voilà, je vous dis, pour l'instant, on a pour terminer. Donc si vous êtes intéressé par cette idée-là, vous m'envoyez un mail, vous me racontez votre histoire en gros, où vous en êtes avec les nanas et quel est votre objectif, à l'adresse trouvermafemme@ ou un truc un peu putassier, mais c'est marrant, trouvermafemme@toutamail.com et on verra ce qu'on peut faire. Comme je vous dis, si c'est à l'état de conseil, c'est peut-être un truc que je fais comme ça à l'arrache avec les quelques qui veulent. Si je vois que vraiment il y a un marché, au sens pur, on l'entend, eh ben je vais m'investir là-dedans. Voilà. Alors les rageux vont dire, ah, il va se faire de l'argent et tout. On verra, évidemment. Évidemment, si un mec veut que je le suive pendant 2 mois, je vais pas dire à ma femme, écoute, je pars pour 2 mois en Ukraine. Pour rien. Eh ouais, bébé. Pourquoi tu veux faire l'argent? Ouais, non, mais ça, c'est génial. Les mecs, en fait, qui. Tu sais, moi, je fais pas ça gratuit. Ouais, je suis père de famille. Je vais aller en Russie. T'sais, je vais dire à ma meuf, tu sais, je vais en Russie aider un pote. Voilà, quoi. 2 mois. Ah, bah, toi, bah, tu restes à la maison, quoi. Chérie, je comprends pas. Mais ton pote, il te paye l'avion? Ah non, c'est pour la cause. Je paye mon avion comme un con. Encore qu'en plus. Je lui trouve la femme. Et je lui trouve la femme, voilà. Et après, il rentre chez lui. Avec après, on va à Bucarest, tu lui fais à manger, il te baise. Chérie, il te baise, c'est la cause. Et c'est baiser la femme du chef, voilà. Après, il rentre en France contre rien. Et je lui paye son billet pour la France. Non, mais bon, bref. On troll, mais voilà, quoi. De toute façon, là, on en est à l'étape initiale. Je veux voir vraiment quelles sont vraiment les personnes motivées. Je vous le dis et je le dis face caméra. Alors, un petit bémol, j'ai oublié important, c'est que. Sauf exception, si je sens le mec très mature, je n'aiderai pas des mecs de moins de 25 ans. Parce qu'à 25 ans, on n'est pas encore décidé sur sa vie. La plupart du temps, on n'a pas de situation. Et quand je parle de situation, je ne parle même pas de seulement d'argent, mais on n'est même pas certain de son projet de vie. Ah, tu ne fais pas d'exception ? Non, j'ai dit, bah si, je pourrais faire des exceptions si je parle au mec sur Skype et je vois par exemple qu'il est particulièrement mature pour son âge. Mais déjà d'une, je pense que il y a quand même un côté aventurier. Si vous avez moins de 25 ans, essayez de vous sortir les doigts du cul tout seul quand même. Votre cas est moins désespéré qu'un mec qui a 32 ans et qui n'a pas baisé depuis 10 ans, et j'en connais plein en France. Donc c'est ces mecs-là que j'ai envie d'aider en priorité. Déjà, ils ont plus de chances d'y parvenir parce que, bah, comme dans tous les pays, on va dire, où les rapports hommes-femmes sont traditionnels, en réalité, l'âge est un petit peu valorisé. Alors, attends, calmons-nous, hein. Si vous avez 70 ans, vous n'allez pas trouver une Ukrainienne de 19 ans. Ou alors c'est une chercheuse d'or. Ouais, faut avoir beaucoup de pognon, quoi. Oups. Mais on va dire, si vous avez 35 ans, pourquoi pas. Clairement, vous avez plus de chances de trouver une nana de 25 ans dans un pays d'Europe de l'Est qu'un mec de 25 ans. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, bah, votre cas est moins désespéré si vous avez 23 ans. Vous pouvez bouger tout seul. En plus, maintenant, vous avez les systèmes Erasmus. Les mecs qui sont étudiants, mais vous faites un Erasmus. Vous n'avez pas besoin de courir ça. Il y a des PVT jusqu'à 30 ans. Mais oui, aussi. Mais oui, mais vous allez, voilà, exactement. Voilà, vous pouvez bosser visas, à l'étranger. Travail, tourisme. Vous avez les réductions pour y aller moins cher. Enfin, en bref, vous n'avez pas besoin de moi. Et surtout, j'ai été un homme de moins de 25 ans et je n'étais pas fini mentalement en termes de maturité, je veux dire. C'est clair, voilà. Jusqu'à 26, 27 ans, je voulais pas. Même aujourd'hui, je suis un gamin. Je voulais pas me caser. Voilà, moi, je veux des mecs qui veulent se caser, qui me disent, Daniel, j'en ai marre. Je suis natio, je sais qu'il faut faire des gosses. J'ai les moyens financiers d'avoir une femme, ou en tout cas j'ai la motivation pour y parvenir, même si pour l'instant j'ai pas les moyens financiers, et là j'entre en piste, parce que ce qui serait terrible pour moi, c'est d'investir du temps avec des mecs qui abandonnent à mi-chemin et qui en plus après me font la réputation de dire, ah, Daniel, il m'a pas aidé, il était nul, j'ai pas réussi. Donc voilà, je veux des mecs qui veulent vraiment y arriver, et je le dis une dernière fois, parce que là je commence à m'auto-saouler, si vous voulez vraiment, c'est votre désir, si vous voulez devenir père de famille et fonder un foyer blanc, et que vous avez, on va dire, à peu près la trentaine ou plus, en Europe de l'Est, si vous le voulez, vous allez y arriver à 100% de certitude. D'accord ? 100%. C'est bien compris ou pas ? C'est-à-dire que sur 100 chances... C'est-à-dire sur 100 mecs... T'en 100. As 100. Voilà. D'accord ? Si par exemple, je fais un scap avec vous, que je me rends compte que vous avez la gueule d'Elephant Man... Bon là, ouais. D'accord. On va en mais, tout 10%, alors, si c'est là. Génétique, vous êtes vraiment Elephant Man. Quelque part, si t'es de droite, tu sais que si t'as une anomalie physique, tu peux pas te reproduire et que c'est peut-être normal. Mais si par exemple, t'es juste un gros, tu vois, pour ne parler de personne. Bon, eh ben, si t'es un gros, si t'es un gros, je vais te dire, mec, faut que tu perdes 15-20 kilos. C'est quoi ton poids ? Tu perds 20 kilos. Tu dois le perdre 20 kilos. Tu dois les perdre. Si tu veux la femme, tu dois les perdre. Et tu perds 20 kilos, et dans 6 mois, tu me rejoins, et là, je te mac. Voilà, donc il y aura des petites combinaisons, voilà quoi. Je sais pas, un mec qui a un strabisme comme ça. Je veux dire, bon, faut peut-être te faire soigner. Non mais voilà, non, là je rigole un petit peu pour prolonger le plaisir. Mais un mec normal, ni moche, ni hyper beau, et qui a pas l'air d'être un cas social, si le seul blocage c'est la timidité, avec les conseils que je vais vous donner, fruit de toutes mes expériences, vous allez y arriver. Voilà. Et maintenant, j'ai envie de vous aider parce que ça suffit. J'en ai marre d'avoir des mecs qui baissent pas autour de moi. Et c'est, quelque part, c'est un investissement sur l'avenir. C'est perdre du temps pour en gagner. Trouver ma femme. @ toutamail.com. Okay, voilà. Quand vous serez tous accomplis et épanouis, vous me casserez peut-être un peu moins les couilles. Il y a aussi ça. C'est un pari sur l'avenir, quoi. Voilà, les amis, je crois avoir tout dit. Il est très très tard. Peut-être je vais prendre 3-4 questions et après on arrête. Qu'est-ce que t'en penses, Robin ? Non, tu vas arrêter ? Ouais, non. Moi je suis chaud jusqu'à 8h du mat s'il le faut. Non, on va arrêter bientôt. Je réponds tu à deux. Tu dors une demi-heure et hop, tu vas. Allez, non, je réponds à 3 questions et après on arrête là. Bah écoute, je vais chercher les questions. Cherche parce que les questions, moi je me repose un peu, je mange un bout de saucisson. Voilà. Je peux pas les lire parce que j'ai plus de batterie sur mon ordi. J'en ai qui sont très étranges, je ne sais même pas à quoi ça fait référence. D'accord. Par exemple, Stéphane Noiset qui demande « Ne penses-tu pas être, entre parenthèses, ne serait-ce qu'un tantinet, paranoïaque ?» Moi, parano ? Ouais. Mais pourquoi ? Je n'en sais rien en fait, la question est très, très étrange. Tu mets que moi, parano qui existe. Ouais, je sais, mais... À partir d'une heure du matin, tu sais, t'as... On passe la Twilight Zone, quoi. Il y a une facilité de me rencontrer, les gens sont étonnés, quoi. Les gens deviennent parano à mon contact, parce qu'ils m'appellent, ils me disent, tiens, j'aimerais bien te rencontrer. Et mettons, on est dans la même ville, ben je dis, ok, demain. Et les mecs sont là en mode, ah ouais, comme, c'est aussi facile que ça, quoi. Bah oui, on est dans la même ville, on va boire un café. Enfin, je vais pas t'accorder 5 heures, mais on peut boire un café 3 quarts d'heure, 1 heure, quoi. Donc je suis pas du tout parano, quoi. Les gens qui veulent me tuer auraient pu me tuer 10 fois, quoi. C'est un... On devrait peut-être pas dire c'est ça, clair. D'ailleurs, tu couperas au montage. Ouais. Mais il n'y a pas de montage, en fait. C'était dans la merde. C'est vrai, Matt. Le judéocentrisme de Soral nuit-il à la dissidence ? Oh, question. C'est pas tellement le... Non, je dirais pas que c'est le judéocentrisme qui nuit à la dissidence. C'est juste con. Quand, par exemple, on va dire, dans des attentats où les juifs n'ont aucun rapport, il va parler des juifs, c'est absurde. Non, ce qui nuit à la dissidence, c'est le complotisme. C'est-à-dire le réflexe qui consiste à toujours ne pas croire la théorie officielle sans avoir de preuves, en l'absence de preuves, d'accord ? Ça nuit parce que l'aboutissement du complotisme, c'est de croire que finalement rien n'est possible. Parce que vous imaginez si à chaque cas, il y a vraiment des gens qui pensent que quand il y a un attentat, c'est systématiquement un complot, quoi. Que ce soit un attentat arabe ou un attentat de Breivik ou Tarente. Il y a des gens qui pensent que Tarente, c'est les juifs, quoi. Donc, c'est pas le problème. Non, que j'ai vu des mecs qui, bien que ce soit filmé, essayaient de prouver qu'en fait, par exemple, les chargeurs étaient déjà dans la mosquée. Ce ne sont pas des vrais corps, ce sont des mannequins. C'est ça, ouais, bah toujours pareil. Et tu sais, je me suis amusé, enfin entre guillemets amusé, à essayer de parler avec. Ouais. Notre ami Franck et Héraclès le sait, j'en ai parlé avec lui. Ouais. En fait, tu as affaire à des. J'allais dire des fous, mais. C'est un mur, quoi, tu peux rien faire. Voilà, c'est genre, en fait, dès que tu remets en question leur remise en question, tu es tout de suite un agent du FBI chinois, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et puis surtout, ce qui est grave, c'est que c'est la philosophie de l'impuissance, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu penses que rien n'est possible, tu te rends compte que les mecs se disent c'est pas possible de prendre une Kalachnikov et tuer des gens, quoi. Et c'est quand même le truc le plus simple de l'histoire, quoi. Puis le mec s'est filmé, bordel. Le mec s'est filmé, mais il l'aurait vu en vrai, il dirait que c'est une illusion, quoi. Ouais, je veux dire, c'est ça. C'est David Copperfield. C'est comme les, tu sais, le 11 septembre, bon, il y a des doutes oui. qui sont justifiés, mais. Il y a des théories qui sont complètement délirantes. La théorie Blue Beam, non, je sais plus c'est quoi, c'est hologramme. Hologramme. Ah, oui, les en fait... avions sont des hologrammes en 3D. D'accord. Et en fait, ça serait carrément une arme satellite qui aurait déglingué. Il y a des théories. Ouais, qui c'est vont quand dans même ce dingue. Là, donc, oui, effectivement, je crois que c'est, bah, c'est Guillaume Fay, je crois. Dans Guerre civile raciale. Guillaume Fay établit une différence. Bah... Ah, mais non, je suis con, c'est moi. Non, mais je suis vraiment débile. Non, mais je suis complètement débile. C'est moi qui avais dit ça sur. 1h15 du mat. Oh là là. C'est moi sur le tableau, sur le plateau de Tepa, enfin Meta TV, où j'avais dit que je faisais une différence entre les antisémites et les judéo-centriques. Les judéo-centriques sont des gens qui voient des juifs partout, même là où ils ne sont pas. Les nationalistes antisémites sont juste des gens qui connaissent l'histoire, quoi. Voilà, et qui ont un point de vue nationaux. Voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus. Ouais, ça se bat en commentaire dès que tu parles du 11 septembre, etc. Ah, on n'a pas dit, attendez, le 11 septembre, on n'a pas dit Blue que Beam, c'était que les Arabes. Que... Non, mais tu sais, les théories ARP, je veux bien, ça fait travailler l'imaginaire, mais en fait, c'est tout, quoi. Bah oui, où sont les preuves réelles ? Que vous me disiez que c'est un inside job, ça, à la limite, je veux bien le croire et je veux bien enquêter là-dessus. Mais que vous me disiez que les tours n'ont pas explosé ou que c'est autre chose que des avions. Enfin, c'est quand même... Bon, bref. Peu importe, c'est un sujet de merde, quoi. C'est vraiment un sujet de merde le 11 septembre. Puis finalement, c'est quoi votre diplôme? Vous êtes des youtubologues. C'est ça la réalité. Vous êtes des youtubologues. Vous y connaissez rien en architecture. Vous y connaissez rien. Vous y connaissez rien en avion. C'est ça la réalité. Arrêtez de... Il y a quand même des associations d'ingénieurs, d'architectes qui ont dit. Qui se regroupent, il y a Architect for 911 Truth, des trucs comme ça, tu vois. Trois heures plus tard, quoi. Bon, les pyramides. Voilà. Elles sont triangulaires, quoi, mais d'une manière. Mais quelque part, si tu les regardes de. Isocèles, quoi. Ah. Enfin... Et ça, c'est louche. Bon, alors, les questions, là. Non, mais. Bah, je pense que les gens sont fatigués, ouais, quoi. Peut-être rester là. Voilà, ça commence à se déconnecter. Ça commence à se déconnecter. Donc, allez, bah, le rythme a un peu baissé. Donc, les gars, peut-être une dernière question. Dans ton livre, désolé Jean-Pierre, j'ai senti des influences de Houellebecq et de Bukowski. Es-tu d'accord ? Demande Joconde. Bukowski, oui. Houellebecq, non. Même si je crois comprendre ce qui t'a amené à penser ça. Les personnages de Houellebecq sont des dépressifs. Inagissant, alors que le personnage de Désolé Jean-Pierre est un type qui veut agir, mais qui par pathologie contemporaine, c'est la fainéantise, c'est vraiment le drame de notre époque, a du mal à faire ce qu'il sait être juste, et puis aussi par peur. Mais c'est pas le cas des personnages de Houellebecq. Le personnage de mon livre n'est pas un post-moderne, alors que les personnages de Houellebecq, que ce soit dans Soumission, dans Sérotonine, le truc où il s'agit de sexe en Thaïlande, mais j'ai oublié le titre. Plateforme, je crois. Ou c'était peut-être un autre livre. Je peux pas t'aider, j'en ai lu qu'un, c'est Soumission. D'accord. Quoi. Bon, je crois que ça m'a. Ce sont des postmodernes, c'est-à-dire en fait, ce sont des gens qui ont accepté le déclin occidental et qui n'en souffrent pas parce que c'est une résignation. En fait, l'Occident meurt et c'est pas grave. Si ce n'est que pour supporter ça, on doit prendre des pilules toute la journée, quoi. Donc moi. Ça me déplaît pas Houellebecq parce que ça a quand même un sens informatif sur l'époque, mais c'est pas du tout ce que j'ai dans le sang. Et le personnage Lionel de Désolé Jean-Pierre est plutôt un type qui me ressemble fondamentalement, même s'il y a des parts, du personnage qui ne sont pas moi, hein, que j'ai très exagéré ou que j'ai caché, mais en réalité moi je suis plutôt un mec tonique, simplement il y a des verrous aujourd'hui. Et il y a un fait, il y a que les nations, globalement, n'ont plus le sens du sacrifice. Et c'est ça, en fait, le questionnement de Jean-Pierre, c'est le constat, on l'a, mais on n'a plus le sens du sacrifice. Pourquoi ? Est-ce normal ? Que faut-il faire en fonction de ça ? Moi, je crois que le communautarisme, Et la solution complémentaire et aussi secondaire qui vient en deuxième position après le sacrifice héroïque. Je peux pas dire aux gens, faites des sacrifices héroïques. Déjà parce que en fonction de ce que ça implique, c'est interdit par la loi, mais aussi parce que c'est un vœu incantatoire. C'est les mecs qui me disent, il faudrait qu'il y ait 10 000 Breivik et il y aurait plus de gauchisme. Mais tout est dans le « il faudrait ». Tu vois, il faudrait qu'il y ait 3 fédéraires nouveaux pour remplacer Federer qui part à la retraite. Tu vois, c'est la même chose. Alors que le communautarisme, c'est à portée de tout le monde. Même des gens qui n'ont pas une énorme contribution à apporter à la société et au monde facho, au monde natio, peuvent participer au communautarisme. Et c'est pourquoi, alors attention, spoil de la fin, désolé Jean-Pierre. Spoil, 1, 2, 3, vous n'avez pas lu le livre, arrêtez d'écouter pendant les 5 prochaines secondes. La solution, le personnage se rend compte qu'il n'a pas la force de se sacrifier parce qu'au fond, tuer aujourd'hui dans le monde des droits de l'homme, c'est se sacrifier. Vous tuez quelqu'un, vous allez en prison à vie ou bien vous êtes tué par le JIJN, etc. Donc il se rend compte qu'il n'a pas la force d'aller jusque-là et donc il se dit... Au minimum, je vais faire du communautarisme, je vais fonder une famille, je vais arrêter d'avoir une vie dissolue, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de baiser à droite à gauche, je vais avoir une femme, des enfants, dans un pays blanc, qui est la Pologne, à ce moment-là, qu'il a choisi, que le personnage a choisi en fonction de ses valeurs. Voilà. À moins que tu aies vu une émission, une question fantastique, on conclut. Alors, non, moi je te propose de faire une session question-réponse rapide, comme ça. Ok. Faudrait faire une. Ah, il y a quand même encore 950 réponses, personnes. Ouais, c'est pas mal quoi. Ok, alors rapide, oui, non. Oui, voilà, genre. Parce que en deux minutes quoi, même pas. Alors, j'en ai mis de côté là. Kalinagos. 972. Ouais. Oh, Nuka habite Guadeloupe. Allez-vous accorder une interview au cercle Richelieu? Oui. Ils m'ont écrit, j'ai oublié de leur répondre. Oui. Ça fait pas mal de temps qu'ils me posent la question. Ouais, oui, oui, tout à fait. Je suis tout à fait pour. En plus, je crois et ceux qui gueulent parce que je prends pas les questions. Parce que, attends, vous êtes 1000 en fait, quoi. C'est ce qu'ils veulent, quoi. Ouais, voilà. Donc, excuse-moi, c'est quoi la réponse? Oui. La réponse est oui. François Larrosse, peut-on te rencontrer demain à Rennes? T'es à Rennes demain? Ouais mec, je pars maintenant. Non, et tu viens avec moi. D'accord. Et j'invente ta vie au quotidien, okay. Quoi. À Rennes, mais c'est toi qui fais la conférence, mec, t'es pas prêt. Voilà. Comment être rouquin? Voilà, c'est ça, la conférence, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais, moi? Oui, demain je suis à Rennes, alors attends voir... Écris-moi un mail à danielconversano@toutanota.com. Ah, pas confondre avec trouvermafemme@toutamail.com. Ouais. Les mecs vont confondre, vont faire n'importe quoi. trouvermonconversano@gmail.juif, quoi. Quoi? Trouver ma conférence. Alors, c'est pour te baiser, faire des enfants avec toi, c'est où? Mais quoi? Mais t'as tout confondu. C'est à Rennes. Alors. Oui, ça peut être possible, mais à l'arrache. Donc c'est faisable. Un repas. Mais c'est pas faisable. On peut déjeuner ensemble éventuellement à midi et demi, une heure. Selos Fjellskogl. Je suis désolé, hein, je suis pas bon en langue scandinave. Ouais. Comment peut-on faire lorsqu'on est une femme natio et que son homme n'est pas prêt mentalement pour faire une famille? Comment lui donner envie? Très bonne question. Hein. C'est dur de répondre vite. Je suppose que ton homme est natio aussi. Je pense que tu dois l'exiger de ton homme. Après, ça dépend de la situation. Est-ce que toi, tu es jeune? Est-ce que lui, il est jeune? Si vous avez 30 ans, tu dois l'exiger. Si vous avez 20 ans et que tu es juste une meuf pressée qui veut des gosses, qui est très bien, hein, une nana natio de 20 ans qui veut des gosses, bravo, je te félicite, à demain. Ça dépend de l'âge. C'est difficile pour moi d'avoir une réponse péremptoire parce que la réponse que je vais donner sera très engageante. Je dis quitte ton homme, tu comprends, c'est terrible quoi. Je veux pas te bousiller la vie à distance alors que je connais pas votre situation. Si tu as l'âge à peu près censé être normal pour faire une famille dans le monde d'aujourd'hui, disons entre 25 et 30 ans, tu dois expliquer à ton homme que tu es nationaliste, tes valeurs c'est tu veux des enfants et t'en veux pas un, t'en veux probablement 3 ou 4 ou peut-être plus. Et si t'es une meuf qui a 25, 26, 27 ans, bah, faut commencer maintenant. Faut commencer maintenant. On n'est pas des Africains, on va pas faire un gosse par an. Donc vous allez faire un gosse tous les 2-3 ans. Eh bien, à 26 ans, c'est déjà l'heure de s'y mettre. Donc il faut que tu lui mettes en avant le facteur temps, primo. Et secondo, il faut que tu vois si... Alors attention, peut-être que ton homme a des défauts, je sais pas, mais moi je te dis... Parce que tu m'as posé une question qui finalement... Moi je te réponds en tant qu'homme, c'est-à-dire mettons je suis cet homme dans cette situation et c'est moi qui te ralentis et je veux pas, pour l'instant je veux pas faire d'enfant avec toi. Partons du principe que vous aimez tous les deux, donc le problème n'est pas la quantité d'amour. Alors est-ce que tu l'as rassuré sur le fait que tu seras une mère qui va s'impliquer à 100% dans l'éducation des enfants, que tu as conscience qu'une vie va changer pour toi, que si t'es nana qui sort un tout petit peu, bah là tu vas plus du tout sortir, parce que c'est ça, hein, être maman, c'est que pendant 2 ans tu ne sors plus, c'est ça la réalité. Moi ma femme, ça fait 2 ans, elle ne sort plus de la maison. C'est ça que les mecs qui me parlent de la charia blanche, ça me fait rire, hein, mais la charia blanche, moi je la pratique. Tu fais un gosse à ta femme, c'est la charia blanche quoi. Pendant 2 ans, elle sort plus. C'est-à-dire, et je veux sortir avec ma copine. Bah oui, mais la gosse, elle fait quoi? Elle va téter le sein du père? Le lait, ça vient pas de la bite, hein, madame, excusez-moi. Hein. Donc bon, bref. Donc en plus, donc voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Tu sais, de la même manière qu'une femme peut être triste quand un homme va partir bosser à l'étranger, au fond, elle est triste parce qu'elle se dit, putain, ça se trouve, il va me tromper, il va trouver une autre femme. Donc un homme doit être rassurant à ce niveau-là. Moi, chaque fois que je pars 3 semaines, 1 mois, loin de ma femme, eh ben 2-3 jours avant, je suis très câlin, je lui fais comprendre que je vais revenir. Voilà. Bon, ben, peut-être que lui, en tant qu'homme, il a besoin d'être assuré sur ta capacité de maman, sur ta compétence de maman. Tu vas dire, écoute, c'est moi qui veux l'enfant, pour l'instant, je le désire plus que toi, donc je vais m'en occuper. Ça ne sera pas un poids pour toi, ça sera un bonheur d'être père. Bien sûr, il faudra que tu t'en occupes aussi, mais moi, je suis la mère et je sais qu'au début de la vie, l'enfant a besoin de sa mère parce que c'est ça la réalité. Le père il crève 2 semaines après la naissance, l'enfant il s'en fout quoi. T'es en train de lui répondre et elle repose la question. T'es sérieuse, Célos là? T'écoutes ou quoi? Ouais, là, on est en train de te répondre là. Allô? C'est délirant, allô quoi. Ah, tu bon, m'as souligné. Ouais, pour le coup, on va passer à autre chose. De toute façon, j'avais tout dit. Ce manque de respect quoi. Jérôme, bref. Ça fait 1000 fois que je te demande de parler du wotanisme. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur le wotanisme? C'est quoi le wotanisme? Bah. J'en ai fait un article sur ce vélo il y a longtemps. Si tu tapes sur suavelos.eu, wotanisme, enfin, j'ai pas fait un article, j'ai relayé la page Wikipédia du wotanisme. Alors, le wotanisme, c'est comme l'église des créateurs là, de Ben Classen. Tout ça, ah, c'est ouais, des, d'accord. Non mais c'est des vœux, ouais, c'est ouais. Des trucs incantatoires. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non mais je veux dire, pourquoi pas? Non mais dans l'absolu, c'est génial, évidemment. Tu me parles d'un truc qui finalement à la poésie des grands contes traditionnels païens du Nord, donc cet esprit très européen, et qui en même temps a la violence sèche de l'islam radical. Donc c'est une combinaison qui est fantasmée. Évidemment, avec une religion comme ça, on gagne. Après, on devient méchant aussi, quoi. Donc à voir, mais les Blancs sont tellement loin de ça, quoi. Je veux dire... Parler du wotanisme, enfin croire vraiment à la possibilité que le wotanisme va réussir à conquérir les esprits des blancs, c'est comme de croire à Troposphère 5 pour les noirs quoi. Tu vois, c'est le même niveau quoi. De croire qu'en fait les blancs vont devenir des psychopathes, parce que ça le wotanisme finalement c'est espérer, c'est voir le Valhalla comme un monde où la récompense d'une vie c'est un paradis où on se bat tout le temps quoi. Je veux dire même les musulmans ont pas ce paradis là quoi. Et les musulmans c'est faire la guerre ici pour se faire sucer au paradis, quoi. Bon, les wotanistes, c'est en gros la béatitude, c'est tuer des gens, même là-bas, quoi. Bon, bah... Ok, évidemment, on serait wotaniste, le monde blanc serait pas envahi, hein. Mais on n'est pas wotaniste, c'est ça le problème. Quel bon vin italien à conseiller? Hein, la question... Quel bon vin? Ouais. Ah, je m'y connais pas en vin. Voilà. Moi, je suis un prolo, moi. Je bois de la merde, je bois de la piquette. Quand je bois un bon vin, je m'en rends compte, mais en fait... J'en bois pas parce que c'est cher, quoi. Fait chier de payer 20 balles un bon vin, quoi. Jérémy demande, est-ce qu'on doit être coopté pour participer au camp Edelweiss? Ah, excellente question. Eh bien, écoute, il faut que tu poses cette question aux organisateurs. Je crois que oui. Alors, si tu n'as pas trop le temps au cours de l'année de rencontrer des camarades, c'est pas non plus complètement disqualifiant. Mais effectivement, il y a un petit process, un processus, quoi. Donc, tu poses cette même question à l'adresse suivante, parce que les organisateurs ne regardent pas forcément ce live. edelweiss.europe@protonmail.com. edelweiss.europe@protonmail.com, 2S à Edelweiss, protonmail.com. Oui, il y a un système de cooptation, mais qui n'est pas lourd, hein. On ne demande pas de montrer sa teub pour prouver qu'on a un prépuce, quoi. Mais on devrait, peut-être. On aurait peut-être des surprises. Je commence à être fatigué et je vois que le... Bah, tout doucement, les gens vont se coucher, quoi. Que penses-tu du sionisme nationaliste blanc de Tommy Robinson ou Richard Spencer de l'alt-right, demande O'Brien. Des questions trop complexes pour cette heure-là. Rapidement, hein, genre. Franchement, je crois pas que ça soit une idéologie. Quand vous dites sioniste, c'est comme si le mec a une idéologie, c'est-à-dire qu'il veut, vraiment flatter les juifs parce qu'il a un plan en 5 étapes qu'il pense intelligent. Je pense que des mecs comme Tommy Robinson ne sont pas au fait de certaines questions sur la question juive. Et donc, en fait, pour eux, les juifs, tous les juifs sont des Israéliens, et les Israéliens ont les mêmes problèmes que nous d'Arabes, quoi, musulmans. Donc, Richard Spencer, c'est un peu plus compliqué. Je ne peux pas te répondre c'est comme qu'il ça. Est anti-Trump. Hein. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Mais Trump, Spencer, c'est un trop gros morceau. Je peux pas en parler dans un live en deux minutes, quoi. Ce qui est certain, c'est que Tommy Robinson, j'ai quand même beaucoup de compassion pour ce qui lui arrive. Le système en Angleterre est pire que la France, si c'était possible, et je crois que c'est pire. Et vraiment, j'espère qu'il ne fera. Ça me paraît peu probable, mais j'espère que Trump lui accordera l'asile politique. Une interview de Vincent Lapierre bientôt. Bah, si Vincent Lapierre y veut, il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. Vincent Lapierre a eu un enfant blanc. C'est possible. Autant, bah, je crois qu'il est Vincent Lapierre et Carteron, il me semble. Il y a un peu de vénézuélien, mais dans une proportion assez faible. Il a eu un enfant avec une jolie femme d'ailleurs, donc on les félicite pour cette naissance. Ouais. Et surtout, je félicite. Vincent d'être sorti du giron soralien, c'est clair. Voilà. Et de l'avoir fait avec un peu de la classe, quoi. Avec de la classe, ouais. Alors j'ai adoré quand il a porté le t-shirt vendu. Exact. ouais, quand Soral a porté le t-shirt traître ou vendu. Vendu. La pierre a relayé en disant j'ai une ex un peu collante. Ça c'est parfait. C'est le meilleur moyen de communiquer avec Soral, le féminiser, quoi. Parce qu'en réalité dans ses réactions. Il est très féminin dans sa jalousie, dans sa rancune. Il est vraiment mauvais côté des femmes, il les a. C'est une femme dans sa tête, dans sa façon de réagir. En plus, il y a un côté, je trouve, le fait qu'il soit toujours dans le canapé, un peu comme je suis moi maintenant, c'est vraiment un côté plaintif de gonzesse, quoi. Ouais, moi, Vincent Lapierre, j'ai tout fait avec lui, hein. C'est grâce à moi qu'il est comme ça, hein. Les meufs sont comme ça, des fois, tu sais. Elles étaient insupportables, tu les as quittées. Après, elle raconte à tout le monde, mais ce mec, il était rien avant. C'est lui qui, je me rappelle, il parlait de ça, de femmes éconduites qui sont restées mariées 20 ans. Ils disaient qu'ont sucé leur mari pendant 20 ans, puis qu'ils font un livre d'un seul coup. Ouais. Bah, lui, il est pareil, quoi. Il est pareil, c'est vraiment ça, quoi. Mais vraiment, les phrases que des meufs sortent, quoi. Genre, ce mec, je l'ai fait de A à Z, il était rien avant moi. Il me doit tout, et maintenant, il me crache dessus. Et en plus, c'est faux, parce que Lapierre veut ne jamais parler de Soral, c'est toujours Soral qui remet le couvert. Non, mais ce mec est un malade, quoi. Il est juste dingue. Il est allé voir des sionistes. Ouais, en plus, c'est faux. Juste parce qu'il a été amical avec Zemmour. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Trois questions, quoi. Que penses-tu de la loi Avia ? Demande Alex d'Armagnac. J'ai un trou. C'est quoi la loi Avia ? Alors, c'est une espèce de nouvelle loi... antiraciste, il me semble, mais spécialement axé islam, me semble-t-il, de ce que j'en ai vu, des vidéos de Pierre Cassan, d'accord, d'ailleurs, que oui, je exact. Recommande, qui fait une vidéo par jour, qui est vraiment infatigable. Ben, je pense que ça m'étonne pas. Le système va de plus en plus loin dans la répression, parce qu'ils savent que nous avons raison. L'idée, c'est vraiment... maintenant de nous museler le plus fortement possible. YouTube, la censure YouTube et Facebook, c'est la même chose. Les cosmopolites ne veulent, donc les gens au pouvoir, ne veulent vraiment plus, ils veulent vraiment plus rigoler, quoi. Ils veulent même pas que sur le registre de la blague ou du mème, on puisse exister dans une critique de l'islam qui est tout à fait légitime. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, tout le monde a peur de l'islam, même les gauchistes. Donc maintenant, avant c'était de l'humanisme, une espèce d'utopie stupide de croire au vivre ensemble. Maintenant, c'est de la peur. à la fois c'est leur électorat et en même temps les gauchistes au pouvoir ont peur de l'islam. Donc voilà, ils ont peur d'une réaction des musulmans, ils ont peur d'une réaction des nationaux contre les musulmans et contre eux. Voilà, moi je connais quelques gauchistes dans le milieu des médias, ils ont peur des nationaux. Et ils disent des trucs, moi je connais un type comme ça, et ils disent « Mais Nacio, on sait que si vous arrivez au pouvoir, vous allez nous tuer, quoi. » Moi je suis là « Ouais, peut-être. » C'est au bout de 40 ans que t'as détruit l'Europe, on a un peu envie de t'exploser la gueule, quoi. Tu vois, c'est-à-dire à un moment donné, ton but c'est détruire les blancs H24, alors que t'es blanc, on a un petit peu envie de te défoncer la gueule, mais en mode soft, tu vois. Donc maintenant les mecs ils se disent « Mais non, j'ai peur. » On dirait... Un père qui pratique l'inceste, qui viole son enfant pendant 40 ans, et après il dit mais j'ai l'impression que tu m'en veux. Je veux dire, il y a de la haine en toi, quoi. Bah oui, mais tu m'as enculé pendant 40 ans, quoi. Je veux dire, j'ai mal. Je souffre. Bon. Non, bah ouais, on en arrive à 3h50 de live. Ouais, on va arrêter. Je trouve que t'as une endurance exceptionnelle. Et puis, that's what she merci, said. Merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent, qui sont encore 900, bordel, à 1h30 du matin. Ah bah c'est beau, ça c'est de l'amour. Ouais, ouais, c'est très très beau. Voilà les gars, je répète juste deux informations. Ouais, voilà, je voulais te faire répéter aussi. Ah pardon. Donc alors, je serai à Brest lundi, en début d'après-midi. C'est, en fait, début d'après-midi, milieu d'après-midi, c'est le mieux pour éventuellement prendre un café. Après, je suis à Grenoble les trois jours suivants. Samedi 27, je suis à Nantes. Vous pouvez me voir en conférence. J'ai une dernière fois. Allez, va, je vais donner. J'en peux plus. À Nantes, le 27 juillet. Reza et information par mail. franstudio-conf@protonmail.com. Franstudio. franstudio-conf@protonmail.com. Et pour Paris, le lendemain, avec une conférence équipe communautaire Paris, conférence.ecp@protonmail.com le 28 juillet à Paris. Et j'aurai en direct live, je pourrai vous signer des livres. J'ai le mien, désolé Jean-Pierre, celui de Guillaume Fay, Guerre civile raciale, et les livres des éditions Némésis, notamment Casapound, Tout serait approprié, qui est un livre excellent que j'ai lu avec énormément de plaisir. Et je le dis pas par amitié, genre je vends le livre d'un pote alors qu'en fait c'est de la merde. Je suis pas comme ça. Je le dis parce que je pense que c'est un livre fondamental qui en plus est bien édité. C'est vraiment pas foutu de votre gueule. Voilà. Je crois que c'est tout. Et oui. Et si vous êtes intéressé, si vous avez le désir de fonder un foyer avec une femme d'Europe de l'Est parce qu'en France vous n'y arrivez pas, eh bien vous m'écrivez un mail. trouvezmafemme@toutamail.com. Vous m'expliquez votre situation, vous donnez votre âge, votre profession, le pays d'Europe de l'Est que vous visez éventuellement et pourquoi, et en quoi je peux vous aider, en quoi vous voudriez que je vous aide. Et après, je vous dirai si c'est possible ou pas. Voilà quoi. C'est tout, les amis. Je vous remercie pour votre attention. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal de choses. Un petit Tipeee si ça vous a plu. Hein. Aussi, bien sûr. Voilà, tipeee.com/vive-l. Trait d'union Europe, donc vive l'Europe, mais ouais. Avec vive-l-Europe. Ou plus facilement sous Google, vous tapez vive l'Europe Tipeee. Voilà. T-I-P-E-E. Ou sur DuckDuckGo si vous voulez boycotter Google. Sachant ce qu'il va falloir commencer à faire. Voilà, sachant que mon technicien touche une part sur Tipeee, c'est pour ça qu'il en a parlé. Voilà, parce que je lui donne un peu. mais De quoi Voilà. Pas suffisamment, mais je lui en donne un peu. Donc, m'aider, c'est aussi m'aider à m'entourer de plus de collaborateurs. Pour l'instant, quand je fais des Vive l'Europe un peu partout à travers l'Europe, c'est moi qui filme. C'est pour ça qu'il y a un seul plan et que c'est un peu merdique. Forcément, s'il y a plus d'argent. Non, mais bientôt, ça va s'améliorer, tout ça, on vous le promet. On l'espère. Voilà, bien sûr. Non, on l'espère pas. On va le faire. On va le faire. On va vous proposer de nouveaux formats là, d'ici septembre. Vous allez être surpris. Ça va être fun. Et encore désolé de ma part personnellement pour la technique. Pour la merdouille, ouais, technique. J'ai vraiment un ordinateur à la con. C'est comme ça. En fait, on est sur un PC portable très vieux. C'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué. Mais ça a marché quand même, 1000 vues de manière assez constante, 1100 vues depuis bout de temps. Presque 4 heures, donc merci à vous. Merci à tous, bonne fin du mois de juillet, bon été à tous et merci encore. Et alors pour te contacter personnellement, danielconversano@toutanota.com, comme ça si tu veux me rencontrer dans une des villes étapes dont j'ai parlé au cours de ce live, qui pourra être réécouté à partir de demain matin, eh bien tu peux le faire sans problème. Voilà. Ok. Salut. Merci à tous. Allez, je suis flingué. À bientôt, les amis. Salut, ciao, ciao. Выходила, песню завозила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, ох, про того, чьи письма берегла. Пусть он вспомнит девушку родную, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий.